Higher powers taking a hold on me. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. One Dance sur Skyrock, c'était le gros son de Drake. Et grosse surprise concernant Drake. Restez bien sur Skyrock, ouais. On a plein de surprises pour la rentrée, hein. Ils sont de retour en direct. Diffoul. C'est un bronzage classe un peu que j'ai. Classieux. C'est exact. La classe, le bronzage des vacances. Je suis des UV aujourd'hui. Romano. T'as vu, on dirait un dalmatien au-dessus. Oui, c'est ça. Détaché, c'est dalmatien. J'ai une maladie, c'est les cheveux. Cédric. J'ai un t-shirt croix rouge, c'est pourquoi. C'est le drapeau de l'Angleterre, tu connais. Ah, d'accord. Celui-là, je l'ai acheté en vacances. Mortel pour les yeux. Tu l'as payé en plus. Bah ouais. Ah ouais, t'es con. Marie. Moi je brille. T'es brille tellement, t'es bronzée, c'est impressionnant quoi. Oui, tu es luisante. Voilà. Samy. Moi si j'ai un bronzage régulier quand même. Oui, bah t'es blanc. Ouais. Mais, c'est... Et Karim. Karim est là aussi, les mains dans les poches, ouais, tranquille, les mains, là en plein travail, comme d'habitude. Ça va, Alhamdoulilah, tranquille. Come on. 21h minuit, la radio libre de Difool. Seulement sur Skyrock. Eh oui, avant-dernière radio libre de l'été, avant la rentrée de Skyrock. Lundi, la rentrée, c'est dès 6h du matin. Lundi matin, soyez bien là avec nous. Venez faire les cours dès le réveil. Et gagner 1500 euros aussi, car je vois que ça parle beaucoup d'argent depuis qu'on est revenu de vacances. Ah ouais. D'ailleurs, à ce propos. Ouais, ouais, salut Romano. Bonjour Romano. Bonsoir. Bonsoir. Ma télé va bien. Ta télé va bien. Une petite. C'est cool alors. Une petite, tu vas me dire pour 699 euros. J'espère qu'il y aurait, j'espère qu'elle va pas lâcher au bout de deux jours. Ouais. Une envie de chèque de 1500 euros. Bien sûr. Eh bien, je te conseille de t'inscrire au 7-20-20. Tu envoies 1500. Ouais. Non, mais je sais comment ça marche. 0-0. Et hop, dis ça pour Cédric qui ne comprenait pas. Voilà, je savais si, pas. Si, j'ai compris. Bon, bah, j'écrivais 1000, je sais pas s'il y avait deux L. Non. Après, c'est 5 QE. Non, mais là, en chiffre. En chiffre, c'est rapide. Vous envoyez. Ben, tiens, Romano, le conseil que je te donne, c'est valable également pour vous tous et vous toutes qui nous écoutez. Lundi matin, on vous offre 1500 euros. Et attention, grosse nouveauté dès lundi. C'est pas une fois par heure qu'on vous offre 1500 euros. C'est une fois toutes les demi-heures. Vous gagnez de l'argent. Si vous répondez Skyrock, on vous appelle. On vous demande quelle est votre radio préférée. Dans ce cas-là, il n'y a pas de secret. Skyrock, c'est 1500 euros dans la poche. Je vais quand même saluer le reste de l'équipe. Ben oui, alors il y a le reste. Il y a du beau monde. Ouais. Bonjour la Marie. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Tout le monde est revenu de vacances. Hein. Nous, on est revenu lundi. Ah ouais, on est tous là. Si on est nous rejoindre, il y en a qui viennent nous rejoindre aujourd'hui. Eh ben ouais, on est de retour. Bienvenue. On dit déjà de retour de vacances. Mais oui, ouais, ouais. Lundi, nous, on est de retour. Ouais. Bonjour Cédric. Ouais, bonsoir tout le monde. T'as génial. C'est quoi ce Non, j'essaye de faire un compliment à Cédric. Et la génie. Ah, tu cherches donc. Je vais trouver. Oui, bah oui. Putain. Pourquoi tu veux pas mes Nike? Non. Bah, non, tu vois, j'aime bien les Nike, mais en celle-ci, non. Trouve autre chose. Tu vas voir, Tami. Tu peux un Mac Zero. Non, mais elles sont grises, mais bleues. Et bleues. Mais un peu sombres, tu vois. Non, elles sont bien, mais la couleur, ouais. Ouais, la couleur, elle est pourrie. Mais sinon, elles sont bien. Ouais, bon. Sinon, elles sont bien. Ouais. Bonjour, Samy. Sur les autres, elles sont mieux, quoi. C'est ça. Ça dépend peut-être de celui qui porte. Ça va, Samy? Ça va, tranquille, tout va bien. Et bonsoir, Karim. Salut, les filles. Salut, les filles. Salut, les filles. On voit les séducteurs qui sont là. Et un grand bonjour à vous tous et à vous toutes. Bonjour à vous. Salut, Ben Gousse qui vient d'arriver. Ah, comment il va, Ben Gousse, le Marseillais? Il va bien, toujours Marseillais. Ah, on prendra des nouvelles de Ben Gousse. Vous savez, c'est celui qui fait des vidéos sur l'OM, qui fait des critiques des matchs de l'OM. En ce moment, c'est assez critique, on va dire. Ah non, qu'il n'est pas content. Ah, il est à mourir de rire. Il est pas content. On t'embrasse, Ben Gousse. On salue le fêtard mystère. Ah, qui vient de nous retrouver après les vacances. Eh ben, ça y est, bienvenue à toi, fêtard mystère. On est là. Bonjour à Aurélie, qui est là aussi. La jumelle vient de faire un petit coucou. Il y a Rafik, il y a Jules. On salue également Elodie Mokhtar, qui nous dit gros big up à vous. Mercredi prochain, c'est la rentrée. Je crois que c'était jeudi, la rentrée, moi. Moi aussi, c'est jeudi, non? Bah ouais, je crois que c'était jeudi. Peut-être ça dépend des classes. Lui, c'est mercredi prochain. Après, je sais même pas si t'es à la classe. Si t'es en classe, t'as même pas dit ton âge, Mokhtar. Peut-être tu rentres au boulot. Bon, ben, nous, c'est lundi matin, 6h. La rentrée, ouais. Attention. Hein. Bon, on salue Narcos qui vient d'arriver, qui doit avoir un métier sympa, la flotteuse et tous les autres. Donc, vous voyez, vous pouvez nous envoyer des messages pendant toute la soirée au 41-759, ou alors avec l'appli Skyrock, ou alors avec le skyrock.fm. Et puis, sur tous les réseaux, vous allez sur Skyrock FM, sur Snap, sur Facebook, partout. Et vous pouvez discuter de l'émission, parler entre vous, passer à l'antenne aussi. Hein, vous pouvez nous joindre en privé sur tous les réseaux, ouais. N'hésitez pas. Et on est en direct, comme ça, jusqu'à minuit. Romano, est-ce que tu as envie de parler de certaines choses ce soir? Moi, j'ai le mail de Martha, elle est où Martha? J'ai mise quelque part, Martha. Elle est là. Oui. Ah, j'ai un problème, c'est que mon abcès revient, je suis un peu gonflé. Allez. Vous savez que si vous avez un souci dans l'émission, on a toujours des solutions. Un abcès. Ah ouais, t'es gonflé du visage. Ouais. Mais là, ça a diminué. Hein. Tu te sais. Parce que ce matin, je me suis levé, mais j'avais un œuf. Ah ouais. Cédric, tu vois, Romano, essaye de te copier, essaye d'avoir ton look du visage. Ouais, je vois ça, ouais. Il y a encore du boulot, faut que je sois sans armure peut-être. Pour gonfler plus vite. Pour commencer le travail de base. Ah non, mais c'est vrai. Non, mais alors j'ai rendez-vous lundi à 10h30 pour me faire arracher les deux dents. Lundi matin, juste après le morning. Super. Magnifique. Donc lundi soir, je viendrai sans doute avec deux dents. Ah ouais, tu veux pas y aller pendant le morning, comme ça tu fais ça en direct. Non, elle était pas dispo. Déjà, il me prend une extrême urgence, il est revenu de vacances spécialement pour moi. Ah bah oui. Non mais sérieux, il prend des urgences exprès parce qu'il avait prévu de revenir plus tard, mais les gens ont les dents pourries cet été. Je lui ai bousillé ses vacances. Moi j'avais proposé que tu le fasses dans le studio carrément. Ouais bah ouais, là ici je trouve ça pas mal. Apparemment. Je trouve ça très propre. Au niveau de l'hygiène. Ah ouais, c'est une bonne idée ça, tiens. Ouais, tu vois. T'imagines, il vient ici, il t'arrache les... C'est con, on est tous autour. Vas-y, tire. Et j'espère qu'entre temps il fera tomber la pince par terre. Ouais. Et Cédric la ramassera. Voilà, Cédric la ramasse. Éventuellement Cédric va la rincer c'est dans les chiottes. Et là après je pense qu'au niveau de l'hygiène on est top. Ah là t'es au max. Non, mais là, calme-toi, t'es tout pas mal. T'as juste, s'il en parle, il en peut plus. Ah ouais, mais lundi, je vais. Non, mais lundi soir, je vais revenir, je vais avoir une gueule pas possible. Moi, ce que je trouve super, c'est que lundi, on démarre la nouvelle saison de la Radio Libre. Et dedans, au moins. Nouvelle saison de la Radio Libre qui démarre lundi soir et Romano, il va arriver dans un état pas possible. Donc, ça, j'attends ça avec impatience vivement lundi soir. Non, mais en fait, je sais pas, il m'a dit. Ah bah oui, je vais pas rester avec des trous. Donc, on salue. Après, non, mais là, c'est un coup, je vais y aller pendant 2-3 mois, quoi. Il y a Noé qu'on salue qui va se faire arracher les dents. La semaine prochaine. Eh bien, merci pour ton message, Noé. Tu vois, tu n'es pas tout seul, Romano. Dis bonjour à Noé. Je sais, hein. Salut les éclopés des dents. Solidarité. On aura un invité mystère ce soir, tiens, je vous ai pas dit ça. Un invité mystère qu'on aura au téléphone. On aime bien savoir ce qu'on fait. Je peux vous le dire, c'est un artiste qu'on passe sur Skyrock. Ce qu'on fait les artistes qu'on passe sur Skyrock pendant l'été, où on vous a raconté un petit peu ce qui s'était passé, mon tour du monde, les Jeux Olympiques, etc. Je vous ai raconté un petit peu tout ça. Romano, bon, t'as peut-être encore des trucs à nous raconter. La Marie, l'Espagne, le Maroc, Cédric les putes, Samy Marseille. Non, Marie a quand même fait une semaine de musée. Ah oui. J'ai fait des festivals. Et théâtre, des pièces de théâtre. Musée et pièces de théâtre. Et j'ai fait aussi expo de photos. Ouais, et j'ai fait musée d'art contemporain. Oh là. Donc, si vous avez fait. Clos, n'arrive pas à le dire. Musée d'art Donc, vous avez peut-être fait des trucs spéciaux pendant les vacances. Vous n'hésitez pas à nous en parler. Des trucs de merde, comme Marie. Ou des trucs de merde. Vous pouvez également nous en parler. Et puis, tout à l'heure, on passera un petit coup de fil à quelqu'un que vous aimez bien et qu'on aime beaucoup aussi à Sky. Et qu'on passera en plus dans la soirée. On écoutera son son dans la soirée. Ça sera notre invité mystère, tiens, comme dans le morning, un petit invité mystère. Vous me dites c'est qui. Bah ouais, on sait pas. C'est qui, ouais. C'est l'invité mystère. Donc on vous dira tout à l'heure. Merci pour ça. J'essaie de joindre, il est sur répondeur direct. Ah voilà. Il va pas te répondre, gros, je crois. Je vais l'appeler moi perso. Bon, avant, allez, on essaie de l'avoir dans la première partie de l'émission avant 10h du soir. Bon, les familles du double appel, on va s'en occuper. Et est-ce qu'on fait le dernier problème du mois, Romano, dernier problème du mois de l'été? Ah, j'ai mal. Ah, maman, arrête de sucer des bites, nous dit Fouini sur SMS. Ah, ça tu confonds, c'est Cédric. Ah non, du tout. C'est Cédric qui bouffe du chibre avec Marie, accessoirement. Et d'ailleurs, pour les nouveaux auditeurs de l'émission, parce qu'il y en a plein qui sont arrivés pendant les vacances, les nouveaux, vous salue, vous êtes les bienvenus sur Skyrock, bienvenue dans la team, vous aussi. Une petite présentation de chacun des membres de l'équipe. Cédric, vas-y, présente-toi pour qu'on connaisse bien les voix, qu'on sache bien qui parle, parce que c'est vrai, t'as vu, un auditeur, Romano, a cru que c'était un paquet d'erreurs. Fouini avait pensé que tu suçais. Ah ben moi, beau gosse, 1m80, les cheveux bruns. Grage. Un corps plus ou moins dégueulasse. Athlétique. J'ai pas forcément demandé une description physique, mais s'il vous impose ça, allons-y. Fin gourmet. Lui c'est Cédric. Ouais. Fin gourmet. Ouais. Non mais dis ton nom pour les nouveaux. Bah, je m'appelle Cédric. Voilà, c'est ça. Voilà, Cédric le Belge, Cédric alias le beau gosse. Voilà, c'est ça. Tiens, Samy, toi, t'es prêt, t'es chaud. Ouais, moi je suis chaud. Tu passes juste après Cédric, je sais que ça te dérange un peu. Mais bon, ça a déstabilisé, tu vois. Il en faut un, de toute façon, Samy. Non, mais je vais pas faire une description physique, moi, pas la peine. Voilà, beau gosse du Sud, bronzé. Je suis assez bronzé. Ouais, t'es blanc, ouais. Et puis voilà, Marseille, le sang bleu et blanc. Un look de Marseillaise comme ceux de la télé. Ouais, pareil. J'avais en claquette et tous les cheveux en l'air. Voilà, ceux que vous voyez sur W9. C'est ça, Samy, c'est le jumeau. Il est là. Du plus moche. Bien sûr. Ça s'appelle, mais avant. Karim, à toi. Alors Karim, jeune rebeu sexy. Ça c'est ton pseudo. On se croirait sur Smax, tu sais. Jeune rebeu sexy, supporter du PSG. Moi j'ai le sang bleu et rouge par contre. Ah ouais, comme le PSG. Ouais. T'as le sang marron surtout. Tu la merde. Marie. Bah écoute moi Marie. Alcoolique notoire. J'aime les bonnes choses, j'aime la vie. J'aime la bite. J'aime trop ça. J'ai dit j'aime la vie, donc les bonnes choses de la vie. Voilà, c'est bien. La bonne bite. Comme ça au moins c'est général, c'est tout. Et j'adore le théâtre. Très bien. Bah, ouais, et l'ordre de la bouille. Je suis un nouvel auditeur, je voudrais savoir qui c'était qui parlait de manière efféminée. Ah. C'est jamais moi, t'es mal. C'est Cédric. C'est le premier. Ah non. Très bien. Merci à toi, nouvel auditeur de Skyrock. Et puis Romano, bien sûr. Eh bien, Romano, prince du hip-hop. Romano de Bourgogne. Roi du clash de la drague. Comme les escargots. Mal, okay. Chef du problème du mois. Ouais, pas mal. Et je parle bien. J'ai sans doute la meilleure diction de l'équipe. Voilà. Et il est professeur de radio, hein. Oui, c'est vrai. C'est le seul de l'équipe qui soit professeur dans une école de radio. Ouais. Voilà. Et toi, Difoult, tu te présentes pas? Non. Bah, attends, pas. Je sais rester modeste. Bonjour, je suis Difoult de Skyrock. Et il y a Romain aussi qui s'occupe des réseaux sociaux, qui est en train de traîner derrière moi. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, mais il est bizarre, il est en slip. Ah, mais je cherche, on m'a volé un truc. Ah, Romano, on t'a volé quoi? Et Romano, voleur, je dis ça pour les nouveaux auditeurs. On va voir Romano, tiens. Son appareil photo. Ton appareil photo? Là, passe un message, j'aimerais qu'on me le rende. T'es en plus bien cher. Ah bah oui. Ouais. Bah là, passe un message, je pense que grave. Non, on va te le rendre là. T'as bien fait de passer le message là. Direct, tout de suite. Voilà, message passé. Allez, moi, ça fait un an que je suis fidèle, nous dit la chaise du salon. Eh ben, salut à toi, la chaise du salon. On te salue. Big up à toi. On salue la Guinée-Conakry aussi avec Papy qui nous écoute depuis la Guinée. Ça fait plaisir. Le monde entier écoute Skyrock, c'est plus bien. On salue Cindy, on salue Netflix qui vient d'arriver. Même Netflix, j'ai oublié de vous dire. Ah. Je suis chauve. Ah oui. Wow. Allez. C'est parti. Bon, je vous parlais d'une Martha. Ah ben, Martha, je peux même vous lire ce qu'elle nous a envoyé juste avant l'émission. Vous envoyez des messages et ça ne tombe pas dans l'œil d'un aveugle. Eh non. Je vous le dis. Martha, donc, qui nous a écrit. Elle a 18 ans. Elle nous parle des vacances, justement. On prendra Clémentine. Mais c'est une spéciale fille ce soir. Clémentine et Solène juste derrière. Tiens, on va dire bonjour aux filles. Je vous parle de Martha et vous allez peut-être pouvoir nous aider, les filles. Salut Clémentine. Hello. Hello. Salut. Hello. Salut. Salut les filles. Salut Clémentine. Solène. Ah mais Cédric, je suis ta femme, hein. Ah c'est gentil. Ah tu es déjà amoureuse de Cédric. Sa femme ou sa femme? Bah t'es bien ouais, je l'ai sur Snap. Ouais, Cédric, t'entends ça un peu? J'ai la queue. Je t'es à mes côtés, toi. Je crois que c'est l'année. Mais je vous ai dit. Ton année, ouais. Ah ouais, 2016, année de la baisse. J'ai dit, les femmes, elles craquent pour moi. Mais c'est sûr. Ah bah voilà. D'ailleurs, on a vu les résultats aux deux premiers clashs de la drague. Elles avaient rien, la preuve. Ils ont complètement craqué des nerfs, ouais. Mais regarde. C'est mignon ce que tu nous dis, Clémentine. Donc, Clémentine, tu vas nous expliquer pourquoi tu nous appelles. Et puis, on a dit bonjour à Solène, qui est bourguignonne du 71, comme Romano, de Mâcon. Bonjour, Solène. Alors Clémentine, bonjour Solène, ça va bien? Oui, ça va. T'as passé une bonne journée, il fait chaud, hein, moi j'en peux plus. Putain, ouais, un truc de ouf. Ah ouais, putain. Eh, franchement, c'est mal foutu la météo. C'est-à-dire que le moment de l'été où il fait le plus chaud, en tout cas sur le nord de la France, sur le sud, je pense que vous avez eu du temps pas trop mal. Mais sur le nord de la France, au moment de l'été où il fait le plus chaud, c'est quand on revient de vacances. C'est quand même un truc de fou, ouais, c'est ça. C'est vrai, ouais. C'est vrai, hein. C'est vrai. T'es où? L'été se décale. Exactement. Il y a plus de saison, l'été se décale. T'es à Versailles, t'as eu chaud toi aussi, Clémentine. 38, 37, 38 degrés aujourd'hui, hein, du côté ouais, de la région parisienne. Ouais, 38 degrés. Eh ben, moi, je trouve c'est trop. Bah ouais, moi aussi. Bah pareil. Ouais, mais on n'est jamais content en gros. Non, moi j'étais très bien quand il faisait 24 à Paris quand on est. Ouais, c'est ça. 24 à Paris, c'est très bien. Ouais, ouais. Non, mais je suis d'accord. C'est trop. C'est trop. Si t'as la mer à côté, bon, 38 degrés déjà c'est beaucoup, mais moi, bon, t'as la mer. Moi j'ai une clim, moi. Ah, mais toi t'es un. Non, c'est pour le chien. Ah ouais, t'as acheté une clim pour ton chien, c'est vrai. Parce que le chien, quand il a trop chaud, il fait des malaises. Non, parce que l'année dernière, quand il y avait les grosses chaleurs, bah là c'était début juillet, bah il était tombé raide. Comme ça, bam. Donc on a acheté une clim pour le chien. Vous avez vu qu'il est généreux, hein? Non, j'ai pas eu trop le choix, à vrai dire. Oui, c'est ça. Ouais. C'était où ça où il n'y a plus de chien, donc bon, la clim. Et toi, Solène, il y a fait chaud à Mâcon, du côté de Mâcon, j'imagine que oui. Ah ouais, 34 degrés, mais en plus pas de vent, c'était juste une horreur. C'est la folie. Ouais, c'est Bourgogne. En fait, c'est Ah bah, on était en PLS. C'est ça. En fait, c'est les tuves, on étouffe. Oui, voilà. Dites-nous combien il y a fait chez vous. Tel un jambon. Dites-nous, Reims, en plein soleil, 42 degrés pour Benjo. Il fait trop chaud pour Théo. Aujourd'hui, à Toulouse, c'était l'enfer. J'ai sucé ma clim. Bah, tu vois. Ouais. Moi, j'ai une bite, moi. Bah, tu fais ce que tu veux. Ça m'a rafraîchi. Donc, ouais, dites-nous combien il faisait chez vous. C'est dans le sud qui fait limite le meilleur. Ouais, c'est vrai. C'est clair, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est pas la canicule, en tout cas. Non, non. Moi, j'ai eu des nouvelles du sud de la France. Ça va. C'est bien, tranquille. Il fait beau comme il faut. Non, il fait 30 degrés, mais sans plus. C'est pas des. Vous avez vu dans quel état ça mêle, la chaleur, la température, tout ça. Bon, alors les filles, vous êtes là, vous êtes avec nous. C'est bien. Vous tous qui nous écoutez, pareil, vous pouvez réagir dans l'émission en nous laissant vos messages. Je voulais vous parler de Martha. Martha qui a rencontré un mec. Elle nous explique. J'ai rencontré un mec au début des vacances. Je le trouvais parfait. Et petit à petit, je découvre qu'il a plein de défauts. Le principal, c'est qu'il a les yeux partout, surtout quand il y a des filles, même quand il est avec moi. Hein, il mate les meufs. Bon, on a des yeux, faut bien s'en servir, ma chérie Martha. Il regarde surtout les autres meufs, et moi, ça me rend fou. Il a d'autres défauts. Ben, ça, c'est normal. On a tous des qualités et des défauts. C'est vrai ça. Sauve-toi, dit Foul. Merci. Que des qualités. Romano, non, merci. Il attendait que ça. Ouais. Merci, Romano. C'est un vieux blanc derrière. Rassure-toi, j'ai quand même quelques défauts. Ah oui, oui. Ah, ça, la, nez, ouais. La beauté. Ouais, la beauté. Trop du nez, ouais. Trop la de beauté. Beauté cachée par trop, le nez. Trop de beauté, par exemple. Non, mais c'est. Alors, moi, je voulais dire, je sais pas ce que vous en pensez, les filles, dans l'équipe aussi. Mais quand tu sors avec quelqu'un au début, tu la trouves magnifique, tu trouves qu'elle a toutes les qualités du monde. Tu vois pas les défauts en général. Et petit à petit, bah, tu te rends compte qu'elle est un peu comme tu tout découvres. Le monde. Tu découvres qu'elle a ouais, des défauts. Ça, ouais. Et puis, on est tous plein de qualités et de défauts, hein. Je sais pas, toi, Clémentine nous appelle justement parce que tu as un défaut spécial. On va le garder. Ah, bon. Solène, ouais. Par exemple, si oui. Je te demande une de tes qualités, c'est quoi? Solène, on commence par Solène. Je sais pas, souriante. Il y a pas mal. Souriante, tu vois. Non, c'est bien, déjà. Quand tu souris, t'attires la sympathie des autres. Ouais. Et t'es plus ouais, séduisant. Regardez, par exemple, attention, vous allez être séduit et séduite. Ah, j'ai bande, là. Ça me comblait. Ah ouais, j'ai joui. Peut-être pas. J'ai joui. Arrête de sourire tout de suite. Et non, mais on a tous des qualités et des défauts. Par exemple, tiens, Romano, trouve une qualité à Cédric. Un défaut, Solène, je t'ai pas demandé avant. Commence à réfléchir, ça va pas être simple pour la qualité. Très, très chiant. Ouais. Bon, t'es une meuf, on va dire. Oui, c'est vrai. Ah ouais, ça c'est dans vos gènes, oui. Oui. Donc souriante et très chiante, ça rime. Oui, voilà. Donc pour Martha, qui trouve que son mec a des défauts, si vous aussi vous avez découvert des défauts cachés de votre chéri, vous nous dites, tiens. Vous nous faites signe. Donc Romano, Cédric n'est pas ton chéri encore. Ah non, mais il ne sera jamais. Non, non. Ce serait mignon. Ah non. C'est bien. Ouais, ça va aller. Ouais, bah garde-le. Ce serait mignon. Non, mais une histoire d'amour entre vous deux, moi je pense que ce serait magnifique. Ouais, non, ça va aller. Ah, non, moi je me marrerais, moi. Moi aussi. Ah non, mais quitte à me taper un mec, ce serait certainement pas Cédric. Pourquoi? Ah, bah moi aussi, ouais. Putain, mais pourquoi cool. Parce que c'est pas mon genre. Ouais, moi non plus, t'es les petits cheveux à lunettes, c'est pas mon style. Regarde, là, il est classe. Ah, les lunettes, je peux les enlever. Il est mignon, bah, là. Mais il a des lunettes. C'est mieux, j'ai peut-être gardé enlevé. Putain, t'es un psychopathe, gros, sans tes lunettes. Non, mais c'est vrai, c'est vrai que t'es mignon tout plein avec tes chaussures. Mais tu t'es drogué, chaussures, tes chaussettes. T'as vu la chance. Tu travailles, sérieux. Ah ouais. La reine mignon, quoi. Bon, alors. Beau gosse. Qualité, défaut. Tiens, Cédric, une qualité. Putain, une qualité. Il en a des qualités. Qualité. C'est compliqué, hein. Mais non, c'est pas compliqué. Non, mais si, il y en a bien une. Il est brave. Pigeon. Ouais, j'allais dire ça. Ça, c'est une qualité, pigeon. Ça. Je t'emmerde. Non, généreux à tendance pigeon. Bah non, je sais pas, attends. Bah attends, je suis désolé, quand pour Noël t'achètes, je sais pas combien, 5 tablettes remettre, gros, pour toute la famille de ta meuf. Ouais, mais dans ce cas-là, il faut coucher avec lui pour avoir les 5 tablettes. Donc, généreux. Alors, t'es prêt? Bah donc, pigeon. Non, bah non, je pense pigeon. Non, mais sinon, une qualité, bah vas-y, alors dans l'équipe, dites une qualité de Cédric. Moi, je t'ai dit, il est brave. C'est à toi qu'on a posé un brave type. Grave. Ouais, t'es un brave type. Il est généreux, ouais. Pour un animal brave. Non, mais généreux avec les femmes. Quoi, les femmes, les ouais, femmes habitent. Les... Femmes-hommes. Les généreux, quoi. Ouais, il est pas regardant. Non, si j'ai des potes qui sont en galère, tu sais, je suis généreux. Et plus facile. Ah, je suis en galère. Ah, moi aussi, c'est la rage. C'est télé. J'ai plus de télé. Il faut 700 euros pour ma télé. Ouais, plus facile un défaut. Bah, lait. Foiré. C'est quoi ta principale qualité, Clémentine? Moi, je suis très généreuse et mon mec adore ça. Très bien, donc la générosité pour toi. Il est content, ah bah, toi, ouais, c'est logique. Si bon. C'est toi qui paye tout, ouais. Et pour en revenir non, à Martha. C'est pas moi qui paye tout, mais il est généreux au lit et je suis généreuse au lit. Ah, d'accord. Ah, ouais. Ça, c'est bien, d'accord. Ça, ouais. Très chaud. Clémentine, 19 ans, Versailles. Ouais, t'es blabite, quoi. Je vous le dis. T'es blabite, quoi. Calme-toi, hein. Non, c'est pas moi qui parlais, hein. Ouais, Cédric, calme-toi, ouais, je trouve. Ouais, Cédric, loin dans tes propos. Elle a dit qu'elle t'aimait bien. Ouais, non, t'es blabite comme moi. C'est une fan de toi, Clémentine. Non, mais pour Martha, qu'est-ce que vous en pensez de Martha qui découvre que son mec. Moi, je te dis, Martha, c'est tout à fait normal de découvrir que c'est pas l'homme parfait, il est comme tout le monde, il a des défauts. Et parfois, les défauts, c'est les qualités. Tu vois, Romano, il est chaud, on pourrait dire que c'est un défaut. Mais moi, ça me fait rigoler, donc c'est plutôt une qualité. J'aime bien. Ouais, ouais, mais là, putain, ça fait chier, quoi. Non mais il faut que je me fasse remettre un peu de cheveux cette année. Ah ça y est. Ouais, si tu veux. Encore des dépenses. Il y a qui comme mec chauve qui a la cote avec les meufs? Vin Diesel. Voilà. Non mais lui bien là, dit, bien il dit. Est rasé. Ah, ouais. Bon et de découvrir que quelqu'un avec lequel on sort a des défauts, ça arrive à tout le monde. Bah ouais. Non mais souvent les meufs elles prennent mal le fait que quand t'es avec elles tu regardes d'autres meufs. Marie, toi ça te dérange pas, t'es galbé de toute façon donc. Regarde, je bois du jus. Ouais. Je bois du jus de cordon. J'ai amené mon jerrycan. Non, mais c'est quoi bières, une grosse bouteille? Les bières sont frais. Ah, sont trop chaudes, c'est pour ça. Bah, c'est une bouteille d'innocent. Ah, mais elle a vodka dedans. Tu bois du jus innocent. Ah ouais, elle a fait un mélange. Bon, mais on s'en branle, Marie, parce que je vous ai posé une question. C'est pas ça, Marie. Est-ce que toi, ça te dérange quand t'es avec ton mec, genre dans la rue, et que les autres nanas, et que le mec il reluque le cul d'une autre meuf, par exemple? Ça me dérange pas s'il le fait pas trop. ça se voit pas trop quoi. Non mais à partir du moment où tu le vois, sur elle, bon, c'est pas génial. Ah voilà. Non mais sinon non, mais moi aussi je mette les mecs et parce que je suis bourré des fois, c'est lui qui me tient. Mais non, mais bon ça va, c'est les yeux, c'est pas, c'est pas comme s'il avait à sauter, tu vois. Oui, on nous dit de toute façon tous les hommes sont des porcs, ils font tous ça. Ne t'inquiète pas Martha, c'est le message de Géné sur SMS. Non mais si on mate dans la rue, faut arrêter. Ah merci Marie de dire que vous matez. Bah, et Callaghan qui envoie un message très sympa. Salut à toi Callaghan, je t'ai pas salué. C'est juste que Martha doit être un boudin comparé aux autres. Voilà un message sympa comme d'habitude. Il a toujours des messages sympas ce Callaghan, il est super. Hein. Non mais bon, ça arrive à tout le monde. Vous avez découvert un défaut alors que vous pensiez qu'elle était parfaite. Bon bah c'est normal, hein. Tout le monde a des défauts. Regardez par exemple, moi j'ai un petit grain de beauté disgracieux. Oh genre, en haut du pectoral. Wow. T'as un gros nez aussi. Un peu moins disgracieux. Non mais des défauts ça arrive à tout le monde, faut pas paniquer. Hein. Bon, en tout cas pour Martha, voilà ce qu'on voulait te dire. Après tu peux demander peut-être à ton mec, comme le dit Circus sur SMS, de ne pas regarder les meufs quand t'es avec lui. Bah le mec il a qu'à mettre des lunettes de soleil. Il sera moins cramé ouais. Ouais, moins cramé. Ah, tu le verras moins, ouais c'est vrai. Ouais mais bien noir. Parce bien, que sinon, bien teinté ouais. Ouais. C'est ça, parce que quelquefois ça se voit. Tu pas limite, mais... tu sais les verres miroirs là, comme ça tu... Il y a Johanna, ouais. nous laisse un message, elle dit ouais, mais quand un mec est comme ça, on a l'impression qu'il va nous faire cocu, donc on paranoïe. Ah c'est possible Johanna, c'est bah, vrai. Faut avoir un peu confiance. Le mec parfait n'existe pas, tout le monde a des qualités et des défauts, nous dit l'albigeoise. Voilà, tu pars de ce principe Martin et tu te dis que ton mec, bon c'est pas pire que les autres. Et pour l'instant il couche pas avec, donc c'est plutôt pas trop mal. Et les gars sont là pour le soutenir. Il en profite, on profite de tout. De toute façon on n'a qu'une vie, faut savoir en profiter. Merci à One Piece. Mon Joe One Piece, Soprafan qui nous laisse un message. Et on se fera peut-être un petit Sopra d'ici minuit là. Bon, je vous rappelle qu'on a un invité mystère qui arrive, qu'on a Clémentine au téléphone avec nous et Solène aussi en direct. Clémentine et Solène l'américaine de Macron. Et donc Solène, pour expliquer un peu de quoi tu vas nous parler. Toi t'as un traumatisme. Ah c'est ça le traumatisme. Oui. Ah, ah ça va alors, bah, parce que moi on m'a dit Solène, attention, elle est traumatisée. Donc je voulais savoir pourquoi t'étais traumatisée. Donc c'est juste la rentrée. Oui. Oh bah écoute, ça va, c'est un mauvais moment à passer, et puis voilà. Et ouais, pas quelle rentrée tu fais, quoi. Comment? Ouais, bah. Ouais, c'est clair. Lycée? Mais là, t'étais, t'étais au collège avant? Ouais, exactement. Ah, première année de lycée, bah, c'est bien. Tu vas chez les grands. Oui. Ouais, c'est, ce qu'on dit. C'est bien, tu vas découvrir de nouveaux trucs et tout. Non, mais moi, j'ai préféré le lycée au collège, par exemple. Ah ouais, ouais, mais le pire, c'est qu'en fait, la fin du collège s'est très mal passé pour moi. Du coup, j'ai une peur trouille d'y retourner, enfin, au lycée, quoi. Bon, bah, tu vas nous expliquer pourquoi ça s'est mal passé. Si vous aussi, d'accord, vous êtes un petit peu stressé pour la rentrée, bah, n'hésitez pas ou à témoigner, ou à nous laisser des messages, nous faire voir que vous êtes là, ou alors reste à l'écoute. On en reparle avec Solène et Clémentine. Tiens, on parlait de défauts, justement. Eh bien, tu vas nous parler d'un de tes défauts, parce que ton mec te casse les couilles avec, tu, comme quoi, Martha, tu vois. J'avais pas prévu que ça se passerait comme ça, mais bon, on a parlé du défaut du mec de Martha. Vous allez voir le défaut de Clémentine. On va comparer les deux. Vous nous direz qui sont les pires aujourd'hui, les filles ou les gars. Ouais. Et dans un instant, les familles du double appel. Et puis donc, le dernier problème du mois de ces vacances, Romano. Eh ben oui, il va avoir c'est lieu. Pour ce soir. Je vous l'annonce officiellement. Il aura lieu. Ouais. Eh bien, on l'attend. Et puis, de toute façon, si on vous mate, c'est parce que vous habillez sexy, les filles. Ah ben, juste en dessous, les filles, elles s'habillent sexy. C'est juste pour qu'on les mate. L'appareil photo qui nous envoie un message. Salut à toi, l'appareil photo. Donc, pour revenir au truc de Martha. Bon, on revient à tout ça. On en reparle dans un instant. Temps d'écouter DJ Snake. Avec un extrait de son nouvel album DJ Snake, un son que vous avez découvert cet été sur Skyrock, qui s'appelle Let Me Love You. C'est avec la voix Justin Bieber. C'est la rentrée et t'as besoin d'argent. Réveille-toi avec Skyrock. The Morning Show. Dès lundi, le morning de Difool te réveille. Et pour fêter la rentrée, Difool t'offre 1 500 € toutes les demi-heures si tu réponds Skyrock. Ta radio préférée? Envoie 1 500 par SMS au 72020 et inscris-toi dès maintenant pour gagner 1 500 € dans le Morning Daddy Fool. Voilà. 1 500 €, c'est pas possible. Oh là là, mon Dieu, merci beaucoup. Dès la rentrée sur Skyrock, 65 centimes plus coût d'un SMS. Salut, c'est Mister V. Cet été, ça fout quoi? Ça va louer le gamin, ça va payer des tailles, ça va sortir en club, ça va se bourrer la gueule, ouais. Et tu comptais rentrer comment après? Tu comptais conduire? T'es con, Didier, bordel! Non, fais plutôt confiance au poteau Sam! Sam, celui qui conduit, c'est celui qui boit pas! Comme ça, tu seras en vie à la rentrée pour venir voir le groupe sur scène! Alors dis merci à Sam! Allez, merci Sam, c'est vraiment sympa! 21 Pilots. 21 Pilots. So I'm taking my time on my ride. 21 Pilots.

Let Me Love You, c'était DJ Snake sur Skyrock. DJ Snake et la voix de Justin Bieber. 21h minuit, la radio libre de Difool, seulement sur Skyrock. Il est surprenant ce Justin Bieber quand même. Hein. Ouais, moi j'aime bien. Il était bien. Ouais, ouais, bah, son album il est pas mal. Hein. Ah, t'as vu ça un peu? Moi j'ai beaucoup écouté son album. Ah, qui Justin Bieber? Qui l'est cru? Il défonce son album. Qui est cru que Samy un jour aimait bien Justin Bieber? Non, mais franchement, mais on vous l'avait dit un jour dans l'émission parce qu'on se moquait de Justin Bieber. Et puis on avait dit dans l'émission, on avait dit le mec quand même il danse bien, le mec il chante bien, le mec il a du talent, il a fait des sons avec tous les rappeurs américains. Il monte sa bite sur son Instagram une fois par semaine. Il est devenu blond. Ah, il est plus là. Il est plus quoi? Il n'y a plus sa bite. Ah oui, c'est vrai, il est sorti d'Insta. Ouais, parce qu'il s'embrouillait avec Selena Gomez. Ouais. Ça alors. Donc il a dit stop, et c'est comme ça, je m'enlève. Il a supprimé son compte. Ouais. Attendez, Jérémy de. J'arrive pas à lire. OBL, OCL, CBL. OCB. OCB peut-être, qui nous dit j'aime bien ce son, mais je n'aime pas Justin Bieber. Moi, il me fait rigoler, Justin Bieber, quand il s'embrouille avec ses voisins, qui se bat avec des types et tout. C'est Justin Bieber, qu'on écoutait avec DJ Snake. C'est un extrait de l'album de DJ Snake que vous avez découvert cet été. Sur Skyrock, et ouais. Bien sûr. Bien sûr. Est sur Skyrock, bien sûr. Toute l'équipe est là. Romano, ouais. On prépare avec son problème du mois. La Marie ouais. Est en train de se caresser les lèvres. En pensant à vous, je pense. Non, c'était en te regardant. Les lèvres de ma chatte, évidemment. Merci, Marie. Envoyez-lui des photos à Marie pour envoyer ça sur les réseaux et sur l'appli Skyrock. Ça arrive directement dans le studio. De ce que vous voulez. Cédric, bien sûr, vous l'avez entendu. Ouais. Samy, yes. Karim. Ouais, ouais. Il y a Romain aux réseaux sociaux. Et j'ai un invité mystère au téléphone avant de retrouver les deux filles qui nous attendent. Si vous étiez là il y a 5 minutes, vous avez découvert. Elles sont sympas en plus ces deux. Hein. Oui. Je vous aime bien les deux là, Clémentine et Solène. Alors Clémentine, tu vas nous parler de tes défauts, je t'aimerais peut-être moins dans un instant, mais bon pour l'instant je t'aime bien. Et Solène de Mâcon, l'américaine de Mâcon, on va donc. Yeah Mâcon, yeah. Voilà. Mâcon bitch. Celle qui est traumatisée. Donc on va voir ce qu'on peut faire pour elle. Et Clémentine va nous parler d'un de ses défauts. Mais j'ai surtout un invité mystère en ligne avec nous. Allez, on va vous offrir un cadeau. Ah. Si vous trouvez qui est l'invité mystère, on vous envoie un maillot de foot, de basket, de rugby, de soit un maillot de sport, au choix quoi. De ce que vous voulez. Vous choisissez celui que vous voulez, on vous l'envoie à la maison, il suffit de laisser un message au 41759 ou alors sur l'appli. Qui est donc, mais il a pas parlé encore, on nous dit c'est Gradure que vous allez avoir. Non, non d'abord c'est pas Gradure, bien tenté Brahms. C'est pas Gradure et il a pas parlé. Alonso nous dit Rouslan. Non, on va déjà lui dire bonjour. On est content de l'avoir en plus avec nous. J'ai demandé à Cédric, il faut l'avoir au téléphone et tout. Eh bien bravo Cédric. Eh ben on l'a eu. Mission accomplie. Elle est galère à avoir. Enfin, on l'a eu, on l'a pas mission eu encore. Mission accomplie. Là elle est galère à avoir. Hein. Allô. Wesh. Ah. Wesh. Bien ou quoi? Ça, et toi comment vas-tu? Tranquille, ça va. Moi, je me souviens de toi dans une grosse voiture avec nous. Ah ouais, avec un sacré pilote, ouais. Facile alors. Au mois de juin dans l'émission. Ouais, c'est carrément possible. C'était quoi la marque de la voiture? Ah, je crois que ça commence par un fée et ça se continue par un fée. il me semble. Fée, ouais. Bon, vous avez trouvé. On va prendre. Bon, c'est bon, vous avez trouvé. On va vous dire. On va prendre le premier qui a trouvé la bonne réponse et on va lui envoyer un cadeau. Tu vois, SCH, t'es venu dans l'émission et t'arrives et il y a déjà un cadeau qui est offert. Tu portes bonheur aux auditeurs. Aïe, aïe, aïe. Un grand plaisir. Eh ben, nous, ça nous fait plaisir. C'est allô maman, mais c'est plutôt allô SCH donc ce soir. Alors, ça raconte quoi là-haut? Eh bien, on attend que tu reviennes nous voir très très vite. On sait pas ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va te louer comme bagnole ou qu'est-ce qu'on va. Moi, j'en ferais bien de la voiture de luxe, moi. Là, ouais, il y a un nouveau qui est sorti en plus. Je pourrais aller voir. Sur les champs, s'il y est, je sais pas, peut-être. Il y a un nouveau quoi? Un nouveau Ferrari. Une nouvelle Ferrari. Bah, ouais. Ah ouais, il y a un nouveau Ferrari dans lequel on peut te mettre dedans. Non, mais on avait pensé Lamborghini ou je sais pas. On avait fait un petit tour pour ceux une R5 quoi. Pour ceux qui sont venus. Ouais, Autolib. Ah, deux chevaux Autolib, c'est pas mal. Et moins de cochon, en Vélib même. Donc pour expliquer à ceux qui n'étaient pas là au mois de juin sur Sky, on a eu SCH et on a avec le morceau Champs-Élysées, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir. Fefe sur les Champs-Élysées. Allez, hop. Aussitôt dit. Il est kiffé. Aussitôt. Et on a rodé. Ouais, on a rodé dans Paname, ouais. Il y a la vidéo d'ailleurs, on va vous la remettre parce que t'as l'air heureux sur la vidéo. Moi, c'est clair. Je l'ai en face de moi là, je vois la en boucle, je vois ta tête. Mais la prochaine fois, tu pourras la conduire, SCH, parce que là, il y a Sénèque qui nous dit. Mais pourquoi il a pas conduit? Pourquoi il est passager? Pourquoi il est passager? Parce qu'il a fait des bêtises en voiture. Ah, plus de permis, ouais. Ah, c'est un problème de permis. Il avait pas le permis sur lui, on va dire. Ouais. Non, moi, je l'avais pas non plus. Cédric, pour ta prochaine location, normalement, c'est moi qui drive. Ah, ça si tu récupères ton permis, ouais, y a pas de problème. Ou sinon, une voiture sans permis, hein. Là, ce qu'au début, il m'a fait une feinte. C'est la classe, ça. Là, ce qu'il faut quand même dire, c'est que SCH, au début, m'a fait une feinte. C'est-à-dire qu'il me dit, ouais, t'inquiète, j'ai le permis poteau et tout, j'ai juste oublié à l'hôtel. J'ai dit, ah ouais, t'es sûr? Je me renseigne à son pote, il me fait, non, non, elle a pas le permis, laisse tomber. Voilà. Ah, non, mais tu connais. Ouais. Bon, tu la récupères ton permis et on se fait un petit tour en autolib. Ah, voilà. Ouais, pourquoi pas en vélib même. En vélib, ouais. Bah ouais, carrément. Vélib sur les champs. Pas loué. Pas loué. Bon, t'as fait quoi pendant ces vacances, SCH? Summer tour qui finit demain au Carter à Montpellier. Et après, on rentre en guerre pour de vrai. Ah, c'est ça qu'on voilà. voulait savoir aussi, parce que ça nous intéressait de savoir ce que t'as fait. Donc, summer tour, t'as fait quoi? T'as fait toutes les plages de France, toutes les villes côtières de France. On a fait le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, on a fait l'Espagne, le Portugal, un peu de France. C'était bien. Donc là, t'as fait ça tout l'été. Donc en gros, t'as bossé tout l'été, quoi. Ouais, on s'est pas reposé. Donc ouais, si on te voit, tu vas être tout blanc. Non, je vais être bronzé, j'étais avec le soleil. J'étais là où était le soleil. Non, vous allez être tout blanc là dans vos petits bureaux. Je te demande ça, non, parce que Cédric est déjà tout blanc, mais il a passé l'été dans un parking. Ah ouais, c'est normal. Non, c'est pas vrai, j'étais bronzé. Et à faire de la suquette, je me mets à walper dans un jardin. Oh là putain, là, bah, waouh. Je vais finir en prison. Je fais comme du fou, je vais me mettre en slip, tiens. Eh, bah tiens. Hey, t'as fait un blocage là-dessus. Non, je suis pas bloqué. C'est pour t'expliquer, il y a Cédric, il a un fantasme dégueulasse, il a envie de me voir en slip. Donc, je sais pas ce qui lui arrive. Quel mytho. C'est Karim dans la salade. C'est une sacrée idée. Non, parce que Karim, il est parti avec Difool en vacances et il m'a dit que Difool se mettait en slip à la plage. J'ai rien dit, moi, gros. T'as assume, gros. Bon, le jour où vous me voyez en slip, je vous donne 1 500 € direct, cash. Ah putain, t'as pas des photos, Karim. T'as une photo de jamais vous me retrouverez. Bon, tu parlais de la guerre, alors tu repars en guerre à la rentrée. Qu'est-ce que tu nous prévois pour la rentrée, SCH? Ah, ça, c'est trop bon dire déjà. Non, mais je vais avoir un mois de septembre chargé. Après, avant d'attaquer la tournée, on va certainement rentrer en studio. Mmh. On aura des surprises pour la tournée des CH. On vous le dit, restez bien sur Skyrock. Hein. Restez bien dans le coin, on va pas lâcher l'affaire. Et tu sais qu'on a des membres de l'équipe qui arrêtent pas de chanter dans les couloirs, tout ça. Vas-y, Karim, un petit. Elle monte sur ma beat, elle me félicite. Voilà, pour ma monnaie. Ouais. Tu vois, là, tu me fais plaisir. Et puis, je vais te faire plaisir aussi avec un truc. C'est-à-dire que j'étais en Italie cet été, en Italie du Sud, mais bien au sud de l'Italie. Ouais. Et j'ai rencontré deux gars, et ils me parlent d'un gars qui s'appelle Eschi Aka. Alors, au début, j'ai j'avais pas percuté, mais c'est vrai que SCH en italien, ça se dit Eschiaka. T'as bien fait de faire un son avec Sfera, le rappeur milanais que tu nous avais présenté d'ailleurs dans Planète Rap, qui était venu. En plus, tu sais quoi, c'est ouf que tu me parles de lui. Là, c'est un projet, là, il sort en septembre, c'est une dinguerie. Donc sur l'album d'SCH, pour les fans, ils le savent, ceux qui ont l'album aussi, il y a un morceau avec un italien dessus, c'est le rappeur italien. Et donc, grâce à ça, t'as les Italiens qui chantent ton morceau. Eschiaka, ils m'ont dit. Cartiné, Cartier. Et ils adorent Cartiné, Cartier. Ils sont très très chauds là-bas. SCH et Sfera sur l'album de SCH. Ouais. Un nouvel album de prévu, parce que les auditeurs, ils en profitent, ils se posent des questions. C'est Fab qui nous laisse un message sur le 41-759 et qui nous demande. Eh ben, Fab, je repars en guerre. Donc ça veut dire. Ça laisse sous-entendre. Ça veut dire quelque chose. Donc voilà. Fab. Tu n'as pas ta réponse, non, mais tu peux imaginer quelle sera ta réponse. Non, mais je balance, je l'ai appelé il y a 5 minutes, là, avant qu'on l'appelle nous en direct. Il y avait du son de partout dans le studio, donc je pense que ça enregistre déjà. La guerre a commencé. On commence à déconfrer les trucs comme ça, tu vois. On te conseille un son, d'ailleurs, si t'es en train d'écrire des trucs et tout, on te conseille un son Lamborghini sur la canne de bière, ça pourrait être sympa. C'est la variante. Ouais, pourquoi pas, c'est tout. Ouais. La suite. Après la féfé sur les Champs-Élysées. Une petite Lambo sur. Retour aux sources, tu vois le délire. Ah ouais, je vois. Bon, en tout cas, t'es le bienvenu dans l'émission. Tu viens nous voir en septembre alors? Ouais, je pense. Je vais venir d'ici septembre. Allez. Un petit passage. Allez, vas-y. Allez, viens. Vas-y, je fais un petit passage. Je me préparais la loc. Hein. On prépare tout et on t'attend avec impatience dans l'émission. Ça nous fait toujours plaisir de t'avoir avec nous. Et puis on attend aussi les nouveaux sons, parce que c'est vrai que t'as ambiancé tout notre été, le mien en particulier. L'été des Italiens, je pensais pas que les Italiens, ils me parleraient de Eschiaka quand même. Hein. Ouais, j'étais ouf moi quand je suis arrivé là-bas pour tourner le clip. C'était ouf. Ils écoutaient déjà, ils connaissaient. Alors, ce soir, Sfera, je suis sur le Twitter de Sfera. Ce soir, à 1h du matin, mon nouvel album, en pré-order sur iTunes, la tracklist, je vois donc 1, Equilibrio, 2, Fili di Papa, ça veut dire fils de papa, fils à papa, 3, Balenciaga, featuring Eschiaka, featuring SCH. Ça, c'est une bonne surprise, hein. Ah, bah tu vois, tu voulais pas le dire, donc c'est le rappeur italien Sfera. Qui sort un album, donc c'est ce soir, et il y a un morceau avec toi dessus. Yes, c'est ça même, un son en exclu que personne connaît et qu'on a enregistré là-bas. Très bien. Ah, puis je vois Cartiné Cartier que tu lui as filé et qu'il va mettre sur son album aussi. Bah ouais, carrément, il a très bien marché. Eh ben écoute, bah oui, la preuve, t'as vu. Hein. Donc Sfera, rappeur italien, Ferraille Basta, hein, qui s'appelle. Yes. Et puis le rappeur marseillais SCH avec nous ce soir sur Sky. Évidemment. Moi je voulais savoir, SCH, est-ce que tu avais des nouvelles de la crime? Écoute, je peux pas en dire plus que je devrais en dire. Mais je pense bien, j'espère, on espère avoir de ces bonnes nouvelles très rapidement. Libérer la crime, c'est ça. Ouais. Free la crime. Hashtag free la crime. Free la crime. Ouais, on salue la crime. C'est lui qui t'a. Ouais, tu nous as expliqué que c'était lui qui t'avait découvert. Carrément. Ouais. Eh ben, on salue la crime en tout cas. Si nous écoute, bon courage à toi, la crime. Prenez soin de vous. À très vite. Eh ben, à très vite, SCH. Merci à toi. Salut, salut. Ciao, ciao. SCH avec nous sur Skyrock. Ben voilà la petite surprise. J'avais dit qu'on allait avoir un invité mystère qui déchirait tout. Cartinet Cartier, le morceau est magnifique, nous dit le Poteau du 95. Ouais. Oui, il est bien. L'album de SCH, il déchire. Je peux le dire, il est parti maintenant. Hein. Oh, message de Hugo, j'ai pas lu. Désolé, Hugo, j'aurais dû dire SCH. SCH, je t'aime. Pourquoi vous dites Eschi Kaka? Non. Parce que les Italiens, ils disent SC. Chi pour le C et le AK, c'est le H. S-C-A-K. Romano, toi qui es italien, dis-nous ce que je viens de dire en italien. De quoi? Eschi AK? Voilà, donc c'est à peu près ça. Voilà, c'est SCH en italien. Ah, et puis des free la crime qui défilent dans tous les sens là. Merci Issam pour le message. On salue la crime, on espère le retrouver très très très très bientôt dans l'émission. Erlis qui est fan de SCH aussi, je kiffe SCH. Ne le donnez pas aux Italiens, gardez-le pour nous. T'inquiète pas. T'inquiète, il est à nous. On va le garder pour nous. SCH, tiens, on l'écoutera avant 10h. Oui, il est quoi, il est 9h40. Allez, avant 10h, on se met à SCH. Oui. J'aimerais bien écouter le morceau qu'il a fait avec Sfera là. Le morceau en italien. Ah, de nouveau? Bah ouais, mais bon, ça sort qu'à une heure. Ah oui, c'est ça, ouais. Bon, on voit si on arrive à le récupérer, si on arrive à récupérer un petit bout d'ici 1h du matin. Le son de SCH sur l'album de Sfera. Bon, on aura peut-être d'autres invités mystères dans la soirée, on sait jamais. Hein. Pamela, quand ils veulent. Pamela, des nouvelles, non? Ben Pamela, ben elle est dans le coin, je crois. Hein. Elle se promène. Je crois qu'elle elle est là, elle est pas loin. Je crois qu'elle viendra nous voir demain, je crois, Pamela. Coucou. Ah, bah voilà. Pour les dernières rencontres de l'été. Ah, il est encore là, l'autre. De qui parles-tu? Toujours avec Karim, il est encore là, ouais. Ah, je suis là. Je parlais de toi, là. Ah, mais moi, je suis pas, ma chérie. Hein, t'inquiète. T'es où? Il t'arrive plus à bouger. Je fais corps que t'as. Mais moi, je suis bien là. Un poteau, le mec. Mais qui est vissé à son siège, quoi. C'est pour tout ça que ça fait plaisir de vous retrouver. C'est pour ça qu'on vient une semaine avant la rentrée. Rentrée lundi. Tu viens nous montrer ton bronzage, ma belle. Oui, mais toi, t'es toujours aussi vilain, par contre. Il y a un truc, qui est marrant sur le bronzage de Cédric. Je dis ça parce qu'on va prendre Clémentine, une de tes fans, Cédric. Ouais. Un truc qui est marrant sur son bronzage, c'est qu'il a fait comme les beaufs, en fait. Il a mis de la crème, mais pas partout. C'est joli. L'autre jour, il me montrait son ventre, je sais pas pourquoi, il voulait m'exciter sans doute. J'imagine que ça a fonctionné en plus. Pas du tout. Il était devant moi, il se tendit nègre. Voilà, je tords du cul. Maintenant, c'est comme. Je marche comme ça. En fait, il était assis sur sa chaise et puis il a remonté son t-shirt, il se caressait le ventre. Je sais pas pourquoi ça l'excite. Et là, j'ai vu qu'il était bronzé, sauf à un endroit, qu'il était rouge partout, sauf à un endroit, là, et où il y a une trace de main. Voilà, c'est très joli. Une trace de main. Ben là, parce que j'ai la flemme de mettre la crème partout. Montre aux membres de l'équipe qui décrivent à tous ceux qui écoutent. Ah putain. Vas-y, regarde, tu vois là, regarde. Là, c'est tout. Ah, ça se voit moi déjà. Le ventre. Mais t'es ignoble là. Quoi? C'est ignoble là. Ah ouais, gueule toi. Qu'est-ce que vous avez dans l'équipe? Marie, elle est là. Oh, Samy, il fait. Oh, non, mais la grosse, elle a l'argent, c'est pour ça. Ah, et Romano qui est là, mais t'es ignoble. Ah non, mais c'est putain, le ignoble, c'est horrible. Il faut quand même le prendre ça dans la gueule, quoi. Une petite photo, Cédric? Non, jamais de la vie. Parce qu'il y a Romain des réseaux sociaux qui vient avec son appareil photo. Non, c'est mort, ma gueule. Il veut faire une photo de ton ventre. Moi, si Romain, il veut faire une photo de mon ventre, je lui fais, moi. Vas-y, fais-la. Bah, y a aucun problème, vas-y, fais une photo de mon ventre. Une photo de ta bite. Non, mais ça va pas, toi. Bah, c'est lui qui m'a demandé. T'es complètement détraqué, mon. Et t'as pas entendu l'autre Romain? Allez, une photo de ta bite. Normal. Non, mais je te jure, il était déjà mis en slip et tout. Il avait déjà baissé son short en slip. Je serais toi, je ferais gaffe. Voilà, fais une photo du ventre. En plus, ta ceinture, elle est mal mise, gros. Une ventre de ce point. Mais la droite. Une ventre du ventre. Ah, moi, j'ai rien demandé, moi, mon ventre. Allez, vas-y, c'est personnel. Voilà. Romano, ton petit ventre. Ton petit bidon, allez. Fais la même avec Karim. La même avec Samy. Et après, la même avec Amari. Ouais, et on va lancer un truc. Tout le monde monte son ventre dans l'équipe, sauf Cédric, pour que vous l'incitiez à ce qu'il nous monte son ventre et qu'on le mette sur tous les réseaux, qu'on le mette à l'honneur, ce ventre dont on parle si souvent. Bah ouais. T'es le ventre le plus célèbre de France, Cédric. C'est vrai? Ah ouais, t'es ventre, gros. Ah, il se regarde et tout. T'es mal. Il a mis les mains. Je l'ai fait, Romano l'a fait, Karim l'a fait. Je peux pas, c'est mort. Samy va le faire. Ouais, bah. Ah, t'es un bonhomme, Cédric, on parle là-dessus. Marie va le faire. Non, Marie, tu montes T1, toi. Ouais, ça va pas, non, bah, t'es malade. Ou ton cul, vas-y, comme tu veux. Vas-y, pour le ventre, Marie, arrête de respirer. Non, mais sous la scène, attends, attends, je peux pas te parler. Et je remercie le tampon qui nous a laissé un message qui dit on peut pas voir entièrement la bite à Diffoul sur une photo. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je peux pas vous la montrer. Eh, Marie, on dirait une photo porno, ta photo. C'est horrible. Non, vas-y, elle est sexe un peu. Non, elle est ignoble. Attends, on dirait un site de cul. Ouais, si, super. Allez, vas-y, balance. Super, balance. Non. Bon, les photos, vous les mettez sur les réseaux. Et puis, il manque juste Cédric. Donc, incitez tout le monde. Hashtag le ventre de Cédric. Ouais. Allez. C'est ça. Hashtag ventre de Cédric. Ah, je peux pas, non. Ou sinon, demain, personne votera pour toi. Ouais. En tout cas, t'en avais pas beaucoup. Dans l'équipe, on a tous des couilles. Même Marie, je tiens à le dire, c'est beau. Ah, ben, ça oui, j'ai des couilles. Mais non. C'est une expression, Marie. J'ai des couilles au cul. Oui, je sais, c'est quand il y a quelqu'un derrière toi. Mais non, c'est juste une expression. Ah, il y en a qui veulent voir la chatte à Marie après. On verra. On vient juste de démarrer la soirée, on va voir. Et il y a qui veut j'aime Diffoul. Ok, merci. 15 ans Paris. Marie, j'aime tes ongles de pied. Lui, il veut voir tes pieds. Non, pas bien, non, mais il est malade. Voilà. Bon, allez. Bah tiens, on va prendre Clémentine et Solène. Alors, Solène, pour la rentrée, on va s'en occuper dans un instant. Clémentine, t'es avec nous, t'es en direct de Paris. Ah ouais, bah, Solène est traumatisée par la rentrée. Ouah, on va lui dire que c'est un mauvais moment passé. T'es en quelle classe, toi? Tu t'es encore en cours, toi, Clémentine? Ah non, moi, je suis maquilleuse à TF1. Ah, tu es maquilleuse à TF1. T'es maquilleuse? Bah. T'entends ça, Romano? Et tu maquilles qui? Ouais, non, mais j'entends. Nikos Aliegas. Ah, il est sympa, Nikos. Ouais, il est vraiment très adorable. Tu vois, il est gentil, Nikos. Hein, ouais. J'aime bien. Ça doit pas être un mec qui te fait chier quand il se fait maquiller, lui. Est-ce que dans la vraie vie, il parle comme à la télé? Salut, ça va? C'est Nikos. Ouais, il parle comme ça? Bah, il parle comme ça, Nikos, c'est ça. Pour de vrai? Bah, salut, mon petit loup, comment ça va? Il est grec, donc il a un accent. Ah, il a un accent, mais il a pas d'accent, Nico. Non, il a pas d'accent. Non, mais c'est pas l'accent, c'est le son de sa voix. Oh, Romano. Hey, Romano. Allô, comment tu vas, mon loup? Tu fais une petite séance maquillage? Ah, 50 minutes inside. C'est Nikos. On le salue, parce que parfois, il écoute Sky, Nikos. Ouais. Big up à toi. Et donc, The Voice, seule la voix compte. Oui, eh bien oui. Eh ben ouais, t'as raison. Eh, ça démarre samedi, Voice Kid, n'oubliez pas les loups. Ah, c'est samedi, ça démarre. Ouais. Ah, c'est reparti TF1 là. Ouais, c'est sorte, Voice Kid là. Voice Kid. Avec les enfants. Avec Jennifer. Matt Pokora et. Et attends, merde, c'est qui le troisième déjà? Ah, si, c'est pas un mec qui a fait. Patrick Fiori, non. Ah non? Patrick. Si, ouais, je crois que c'est ça. Non, c'est pas lui. Patrick Fiori! Patrick, c'est lui! Elle a crié quoi. C'est Patrick Fiori? Eh ouais. Ah ouais. Eh ouais, Romano, c'est Patrick. Ah oui, il avait déjà fait, je crois. Eh ouais. C'est samedi, les loups. Bon, on a parlé des défauts en début d'émission, en tout cas de Martha, une auditrice de Sky, qui nous a envoyé un message juste avant qu'on démarre et qui a rencontré un mec pendant les vacances et qui trouvait qu'il avait des défauts. Et son principal défaut, c'était de regarder les filles. Donc toi, tu veux nous parler de tes défauts, mais dans les gens que tu maquilles à TF1, il y a qui? À part Nikos. Bah, je peux pas trop le dire parce que... C'est bien maquilleuse à 19 ans déjà, à TF1. Bah ouais. Mais ouais, bah j'ai eu du piston, mon père est présentateur à la télé. Ton père est présentateur. C'est qui ton père? Il est à TF1, non? C'est Jean-Pierre Pernaud. Arrête! C'est Jean-Pierre Pernaud? C'est Clémentine Pernaud qu'on a au téléphone. C'est vrai? C'est fou ça, dis donc. Non, c'est Vincent Perrault, mon papa. T'es le Vincent Perrault, mais il était à France 3. Bah oui. Non. Bah si, il était à France 3. Si, mais je crois qu'il a été sur TF1 il y a longtemps. Ouais, il a été sur TF1. Ouais, il y a très longtemps. Et bah tu dis bonjour à papa. Et tu l'embrasses. Bonjour papa. Il travaille à RTL, ton papa, non? Il travaillait à RTL, il est champion de Dragster. Ah oui, c'est vrai, il fait des trucs bagnoles, de fou en bagnole. Là, ouais. Et c'est un fou de la bagnole, ton père, c'est vrai. Ouais, et puis canon. Très bien, bah, on salue papa alors. Alors, okay. Clément, c'est marrant, t'es fils de star, quoi. C'est qui son père de star? Vincent Perrault. Ah, Vincent Perrault. Ah ouais, ça y est, j'avais pourtant. Bon, alors, Cédric, tu te maries avec moi quand? Quand tu veux. Oh yeah. Mais tout ça va pas. Attends, bien. Il a trouvé une meuf, il en profite. Oh, vas-y. Bon, on va quand même parler d'un de tes défauts. Vas-y. Je vois les messages, vous me faites rigoler. Non, je ne ferai pas de photo de ma bite. Je vous le dis tout de suite, c'est pas la peine d'envoyer des messages à tous les sens. Bon, d'abord, le hashtag qu'on envoie, c'est le hashtag vente de Cédric. Donc, envoyez le hashtag vente de Cédric. Pour l'instant, on est sur les ventres. Donc, un défaut, parce que en fait, t'as un mec et ton mec, il bloque sur un truc par rapport à toi, c'est ça? Ah ouais, vraiment. Alors, mon plus gros défaut avec mon mec, c'est que je chie la porte ouverte. Voilà. Oh non. Si, Marie. Finalement, on va pas se marier tout de suite. Mais ça fait longtemps qu'on est ensemble. Oui, c'est vrai qu'il y a des trucs que tu fais avec ta meuf au bout d'un certain temps et que tu fais pas au début. Bah, moi, je chie la porte ouverte jusqu'à une certaine. J'ai des limites quand même. C'est quoi la limite olfactive?

J'aurais pas tout fait pour m'y perdre. Je m'y suis perdu, heureusement que j'ai pas tout fait pour m'y plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je vais partir, te laisser seul compter les étoiles. Encore une fois, je m'en vais faire de l'oseille. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides, tes cheveux blancs. Allô maman, je crois que t'as besoin. Ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, bobo, bobo, allons-nous-en. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, j'crois que t'as besoin, de repos. Allons-nous-en. Ouais, maman, ça va. SCH sur Skyrock, SCH qui était avec nous tout à l'heure, on l'a eu au téléphone avec lui, tranquille, je vais même pas vous demander où il était, SCH, oui, c'est Montpellier, vrai. C'est ça, non? Non, je sais pas du tout. À Montpellier. Je pense qu'il était à Marseille là. Ah, il était à Marseille. J'ai cru comprendre. Et voilà. Ah, ça m'y a repéré. Allez, repéré le son marseillais. Le son, bah grave. SCH sur Skyrock et allô maman. Ils sont de retour en direct. Diffoul. C'est un bronzage classe un peu que j'ai. Classieux. C'est exact. La classe, c'est le bronzage des vacances. C'est des UV aujourd'hui. Romano. T'as vu, on dirait un dalmatien au-dessus. Oui, c'est ça. Il est dalmatien. J'ai une maladie, c'est les cheveux. Cédric. Il y a un t-shirt croix rouge, c'est pour toi. C'est le drapeau de l'Angleterre, tu connais. Ah, d'accord. Celui-là, je l'achète en vacances. Tu l'as payé en plus. Bah ouais. Ah ouais, t'es con. Marie. Moi je brille. T'es brille tellement, t'es bronzé, c'est impressionnant quoi. Oui, tu es luisante. Samy. Moi si j'ai un bronzage régulier quand même. Oui, t'es blanc. Ouais. Et Karim. Karim est là aussi, les mains dans les poches, tranquille, là en plein travail, comme d'habitude. Ça va, alhamdoulilah, tranquille. Comment 21h minuit, la radio libre de Diffoul. Seulement sur Skyrock. Et Radio Libre Summer Edition, l'avant-dernière de cet été 2016. Yeah. Oh yeah, oui, on est avec des américaines là. On a Solène de Mâcon qu'on va prendre en ligne dans un instant. On a les familles du double appel. Je sais pas si elles sont américaines. Non, elles sont bien françaises après ce qu'on m'a dit. Hein. Les familles du double appel qui arrivent et Clémentine qui nous posait une question. Ah ouais, avec des réactions pour Clémentine, notre sondage express qu'on a lancé. Alors, quand on est amoureux, on partage tout. Il y en a qui pensent ça. Clémentine la dégueulasse. T'es plutôt... Ah bah si, un peu dégueu. T'es plutôt de ce style de partager tout, toi, avec ton mec. Genre, quand il est là, ça te gêne pas de péter. Ouais, ou de chier devant lui. Oui, la porte ouverte, tout ça. Tu partages tout quand t'es amoureuse. Bah toi, t'as même chié sur le canapé quand même. Mais ça, c'est un accident. Ça. Oui, mais t'as comme, au final, c'est terminé comme ça. Je voulais faire une bonne blague. Alors, c'est vrai qu'avec tout ce que nous a raconté, de poser la question, j'imagine à peu près quelle va être la réponse à notre sondage express. J'attends les résultats qui arrivent parce que vous avez été très nombreux à voter. Ouais. Par exemple, Pablo Escobar, un fidèle qui nous écoute, 16 ans, Pablo, qui nous dit tant qu'elle suce bien, moi je m'en fous. Donc tu vois, lui, il serait plutôt du genre à répondre ça vous dérange pas. Donc non, ça ne me dérange pas, la question que j'ai posée il y a un instant. Après, il y en a qui sont moins chauds, ou moins chaudes. Naomi, ah ouais, parce qu'on a demandé aussi si votre mec faisait ça. Naomi, 21 ans, moi ça me dégoûte, c'est sale. Comme Cédric, il y a des limites. Ah, ouais. Et Clémentine, une petite question. Est-ce que par exemple, pendant l'amour, c'était déjà arrivé de péter ou de roter? Non, jamais. Non, mais bon, on en est. C'est pas faux. Plus rien ne nous étonnerait de ta part. Justement, parce que tu parles amour, c'est as-tu l'amour, c'est dégoûtant pour Sania. Attends, c'est pareil, si t'as envie de baiser, puis que 5 minutes avant, la meuf, elle perlouse sur le canapé. T'as moins envie de baiser. Ouais. Ça te coupe un peu l'envie. Ça me dégoûte pour Enzo du 21, je trouve ça répugnant pour Damien. Oui, ça me dégoûte pour Death Libre. Bisous, ma chérie. C'est dégueulasse pour Yann. Les résultats, tiens, je vais te les avoir. Et puis il y a Mac qui voulait réagir en direct avec nous, qui voulait peut-être voter, je sais pas. Bonjour Mac. Bonjour Macque. Non, ça fait plaisir de vous avoir. Eh ben c'est gentil de nous avoir appelé. Appelez-nous, hein, on vous le dit tous les soirs, ça nous fait plaisir à nous aussi de vous avoir plein à l'antenne comme ça, c'est sympa. Alors t'as 20 ans, t'es parisien toi Mac. Macque. Et alors Macque, tu voulais réagir par rapport à Clémentine, tu te mets dans quelle case toi? Moi je trouve que c'est dégueulasse. Ah, toi, tu mets dans ma case à moi. Pas dans la case de Romano qui a trouvé ça charmant. Non, j'ai très mignon. Ça, non. Si, t'as dit que c'était mignon. Non, j'ai pas dit. Non, j'ai jamais dit si, ça. Mytho, moi, je suis pas Cédric, me prenez pas pour un couillon. C'est comme le Belge, je sais. Qu'est-ce que moi, je me souviens de mes propos. Oui. Et j'ai dit que je chiais la porte ouverte. Voilà, donc t'as dit oui. Ok, c'est noté, c'est bon. Mais il y a jusqu'à une certaine limite d'odeur et de bruit. Très bien. Là, si ça sent que tu vas déglinguer sa race. Non, mais par exemple, un jour où je sais que je suis un peu chiffonné du niveau intestinal. Là, tu fermes. Eh ben là, je ferme la porte et j'ouvre la fenêtre surtout. T'es déjà tombé sur une meuf qui t'a. Je sais pas où elle a fait un truc qui t'a dégoûté, où elle a. Non, jamais, Mac. Non. Okay. Non. Mais moi, il y a un pote à moi, il est arrivé à une mésaventure. Vas-y. En fait, il était en plein préliminaire avec sa meuf, commence à la lécher tout ça, et à un moment donné, il lui dit, ta chatte, elle a un goût bizarre. Et après, la meuf, elle lui dit, Stéphanie, mais en fait, j'ai mes règles. Oh putain. Ah ouais, non, c'est ta chatte, elle a un goût bizarre, évidemment. Et là, ketchup. Non, c'est pas le pire. Et là, il s'est pas retenu, il a vomi directement sur la chatte de la meuf et. Oh non! Ah non, mais il y a certains que ça peut dégoûter, moi je le comprends, hein. T'apprends. Ah, moi aussi, gros. Non, mais comme sa meuf, elle te fait ta chatte, regarde, Cédric, tu sors avec une fille. Ouais. Tu lui bouffes la chatte. Et elle te dit, ouais, tu lui dis, courage, déjà. Ta chatte a un goût bizarre, et là, elle t'explique, oh, mais Cédric, c'est mon cul. Ah, ça peut te faire un petit choc, hein. Oh, bah, vas-y, je continue. Oh, ah, non, horrible. Non, bon, on peut comprendre, mon pauvre, tu te salueras ton pauvre pote, en fait. Ouais, mais non, mais la meuf, c'était un peu. Ah ouais, c'est dégueulasse. Non, mais c'est un peu une crade, elle aussi. À peine. Ah ouais. Ouais. Parce qu'elle aurait pu le dire. Ouais, tu peux le dire. Ah surtout, la plupart des meufs, si tu la connais vite fait, la meuf, elle va dire non, quoi. Cool, elle dira non, on y va. Non, on y va pas. Comme le dit Cerveau Camille. Ouais, d'ailleurs. C'est ça, ouais. Non, on y va pas, j'essaye de la chatte. Mais il y a plusieurs meufs qui m'ont dit, apparemment, quand elles le font et qu'ils ont leurs règles, c'est mieux. Oui, il paraît que les filles sont plus excitées. Ouais. Après, de là à faire un cunnilingus, il y a des limites, quoi. Aussi, si c'est les grandes eaux. Oui. Quand elle te pose un rognon sur la gueule, t'es content, quoi. Ah, allez, bon app. Bienvenue dans la boucherie. C'est voilà, une petite viande en sauce. Donc toi, Clémentine, tu répondrais que c'est un peu dégoûtant, tout ça, de tout partager avec son mec, comme ça. C'est noté. Je prends juste Alex et puis je vous donne les résultats du sondage express. Clémentine. Oh, yeah. Oh yeah! Ah. Est-ce que toi tu fais l'amour pendant tes règles? Non, mais jamais de la vie, attends. Ah, c'est t'as quand même des limites dans la porcherie. Tu restes soft. Tu vois? Ouais, alors que. Ah, Marie, oui, par contre. Hein, je le dis tout de suite. Bon, et Alex. Et je pète aussi. Non, énormément. Alex du Mans. Salut, Alex. Salut. Ça va, Alex? Salut, Alex. Ouais, ça va. Donc, tu voulais répondre à notre petit sondage juste avant les résultats que je vous donne tout de suite, là? Ouais. Moi, ça me dérange pas spécialement. Je suis un peu comme Romano, en fait. C'est pareil, je chie la porte ouverte. Après, il y a des limites aussi. Ah, hein. Voilà. Mais moi, je n'ai pas bouffé chez Alex, hein, je vous le dis tout de suite. Ouais. Non. Par contre, j'ai des invités, je vais me tenir quand même. Non, mais moi aussi, tu vois. Non, mais t'es dans les relations amoureuses, quand on est avec quelqu'un. Ah oui, quand on est qu'à deux, oui. Après, au début, je le fais pas forcément. Après, il y a une complicité qui s'installe, tout ça. Et, non, mais c'est vrai que c'est avec le temps que ça vient souvent. Pas spécialement, ouais, bien sûr. Après, ça me dérange pas spécialement, c'est ça le truc. Voilà, moi ça me dégoûte pas, je trouve ça drôle, faut prendre ça avec humour, c'est ce que nous dit Louis. Et attention Clémentine, voici les résultats du sondage express. Écoute bien Alex, Maquet, écoute bien aussi. Les résultats, vous avez répondu, alors, attention. Ça me dégoûte à 78, je vous souhaite bon appétit d'ailleurs à... Ah, oui, qui est en train de bouffer. Et bon appétit, bien sûr. Oui, Grala là, qui nous a donné ce message. Donc ça me dégoûte 78% et ça me dégoûte pas, donc 22%. Essaye, bah quand même, hein. Tu vois, ton mec est un peu comme tout le monde, Clémentine, ou presque. Bah, 22%, bah non, quand même. Que... Ouais, non, j'avoue. Ah, voilà, tu vois. Ah, quand même. Non, mais bon, c'est, tu oui, j'avoue, comprends. Je suis cinglé, oui. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, merci pour le petit coup de fil, Alex. Merci pour ton vote. Ouais, merci, Maquet aussi. Il y a moyen de faire une dédicace? Moyen de dédicace. Et puis, on vous envoie le t-shirt collector Skyrock aussi à la maison. Puis, si bien la porte ouverte, alors. Ouais, il n'y a pas de souci. Une petite dédicace à tous ceux qui m'auront reconnu, tout simplement. À vous tous, l'équipe. Et puis, petite pensée pour Momo, elle est pareille. C'est gentil aussi. Merci, Alex. Salut, Alex. On parlera de foot. On va parler de la nouvelle saison, là. C'est reparti, là. Pour la nouvelle saison. Qu'est-ce que vous avez fait, Marseille, pour votre dernier match? On a perdu contre Guingamp. Ah, vous avez perdu? Ah, ouais. Ouais. Comme d'habitude. Comme d'hab, exactement. Gros. J'avais oublié. En avant Guingamp! Ah! Ouais. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah, Guingamp! Guingamp! Bisous, yeah. Clémentine, on t'embrasse. Et puis Maquet, on t'embrasse aussi. Merci du coup de fil. Et merci à vous. T-shirt Skyrock à la maison, c'est parti. Ciao! Salut! Bon, allez, on va retrouver notre traumatisé de la soirée, traumatisé pour la rentrée. Alors, c'est Solène qui est avec nous en direct de Macron. On est prêt pour le double appel? Ouais, parce que c'est ce que j'allais dire. C'est bon, on est prêt. Tourne.

Eh ben très bien. C'est parfait. C'est, c'est parfait. Bah, écoutez, ah bah, très beau final. Magnifique. Eh bien, pour un coup d'essai, ce double appel, on peut le dire. Ouais, ouais, ouais. C'est à la conversation. C'est un coup de maître. La nana qui dit qu'on l'a appelé il y a 20 minutes, elle dit ça fait une demi-heure que les gendarmes sont sur ma ligne. Ah bah, au moins, ouais. Elle s'est plantée. Et tout va bien. Seule, ouais. Ah, Marie, elle te note des trucs, ah ouais, elle te fait les timings. C'est bien, Marie, ouais, bien. Mythomane. Rappelez-la, je vais lui dire, vous êtes une menteuse, madame. Voilà, le double appel qui a démarré avec deux familles, qui s'est terminé avec la dame et Patrick. Et Patrick, mais, belle conversation. Il était magnifique, ce Patrick. Absolument, ouais. Absolument, oui. Bon, bah écoutez, les doubles appels, c'est tous les soirs. Si on attend d'en faire un autre avant minuit, on se fera peut-être un double appel en nocturne. Oui. Bah, vous restez à l'écoute. On se fera ça avant minuit. Et sinon, demain soir, c'est promis. Entre 21h et minuit, à n'importe quel moment de l'émission, tout peut arriver, vous le savez. Hein. Bon, on va prendre Solène. Ah oui, Solène et son angoisse. Solène, c'est que toi, Solène, tu t'es fait traiter dans les messages tout à l'heure, j'ai vu, alors que t'as pratiquement rien dit, c'est triste quand même ça. Solène, parce que tu nous as pas, t'as prononcé le mot rentrée. Oui. Ah ouais, et c'est un mot qui déclenche des phobies chez certains qui nous ont laissé des messages des tout à l'heure. Des boutons et tout. Ouais, peut-être, ah, des allergies. Ah, ça va, je suis pas seule. Ah ouais, donc tu vois. Donc en fait, toi, tu nous appelles. Et Karim m'avait dit, c'est lui que t'as eu au téléphone, il m'avait dit, elle est traumatisée, Solène. Ouais, exactement. Et moi, je voulais savoir pourquoi t'étais traumatisée. Et bon, j'ai compris, puisque tu nous as dit, c'est la rentrée qui te traumatise. Ouais, mais a priori, exactement, ça s'est mal passé aussi en troisième. Oui, ah oui, aussi, c'est surtout ça, en fait, le fond du problème. Alors, parle-nous du fond du problème. Qu'est-ce qui s'est passé en troisième? Mais moi aussi, tu sais, j'ai eu des années où... vraiment, c'était là. Ouais. Non, mais après, il y a des limites, quoi. C'était la, genre, la victime, Du bahut, ouais, ouais. Ah non, je crois que jamais ça. Non, c'est pas vraiment ça en vérité. C'est que ma meilleure amie s'est montée contre moi et du coup j'ai perdu tous mes potes dans l'espace de 2 semaines. Mais qu'est-ce qu'elle a fait pour te... Mais pourquoi elle a fait ça d'ailleurs? Parce que ta meilleure amie, logiquement, elle te fait pas des trucs pas gentils. Logiquement, voilà. Mais bon, on ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'un monstre s'est emparé d'elle, je ne sais pas. Mais bon, voilà. Mais t'as peut-être serré un mec qui a voulu serrer sinon. Et elle a eu la haine ou tu vois non, un mec. Non, mais moi, je suis née en 2001. Je n'ai jamais serré depuis à part des Pokémon. C'est voilà. Ah, toi aussi, t'es parti à la chasse aux Pokémon, toi. Ouais, exactement. Et alors, moi, j'ai tout chopé les Pokémon. Ça y est. Ouais, il a chopé Carapute aussi. Ouais. Je m'y suis mis lundi, là, je vous ai dit. Ouais, comme ça, ouais, là, depuis lundi, ouais. J'ai déjà chopé tous les Pokémon. J'ai réussi à finir un jeu qui ne se finit pas. Eh ouais. Et ça, vraiment. Parce que t'es trop fort. Je dois dire que j'ai. Très, très fort. Moi-même, je me suis impressionné dans ma chasse aux Pokémon. Marie, tu joues toi? Non, je joue pas. Yeah. Mon fils joue. J'ai regardé un petit peu, mais lui, il a trouvé une version où il a pas besoin de bouger, en fait. Ah, oui, c'est la version des. Ouais. Mais je lui ai dit, mais putain, t'as vraiment un glandu. Il me dit, non, mais j'ai une version, j'ai pas besoin de bouger. Donc il était sur le canapé à la maison et puis. La version craquée, ouais. Avec une bière et il chopait. Une bière, un joint à la bouche. Voilà, il se règle dans le bras. Oui. Il a passé un bel après-midi. Hein. C'était sympa. Seringue, non. Mais toi, est arrivé quoi en troisième du coup? Bah, sa copine qui lui a. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Ah ouais, on peut recommencer l'émission à début, Romano, si tu veux. Moi, j'ai bien aimé. Bonjour à tous. En plus, l'émission allait bien encore ce soir. Donc, on peut la recommencer depuis le début. J'ai trouvé super, perso. Hein. Pour ceux qui seraient arrivés un petit peu à la bourre, si vous êtes arrivés à la bourre, hein, bien sûr, on peut faire quelque chose pour vous. Mais tu lui as bien fait un truc pour qu'elle a pas vrillé du jour au lendemain, la meuf. Mais justement, c'est ça le truc, c'est que je n'ai rien fait. Est-ce que, honnêtement, t'es plus jolie qu'elle? Ah, elle est jalouse. Ah. Elle est moche. Objectivement. Oui. Oui. Ouais, oui. Bah voilà, bah cherche pas, c'est ça. Elle est pour ça, ouais. Elle est jalouse. T'as les meufs, c'est trop des salopes entre vous. Ouais, il y en a certaines. Ah non, mais il y en a, elles supportent pas. Ah, hein, ouais. C'est un truc de ouf. Ouais, hein. Non, mais voilà. Je mais c'est pas. Vrai, entre gars, c'est ça se fait vrai. Moins ce genre de truc. Quoique, regardez, ouais, par exemple, clair. Cédric critique régulièrement Romano pour sa beauté. Bah ouais. Ah, c'est la jalousie, ça. De toute façon, t'as vu la gueule qu'il a, ouais, je peux comprendre qu'il soit jaloux. Tu parles de ta gueule. T'as vu ta gueule, toi, s'il te plaît? Bon. Tu l'as encore deux chicots qui veulent se barrer. Bah, tu ferais bien me faire rentrer ceux qui sortent dans toi. La gueule. Est-ce que vous avez eu au bahut quelqu'un qui vous a fait vraiment des coups de pute, chacun dans l'équipe, là? Non, c'était plus moi avec le mec tacho, là. Ça, ouais, ça a duré un an, quoi. Alors, le mec tacho, explique pour ceux qui sont. Bah, en fait, c'était un mec, on lui disait tacho et ça le rendait ouf. C'était pas son nom de famille, je sais pas quoi. Non, pas du tout. Ça comme ça. Mais moi, je me souviens même plus comment est venu le délire. Et en fait, le mec, c'était un calvaire pour lui parce que genre. C'est pas le mec, il était pas un peu rougeau, ça, il devenait rouge rapidement. Ouais, non, mais il devenait rouge, ouais, mais il devenait rouge direct. Ah, bah, c'est ça, c'est pour ça que vous l'appeliez tacho. Et le truc qu'il y a, et à chaque intercours, c'est que t'as toute la classe, mais même les meufs. Craquage. Je me souviens, le mec s'appelait Marc, il était là, Marc, t'as chaud, hein, t'as chaud. Et là, il devenait tout rouge. Le mec, ça le veut. Mais t'as un câble. Et au bout d'un moment, il chargeait, et il tapait sur quelqu'un. Ah, et premier qui l'attrapait deux fois, ça a été moi. Il t'a marbré deux fois. Non mais deux fois. Bah la première fois, il m'a mis la gueule dans un radiateur. Sympa. Je pissais le sang de la tempe. Oh putain. Tu sais, je me souviens, c'était au réfectoire, il m'a éclaté. Tu sais, il m'a poussé ma tête, elle a tapé contre le radiateur. Tu sais, les vieux radiateurs là en fonte, hein. Ouais. Bien dur. Donc je pissais le sang. Et tu lui as quand même dit, ah t'as chaud. Hein. Non mais je lui avais dit avant. Et lui il te fait, ah tu saignes. Hein. Et la deuxième fois, il m'a mis la tête dans un carreau. C'est dans une fenêtre. Moi, c'était un mec qui avait une l'oreille. Derrière des traquages. Dany, moi, de 16 ans. Moi, c'était un mec, on l'appelait écran plasma. Pourquoi ? Parce qu'il avait une tête plate. Tête plate. Ah, il y a des gens comme ça. Une tête plate. Écran plasma, ça le rendait fou. Ah, et Sissi, qui a 26 ans et qui dit, moi, j'avais ma meilleure amie, on se connaissait depuis plus de 10 ans. Et on était inséparables, et du jour au lendemain, plus rien, sans explication. Bah, ça, moi, je comprends pas. Ça. Ah, ouais, et bah, moi, c'est exactement ça. Ah, ouais, pareil. Oui, tu vois, c'est le message de fille. Quand j'ai demandé des explications, on m'a dit non, mais Solène, t'as changé. Ah, le t'as changé. Oui, ah, le fameux oui, voilà. Classique. T'as changé, t'es plus comme avant. T'as changé. Et t'as changé. J'ai eu l'impression un peu d'avoir un ex. C'était sympa. Ouais, c'est ça. Mais t'as pas changé. Bah, non. Tiens, j'ai un pote qui a disparu, ouais. Comme ça. Plus de nouvelles. Ouais, c'est ça. C'est Sania qui nous envoie un message. Plus rien du tout. Il doit avoir le seum. Rater son bac, peut-être pour ça. Je sais pas. T'as pas Je sais pas non plus. T'aurais pas mal parlé d'un de ses potes ou tu vois, un truc comme ça, non? Non, mais le pire, c'est que non, même pas. Moi, je te dis, elle est jalouse de toi parce que t'es plus mignonne qu'elle. Ouais, moi aussi, ouais. Ouais, mais attends. Pourquoi elle est pas jalouse d'un mec? Non, mais tu sais, non, mais attends. Tiens, moi, ça m'est arrivé avec Cariole cet été. Tu sais, rien à voir. T'es jalouse? Non, non. En fait, il y a une meuf, tu vois, on allait bouffer dans un resto, on connaissait tout le monde. Et il y avait, cette année, il y avait un pote du patron, tu sais, c'était un jeune, un peu hipster. Bon, il y avait une danseuse du resto. Elle avait kiffé sur lui. Ah. Et en fait, elle parle, et le mec, tu sais, à chaque fois qu'on arrivait, il parlait avec Cariole. Parce qu'elle parlait, tu sais, italien, elle était là, ouais, j'aime bien comment tu parles italien avec ton accent français. Ah, il avait envie il avait envie de sauter carrément. Non, non, mais même pas, non, non, mais c'était sympa. Et la meuf à côté, en fait, un jour, elle a vrillé. Et du jour au lendemain, elle nous a plus dit bonjour. C'est-à-dire qu'on arrivait, la meuf ne nous parlait plus. Et elle avait le seum, moi. Et elle était, et à chaque fois que on arrivait. Et regardez-moi, il y a l'autre chauve qui arrive avec sa pute. Avec sa pute. Non, mais tu sais, ouais, c'est comme on a expliqué. On fait, mais nous, on a rien à foutre si on est en vacances. Et la meuf, en fait, elle kiffait sur le mec. Oui, et puis Cariole, elle allait pas se faire sauter par le hipster, alors que toi, t'étais à côté, Romano. Bah, non, mais c'est. Parce que la danseuse, elle voulait le hipster. Ouais, mais la meuf, en fait, elle a fait un blocage. Et je t'assure, du jour au lendemain, la meuf, elle nous adresserait plus la parole. Il y a les chauves, il arrive. Je veux pas lui dire bonjour, là, les chauves. Non, mais ouais, c'était ça. Et du jour où il est parti, la meuf, elle, ça allait un peu mieux. Mais je pense qu'elle était jalouse. Ouais, c'est pour un peu la meuf de meuf, ça. Ouais, non, mais ouais, mais pour un peu ta copine. Tu sais, il y a eu un truc, je sais pas, on lui a dit, ouais, ce mec-là, il y a peut-être plus de mecs à qui tu plais qu'elle. Juste pour ça, la meuf, elle a pu vriller. C'est peut-être un truc auquel toi, tu fais pas. T'as pas fait gaffe, forcément, tu vois. T'as pas relevé et elle a relevé à mort. C'est pas bête, ça, Karim. Il est pas bête, ça, Karim. Il est pas putain, mais je suis pas con. Ou alors, elle a de nouvelles copines qui lui ont monté la tête contre toi. Et ben voilà, Marie, ça n'a pas plu du tout. Marie, ça fait plaisir. Marie, elle ouvre la bouche, je dirais, t'es raccroché. Non, mais c'est vrai que ça peut arriver. C'est vu, entre filles, hein, il se passe des trucs, quand même. Ah ouais. Non, je parle pas à Marie, non. Ouais, non, Marie, tu parles pas. C'est sympa. Non, bon, après, j'allais dire à Solène, mais on va la rappeler. J'allais lui dire que c'est pas parce que ça s'est mal passé l'année dernière que ça a mal se passé cette année. Non, mais bon, c'est une vraie garce, l'autre. C'est-à-dire que t'as plus d'amis, quoi. Là-dessus, je suis d'accord. Mais elle va se faire de nouveaux amis au lycée, c'est ce que je voulais lui dire aussi. Solène, t'es revenue? Ah, très bien. Oui, Solène, c'est bon. C'est bien. Bon, Solène, c'est pas parce que ça s'est mal passé en troisième, vous avez vu ma déclaration, vous l'avez eu en exclu avant elle, que ça va mal se passer en seconde. Au contraire, tu changes, c'est mieux parce que tu changes de bahut. Ça aurait été pire si tu restais dans le même collège. Est-ce que tu retrouves les mêmes gens que t'avais au collège? Mais exactement, en fait. Ah. Et du coup, tout le monde s'est mis à me détester parce qu'après, elles se sont dit, bon, autant la rejeter, autant faire des histoires et vous voyez des filles, quoi, bien chiantes. Mmh. Et elles ont inventé un tas de trucs sur moi, mais ça, c'est n'importe quoi. Ah, ça va bien chiant, toi. Qu'est-ce du coup, là, inventé. Je vais me penser en septembre, comme ça, coucou. Mais deviens pote avec les mecs si toutes les filles elles sont toutes contre toi. Bah, elle va être déjà de base, j'avais que 4 amis en filles et tout le reste c'était des mecs. Mais même les mecs, ils ont vrillé dans leur tête, en fait. Mmh. Mais t'as pas recalé plein de mecs, justement, de tes amis? Ah non, justement, moi je recalle personne, c'est très. Ah, tu sens que c'est open, toi. C'est open, ouais. Qui veut couche avec moi? Eh bien, je te l'annonce, tu vas passer un super début d'année, tu vois, tous les mecs vont venir te voir, surtout s'ils t'ont entendu sur Skype ce soir. Ah ouais. Je recalle personne. Bel argument. Bah oui. Non, mais il y a peut-être une rumeur aussi qui court sur toi. Non, mais c'est de te renseigner là-dessus, c'est vrai que c'est pas bête, Marie. Bah ouais, c'est bizarre que tout le monde te tourne le dos d'un coup. Ouais, fais une enquête, ouais. C'est vrai. Bah ouais. Mais c'est bizarre que ça soit pas venu à tes oreilles non plus. Non, mais en plus, le pire, c'est que ça semblait se prémédité depuis longtemps, parce qu'en fait, du jour au lendemain, enfin non, même pas, en fait, elle a écrit de 10h, on avait parlé tranquille et tout, et à midi, elles sont venues par bande de 6, vous savez, limite, les 6 fantastiques, comme ça, le nouveau titre du film, elles me sortent, Solène, t'as changé. Salut, ils sont partis. Non, mais il y a quelqu'un qui a dû dire que t'as dit un truc sur quelqu'un ou que t'as mal parlé de quelqu'un d'autre. Ouais, peut-être que t'as, puis... ou peut-être qu'elle trouve vraiment que t'as changé. Enfin, ah, tu t'as vois, changé. C'est peut-être vrai. Ah, non, mais t'as changé. Tu t'appelles, t'es plus la même. Bah peut-être. Je sais pas. Dites-nous si vous avez une petite solution pour Solène. Porcelaine, c'est joli. Eh oui. Voilà. Solène, porcelaine. Voilà. Bon. Ah, ouais, c'est... c'était le jeu de mots de l'année. Non, mais je sais pas. En plus, c'est super parce que j'ai vraiment pas fait exprès. Je trouvais assez mignon. Ouais, t'étais assez fier de toi. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que c'est ce message? Je tiens à signaler que Saint-Etienne, l'équipe de foot, pue la merde contre une équipe de merde. C'est vrai, ils ont perdu contre Jérusalem, là? On a perdu. Non, ils sont en train de jouer là, non? Ouais, bah ouais. Mais c'était là, c'est, ça doit être fini là. Doit être... Attends, je vais te dire le score. Ah, il y a un match de. Non, il y a 0-0, gros. C'est la 77e. Ouais, 0-0. Et donc on joue. Le Bétard Jérusalem. Pour se qualifier pour l'Europa League. L'Europa League. Waouh, putain, c'est. La folie, ça, hein. Bah écoute, c'est déjà pas mal. Ça, c'est du match, les gars. Bon, bah on vous tiendra au courant. Merci de ton message, Dark Waltz. Et puis pour la rentrée, bon, de toute façon, il faut y penser. Il faut y passer. Il faut y passer. Ouais. Bon, ah, bah ça, oui. T'as pas le choix, ouais. Donc, bon courage pour ça, Solène. Et sinon, fais-toi de nouveaux amis. De toute façon, tout le monde. C'est ce que j'allais dire. Il y a forcément des groupes dans un bahut. Tout le monde. Il n'y a pas qu'un groupe dans le bahut. Il y a des nouveaux. Il y a plein de petits groupes. Il y a sans doute des nouveaux qui vont arriver. Donc, je pense que la rumeur. Je vais être mal, quoi. Mais tu vas être mal. Parce qu'en plus, moi, je suis pas quelqu'un qui va hyper facilement vers les gens. Eh ben, il va falloir faire des efforts, ma chérie. T'as entendu ce que c'est pas toi qui nous disais que t'étais souriante tout à l'heure? Si. Eh ben voilà, bah continue de sourire. Ah bah souris, oui, souris à la vie. Mais pas comme ça, Romano. Souris à la vie. Souris, et puis tu vas voir, il y a des gens. Je suis sûr que vous aussi, vous avez stressé un jour parce que vous vous dites, il y a que des cons dans mon bahut. Et au final, tu trouves toujours des gens sympas. Regardez, si on était une classe. Oui. Romano, tu traînerais avec qui? Avec toi, Difool. Bon, alors. Tu traînes avec le premier de la classe, toi. Mais alors, admettons, il y a une embrouille, on me dit un truc, une rumeur qui tourne sur toi. Je te fais la gueule, tu traînerais avec qui? Avec qui? Avec Marie. Ah, voilà, merci. C'est bien. Donc, toi, traîne avec des meufs, traîne avec des mecs, Solène. Si toutes les meufs, si toutes les meufs sont contre toi. Elles vont être jalouses, on s'en fout. Ouais, ça. Après, elles sont déjà complètement connes. Non, mais de toute façon, elles sont complètement connes, tes copines. Ouais, t'as changé. Ruminées sur SMS. Non, et puis chope-toi le plus beau mec. Comme ça va bien les faire rager. Ouais, fais-toi baiser par le plus beau. Ouais. Ouais. Et oui, mais Marc Allais lui aussi. Fais une sex-step, comme ça tout le monde te prendra pour une star. Non, mais n'importe quoi. Et voilà, très bien, des bons conseils. Merci Marie. Voilà. Pour les bons conseils. Merci, merci Romano aussi pour les. Ah, bah de rien. Bon, et puis si vous avez besoin de nous, vous nous passez un coup de fil. On va t'envoyer le t-shirt Skyrock. Bien sûr. L'officiel. On t'envoie à la maison et on écoute ça. So I'm taking my time on my ride. C'est sur Skyrock, les 21 Pilots. J'aime bien ça, c'est Ride. C'est bien, ça fait penser à l'été, ça fait penser au soleil. Vous allez me dire, on est en plein dedans, hein, l'été, le soleil. La radio libre de l'été, Radio Libre Summer Edition. Ça continue avec le dernier problème du mois, le tout dernier ce soir. Le dernier problème du mois de la radio libre de l'été, de Skyrock. Profitez. C'est la rentrée et t'as besoin d'argent. Réveille-toi avec Skyrock. The Morning Show. Dès lundi, le morning de Difool te réveille. Et pour fêter la rentrée, Difool t'offre 1 500 € toutes les demi-heures si tu réponds Skyrock. Ta radio préférée? Bah c'est Skyrock. Vas-y Skyrock. Envoie 1 500 par SMS au 72020 et inscris-toi dès maintenant pour gagner 1 500 € dans le morning de Difool. Voilà. 1 500 €, c'est pas possible. Oh là là, mon Dieu, merci beaucoup. Dès la rentrée sur Skyrock, 65 centimes plus coût d'un SMS. Salut, c'est Mister V. Hey, cet été, ça fout quoi? Ça va louer le gamin, ça va payer des tailles, ça va sortir en club, ça va se bourrer la gueule, ouais. Et tu comptais rentrer comment après? Tu comptais conduire? T'es con, Didier, bordel! Non, fais plutôt confiance au poteau Sam! Sam, celui qui conduit, c'est celui qui boit pas! Comme ça, tu seras en vie à la rentrée pour venir voir le groupe sur scène! Alors dis merci à Sam! Allez, merci Sam, c'est vraiment sympa! Son problème, c'est la victime du lycée. Faut que ça change, Stéphane. Il faut qu'on soit des mecs en place. Son plan, prendre un correspondant. Pas looking extrême, ascenseur social, réputation mythique. Mais rien ne se passe comme prévu. Chérie, on a un gros problème avec la petite boche. Le correspondant, la comédie de l'été avec Jimmy Labeu, actuellement au cinéma. Un film Skyrock. Êtes-vous bien sûr que tout est fini entre vous? Envoyez par SMS Passion au 73-200. Nous vous dirons si votre ex peut reparaître dans votre vie. Passion, P-A-2-S-I-O-N au 73-200. Va-t-il revenir? Envoyez Passion au 73-200. 65 centimes plus prix du SMS DGP. SCH. Allô maman, ça va pas fort, j'ai peur du temps. Allô maman,

Je sais pas, apparemment, ouais, il a pété un câble comme d'hab. C'est un peu un sanguin, lui. Faut pas le faire chier, Ruffier. 45ème minute, ouais. Ouais. Ruffier, il a une tête de videur de boîte. C'est ça, ouais. C'est vrai, ouais. On dirait un keuf, t'as les filles. Toi, un keuf, moi, un militaire, on dirait un videur de boîte. On dirait un baqueux, un mec de la bac. Voilà, sinon, on nous dit, vous faites pas un point transfert. C'est vrai que Blue, depuis le début de la semaine, il veut qu'on parle des transferts. On parle de foot, si vous voulez, y a pas de problème. On est premier sur le foot, bien sûr. Ah bah, grave, attends. Il y a Matuidi qui va peut-être signer à la Juve. Ah, moi, j'ai vu un truc à confirmer. Je sais pas si c'est une connerie ou quoi. C'est Blue qui disait ça. Balotelli serait en pour parler avec Nice. Aussi le message de Blue. Ouais. Mais il a été proposé à Nantes aussi, Balotelli. Ouais, parce que personne n'en veut en fait. Ah, Marie, Balotelli, tu vois qui c'est? Je vois pas sa tête. Tu sais, c'est le Renoir. On a la radio, c'est normal, tu vas pas voir sa tête, Marie. Je vois pas de sa tête. Bah oui, déjà. Que Blanc avait une crête avant. Mais si, bordel partout. C'est le joueur que Blanc italien. Plein de couleurs là. Ouais, c'est vrai. D'accord, donc je vois qui c'est. Et il est rasé, je crois. Donc il va venir à Nice, lui. Bah, il sera en discussion. Et l'entraîneur de Nice a démenti. Mais de toute façon, il démente tout le temps avant que ce soit signé. Personne n'en veut, Mskin. Mais personne n'en veut de lui. Non, mais il est difficile à vivre. Il fout la merde. Il fait plein de conneries, surtout. Il casse des voitures, il baisse des meufs, il s'éclate comme un ouf. Il a un style, comme il marque pas beaucoup de buts. Oui, c'est ça. C'est un risque, on va dire. Il s'éclate quoi. Il est en pourparlers. Merci colonel Charlie. Il est en pourparlers avec Sion en Suisse. Ah maintenant. Bah, moi je préférerais qu'il vienne en France parce qu'avec lui au moins on rigolerait. Ouais, il se passerait des conneries, c'est clair. Vous allez vous marrer à Nice avec lui là. Et sinon Matuidi, tu vois qui c'est Marie Matuidi? Ouais, Matuidi Charo. Genre du PSG. Matuidi Charo. Il va peut-être signer à la Juve. Ouais, discute, mais il y a pas d'accord encore. Ouais. Toujours pas. C'est vrai qu'on en parle depuis un petit moment. Sinon la Juve, ils ont une super équipe cette année. T'as vu Romano? Ouais, mais ils ont vendu Pogba. Je dis ça parce que c'est qui connaît. T'as vu Romano? Juve, ils ont une équipe. Fait, c'est ce que j'allais te dire. C'est qui les joueurs? Une équipe de fou, hein. Ah ouais, mais. Bah, Platini. Ouais. Platini. Zidane, c'est le retour de Zizou. Zidane, très aiguë. Ah ouais. Del Piero. Del Piero, il y a aussi des tirs. Okay. Jean-Pierre Papin. C'est Didier Deschamps. Et Basile Boli aussi, ouais. Non, en tout cas, Didier Deschamps, très aiguë, tout ça, ils ont tous joué à la Juve. Tu as Platini. Ils ont acheté Higuain, la Juve, ouais. 94 millions d'euros. Ça, c'est le vrai. C'est qui Higuain? Ouais. Tu connais pas Higuain? Ça, tu connais pas, gros. Bah, le mec, ils ont juste payé quasiment 100 millions d'euros. 100 millions, il vaut. Bah, il vaut peut-être 100 millions, mais je vois pas qui c'est. Attends, quand les coups qui jouent à Naples. Higuain, c'est un Argentin. Ah ouais, ouais. Mais il joue bien au moins lui. Bah, ouais, s'ils l'ont payé 94 millions. Non, ou alors ils sont cons comme des bites, quoi. Ouais, un peu comme toi, quoi. Mais on sait jamais, des fois. Tu te souviens pas d'Higuain? Mais qui peuvent être un peu cons. On en parlait parce que son père avait un passeport français et il voulait le récupérer en équipe de France. Ils auraient dû, hein. Avant qu'il joue en équipe d'Argentine. Bon, finalement, il a choisi la nationalité argentine. Et alors, où est-ce que vous connaissez? Tiens, on parle. Je vais vous poser une question. Si vous avez la réponse, je vous offre un maillot de foot, de rugby, de ce que vous voulez, de son en longueur. Voilà. Et les JO, on offre également longueur. Des maillots de l'athlétisme. Ah, bah ouais. Prenez ce que vous voulez. Alors, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'a fait Messi par rapport à Higuain? Voilà la question. Ah, je crois que ça fait Messi sur sa gueule parce qu'il est blond déjà. Ah, vous avez vu Messi, la tête qu'il a? Ouais, j'ai vu. C'est il est au grand âge, faut tourner cet été sur les réseaux. Il me fait penser au grand Schtroumpf. Il a une tête de, il est tout petit, vous savez, donc il a une tête de grand Schtroumpf un peu. Mais il s'est fait une coupe. Parce qu'il a une barbe et il a une tête. Il a une barbe rousse. Genre, il est blond, il joue un peu, tu vois. Ouais. Bon, alors, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'a fait. Moi je sais, moi je veux un maillot du PSG. Redis la question, redis. Alors la question c'est qu'est-ce que a fait Messi par rapport à Higuain? Higuain, c'est donc le nouveau joueur de la Juventus de Turin, pratiquement 100 millions ils l'ont payé, Romano. Ouais, bien cher. 94. Tu l'auras acheté toi? Non, mais sans doute. Même pour avoir un beau joueur dans ton équipe. Eux ils vont être dangereux en Champions League. C'est la Champions League. Ouais, la Champions League. Si, ah, ça, c'est. Du coup, il le sent bien. Je sens bien la Juve. Et qui vont se sentir au premier tour. Alors, Garan nous dit, j'espère pas. Ah, il y en a plein contre. Garan nous dit, il l'a taillé sur son poids. Non. Non, mais il a grossi un peu, Higuain. Higuain a pris quelques kilos pendant les vacances. Il a mangé des pizzas. Ouais. Hein, Nico, 16 ans, nous fait, il a sucé Higuain. Non plus, non. Ce n'est pas la bonne réponse. Pas tellement. Il y en a plein qui ont trouvé, ouais. Je vois la bonne réponse. Ouais, alors, un truc à proposer dans l'équipe. Messi, non, moi, je sais, moi, man. Ah, moi, je sais pas, moi. Je peux prendre un maillot du PSG ou pas? Il a baisé sa meuf. Non, il a pas baisé sa meuf. Non, mais je vois pas du tout, moi. Je vois que tu vois pas, Romano. Ouais. Facile, ouais. Et Higuain, il est né à Rouen. Ouais, c'est ça, Rouen. Ouais, son père, il joue en France, en fait. C'est pour ça. C'est un Normand. Il s'est fait un tatouage de lui. Non, c'est pas ça. Il s'est pas fait un tatouage. Ni un piercing. Il l'a pas sucé non plus. Taillé sur le poids, ça revient beaucoup. Non. Il a exigé sa tête, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. SDRDH, c'est pas mal. Il a exigé sa tête comment? Comment c'est ça? Facile, on vous a c'est dit. Facile, Messi, c'est facile. Le patron, qu'est-ce qu'il a? Il est argentin. Voilà, il joue dans la même équipe. Ah, moi j'ai vu la bonne réponse. Bon, bah alors la bonne réponse donne là, Cédric. Faut le virer. Non, en fait, il a exigé qu'il joue plus dans la sélection argentine. Ouais. Ah, bah donc faut le virer. Donc j'ai vu la bonne réponse. Il est jaloux. Romano, je t'offre un maillot. Alors je vais t'offrir le maillot de saut. De saut à la perche. Ah, wow, magnifique. Parce que tu es tellement grand. Ouais. Renaud, la ville. Un petit Marcel. Oui. Donc après, il a démenti Messi, tout ça. Mais a priori, ça lui a pas fait très plaisir. Ouais, je pense oui, j'imagine, ouais. C'était les dernières nouvelles du foot de cet été. Sinon, gros transfert de Pogba aussi. Bah, Manchester. Polo est à Manchester. Retourne à Manchester. Ouais, il est revenu à Manchester. United, retour. Bravo Cédric. Tu vois, tu sais bien lire les... Il avait vendu. Non, mais j'ai vu sur ses réseaux à lui. 5 millions d'euros. Est-ce qu'il a dit ouais, comeback, comeback. 120. 120. 115, ouais, 120. T'imagines la marge, les coups. T'imagines, c'est une belle culbute, ça. Ouais, c'est clair. C'est une bonne culbute. Achète un joueur et revends-le au même club. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. Putain, là, c'est. T'imagines la marge? Ouais, ça va. Ah, bah, tu veux être. C'est rentable. En 2016-2017, Romano, agent de joueur. Ah, ouais. Ah, ah j'aimerais bien. Ouais. T'imagines son agent, là, comme qu'il a pris. Tu veux pas être agent de Cédric? Oh là là. Il a pris 25 millions, l'agent. Putain, tu veux que je le vende pour quoi faire, lui? Je sais pas, moi. Je le fais tapiner, peut-être. Ah, non. Tu repars dans une camionnette au bois de Boulogne. Tu vois, ce toit-là, il est fou, lui. Non, devant le Parc des Princes. Pour regarder un rapport avec le foot là. Ouais. Alors, l'Olympique de Marseille sera vendu le plus vite possible. Ouais, on espère. Non, mais il faut déjà que quelqu'un veuille acheter quoi. Ouais, mais là, il y a deux finalistes, on va dire. C'est soit Gérard Lopez. Ce bon Gérard. Le luxembourgeois, bon, lui, il veut mettre que 50 millions. Il a dit c'est son offre maximum. Mmh. Soit des Américains, tu sais, un espèce de fonds d'investissement américain, qui eux mettraient 80 millions d'euros. Pas mal. Donc c'est plutôt les Américains qui tiennent la route. Et breaking news, Skyrock premier sur le foot, bien sûr. Voici l'info du soir. La voici, la voilà. Merci Théo du 77. Merci à Kiko. Merci à Théo, un autre Théo d'ailleurs, du 22. Merci à vous pour les messages et tous les autres aussi. Je vois que ça défile. Saint-Etienne est qualifié. Ah. Ouais. Bien joué les gars. Ouais. Plus d'entrée. J'ai vu que c'était Moulin, le gardien remplaçant là, qui avait sauvé le match. Il a sauvé le match, bravo Moulin. Bien joué. Et du coup, qui a gagné le maillot parmi les auditeurs de Skyrock? On va regarder le premier. Allez, on prend le premier, on vous envoie le maillot là. Et aujourd'hui, il y a Cristiano Ronaldo qui a été élu meilleur joueur d'Europe. FIFA de l'année. Ouais. De l'année. Oui, bah, il sera Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo. Sans doute, ouais, normalement, ouais. A priori, Cristiano Ronaldo. Normalement, c'est pour lui, ouais. Oui, qu'on fasse un truc en portugais comme hier, non? Ah, viva Portugal! Portugal! Bon, il y a Eddy qui est au téléphone avec nous, on va le prendre tout de suite. Et juste après, Romano, tu nous lances ton problème du mois. Ah, je le lance loin. Le dernier problème du mois de l'été, des vacances et de la Radio Libre Summer Edition. Ouais. Avant la rentrée de lundi, loupez pas. Il y a Eddy, donc, de Dreux. Salut Eddy. Ouais, salut l'équipe. Salut à toi Eddy. Donc, t'as 18 ans, c'est bien ça? Et t'es à Dreux, je te présente à tout le monde. C'est ça. Bienvenue sur Skyrock. Tu t'intéresses au foot, au transfert, au match? Ouais, bien sûr. Ouais, moi aussi, ouais, je suis à fond là-dessus. Ça me fait délirer de voir tout l'argent qu'ils dépensent. Ah, et on n'a pas donné les tirages au sort. Et allez, Marseille. T'es un bon Eddy, t'es un bon toi. Tu as entendu, Samy? Il y a encore des supporters. Les Marseillais sont là ils en sont cette là, année. Ah, on est encore là, même dans la défaite. Mais vous pensez que vous allez finir premier cette année? Non, non, premier certainement pas. J'espère premier des non relégables, on va dire. Mais bon, non, premier, non. Ah, il est né à Brest, Higuain. Je crois qu'il était. Bon, écoutez, j'ai eu un message. Rouen, à Brest, ouais, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Wow. Ah, non, son père, il joue à Brest. Ça doit son être père Brest. Joue à Brest. Non, ouais. Mais lui, il est né à Rouen. Ah, c'est ça, il est né à Rouen et son père joue à Brest. Je sais pas si c'est pas Brest, mais bon. Ouais, peut-être Brest alors, c'est pareil. Bon. Il y a eu les tirages au sort de la Ligue des Champions aujourd'hui, gros, des poules. Alors, vas-y, donne ta poule du PSG. Alors, PSG, Arsenal, Bâle, Ludogorets, c'est pour le PSG. Monaco, Ludogorets, mais Goretz, comme Cédric. Bah, évidemment, bien sûr. Monaco, ils sont avec Tottenham, Leverkusen et le CSKA à Moscou. C'est vrai qu'il y a Monaco et Lyon. Ouais. Et Lyon. Ils sont dans un bon groupe Lyon. Dynamo Zagreb, bon, c'est un peu claqué. Séville, le FC Séville, ceux qui ont gagné l'Europa League. Attention. Et la Juventus. Ah, la Juve, elle est dans le groupe de Lyon. Ils sont avec Lyon, ouais. En plus, c'est deux villes qui sont pas loin l'une de l'autre. Ça va faire des super matchs, ça, les Lyonnais. Mais ils vont se faire taper Lyon. Ouais, c'est possible aussi. Mais Paris, vous avez trop de chance. Ouais, à chaque fois, Paris. Arsenal, ouais. Mais bon, ça va. Les deux autres. Ludogorets, c'est là. Comme moi. Moi, je suis pour Ludogorets. Ouais. Je suis la mascotte. Tu vois, eh ben, Romano, vends Cédric, comme t'es agent de Cédric, vends-le. Ouais, tu veux pas devenir la mascotte de Ludogorets? Ouais, bah trop, ouais. Ça me fait plaisir, ouais. T'as pas un autre truc? On vendrait des effigies avec toi dessus. Ouais, et avec le maillot de Ludogorets. Tiens, on te met à quatre pattes avec un nez de cochon. Ouais, bah oui, tiens. Tu kifferais, hein. Ah ouais. Ah ouais, moi aussi. Ah ouais. Grave. L'OM, ils vont piner le PSG, Karim. Jamais. Ah, c'est Youssef. Les supporters se déchaînent. C'est bien, on parle de 5 minutes de foot dans l'émission. Ah là là. Et les supporters sont déjà là, ça fait plaisir. On verra cette année. Bon, donc toi, tu soutiens l'OM, Eddy? Ouais, c'est ça. Bon. Yes. Mais non, mais il faut se battre pour être premier, les Marseillais. Je vous dis ça, faut garder. Mais pourquoi c'est impossible? Parce qu'il n'y a pas de hasard. Je sais, vous avez une équipe de merde, il y a des problèmes. Mais bon. Pour le budget. Non, même pas ça, mais on a vraiment coupé la masse salariale en deux. C'est-à-dire qu'il y a tout le monde qui s'est barré, on n'a pas de joueurs, on n'a pris que des joueurs de Ligue 2. Remplaçant en Ligue 2, tu vois. Des mecs à 1 million d'euros, si tu veux. Donc, vous avez parlé de joueur là, NJ? Qu'est-ce que t'as dit? NJ, pas encore. NJ, qu'est-ce que t'as dit, Eddy? Quand il n'y a pas de talent, il n'y a pas de talent, on ne va pas l'inventer. C'est ça. Ah, c'est vrai, ouais. Après, il y a des bons joueurs qu'on achète très cher et qui jouent mal. Hein. C'est vrai aussi, ouais. Regarde, ceux qui ont acheté Balotelli en Angleterre, je veux te dire qu'ils le regrettent aujourd'hui. Le mec n'a rien foutu de l'année à part sortir en boîte, se bourrer la gueule et baiser des meufs. C'est ça. Et casser des voitures. Et toucher aussi. Son salaire aussi. Ah oui, ouais. Alors, ouais, c'est surtout ça qui leur a posé problème, je pense. Au bout d'un moment, oui, c'est surtout ça. Donc, toi, Eddy, tu nous appelais pour parler d'un truc. En plus, c'est bien dans un. C'est bien à cette heure-ci. Vous allez voir pourquoi. À parler des rêves. Ouais, c'est un truc par rapport aux rêves et tout. Très bien. Vous rêvez? T'as rêvé pendant les vacances, Romano? Ouais. T'as rêvé à qui? Pas à quelqu'un de spécial en fait, c'était des paysages que je voyais dans mes rêves. Il y avait des montagnes. Des paysages, ils étaient jolis. Des rêves pilouches, des paysages qui défilent. C'était beau les paysages. Ouais, bah, j'ai kiffé. Ouais. Tu voyais quel... Non, je rêvais des plages et tout ça. Des je... paysages, la plage. T'as pas fait de rêve érotique, hein? Hein? T'as pas fait de rêve érotique? Non, on baisait et tout ça, hein, Cariole quand même. Ah bah ouais, l'été. Non, bah ça, cool, on y reviendra après, mais parle-nous de tes rêves. Non, c'est très intéressant ces rêves de paysages. Avec des plages. Non mais j'ai pas le souvenir. T'as pas rêvé à ton argent, on nous demande là. Non, l'été, c'est là où je me lâche le plus. Il dépense. Qu'il a dépensé 1000 euros cet été, bam. Non mais t'aurais pu rêver à ton argent. Une bête de ça. Bah sang. Non, je te dis, j'ai rêvé à des paysages moi. C'est bizarre comme rêve. Et tu faisais rien dans tes rêves. Tu non, regardais mais... les paysages. Bah je me souviens plus trop. Ouais, c'est dingue ça. Tu sais, je rêvais, voilà quoi. Tu sais, je me couchais bourré, je me les rêves, c'était chelou forcément. Ouais, forcément. Ouais. C'est pour ça, dans la version quand t'es bourré, en fait, il y a plus de personnages, avec des paysages. Des gens sans tête et tout. Ah, merci le supporter bourré des Girondins. Je sais pas pourquoi t'es bourré, mais c'est gentil. Bravo Saint-Étienne. J'espère qu'ils iront loin en Europa League. C'est merci ça. Pour ton beau message, sympa. Bon, Eddy, donc t'as rêvé à quoi alors? Tu rêves du foot, non? T'es fan de foot? Non, c'est pas ça. Non. C'est des rêves, des rêves qui te posent un problème. C'est ça? Non, c'est en fait, ça fait 5 jours en fait. Je rêve de la même personne et c'est une pote, tu vois. Ah, c'est une top. Et... Tu rêves à une meuf top? Ah, tu te réveilles pote, sur le. Pote. Ah, une pote, pardon, excuse-moi. C'est du full carité. Top, ouais. Mais tu rêves ouais. Comment? C'est trop bah, en fait, dormant, Marie, c'est tu sais. Ça, c'est différent en fait, mais ça fait 5 nuits d'affilée, quoi. Mais tu fais quoi avec elle dans le rêve? Il la baise, non? Tu bah, la niques? Non, attends. Au début, c'était normal, tu vois. Je la voyais dans la classe et tout, parce que c'était une pote de classe, tu vois. Et là, ça commence à devenir un peu érotique et tout. Ah, c'est bon, ça. Bah vas-y, dors cette nuit, rappelle-nous demain, tu nous racontes si tu la ken, gros. Tu seras tout. Ah ouais, mais tu l'as vu pendant les vacances que, je sais pas, c'est arrivé d'un coup, tu vois. Bah t'as dû voir un truc d'elle sur Facebook, ou tu sais, penser à elle. Non, même pas, j'ai eu aucune nouvelle d'elle cet été, tu vois. J'ai même pas pensé à elle. Mais elle t'excite? Ouais, au quotidien. Bah en fait, j'ai voulu sortir avec elle, mais il y a longtemps. C'est peut-être un signe, hein. T'as peut-être une chance. Ah, là. C'est ça, c'est un signe des dieux. C'est ça, ouais, des dieux. C'est ça. Le dieu du sommeil, le dieu du rêve, le marchand de sable. Non, mais après, il y en a qui croient au rêve prémonitoire, en fait. Ouais. Donc c'est peut-être un rêve prémonitoire, peut-être que tu vas pas tarder à mais chopée. Pourquoi on dit le marchand de sable, il va passer? Parce que tu te prends du sable dans la gueule, tu dors pas. C'est sur les paupières. Bah oui, sur les paupières. Mais pourquoi tu me demandes ça, Romano? Pourquoi il me demande le marchand de sable? Parce que c'est un stoufle. Ah non, mais ben, on parlait du sommeil. Le marchand de sable. Non, mais je sais pas, ça vient d'une légende, je sais pas quoi, non. C'est pas du sable qui endort. Bonjour les enfants, c'est Maryse. Est-ce que vous voulez que je vous raconte une légende? Non, mais je sais pas, je pose la question. Tous les soirs, je vais vous raconter une légende. Ouais. En même temps, tu poses des questions. Bah, écoute, je me renseigne. Ouais. Non, mais c'est pas con, mais ouais, je sais pas. Bon. Donc, tu rêves à une pote. Tu veux pas chercher Cédric, ça va t'occuper. Ouais, si tu veux, vas-y. Ok, wow. Oh là, alors, c'est pendant 2 heures, il va faire que ça. Tu cherches quoi alors? Bah, chercher les rêves. Voilà, c'est non, ça. Non, marchand de sable. Pourquoi on dit un marchand de sable? Ah, marchand de sable. Ouais. 3 kilos de sable, ce con. Oh là là. J'ai trouvé une benne à sable. Ah, j'ai trouvé du ciment. J'ai trouvé plage. Ah, je vais trouver. Ouais, et tu veux qu'on fasse quoi pour toi, Eddy? Tu veux pas qu'on l'appelle et qu'on lui demande. Non, quand même pas. Non, parce que et comme ça, on résout le problème. J'ai des avis pour voir s'il y a des gens, ils ont déjà eu ça, mais parce que rêver de la même. Enfin, pas de la même chose, mais de la même personne 5 jours d'affilée, c'est. Est-ce que, avant de dormir, ouais. tu penses à elle? Non, même pas. Ah, parce que si avant de dormir, tu penses à un truc, parfois dans ton rêve, t'as le même truc. Non, mais c'est vrai que des fois, ça peut jouer au même, tu vois un truc à la télé. Et le rêve, il est orienté par rapport à ce que t'as vu à la télé avant. Quoi. Par exemple, si tu te branles tous les soirs, juste avant de dormir, en pensant à elle. Non, mais j'étais en un moment, on s'endort, il dit. Oui. Mais si tu te réveilles tout mouillé, tu voulais dire. Non. Donc, mais si non, tu t'endors en pensant. Je me réveille et je pense à elle, parce que normal, je viens juste de rêver de ça. Et oui, comme tu non, mais après le rêve, ouais, ça c'est normal. Mais bon, c'est vrai, quand vous endormez, par exemple, essaye, fais un test, Romano. C'est vrai, j'ai trouvé. Ouais. Ah, non, c'est chier. Alors. Le marchand de sable. Dit, pas le marchand de sable, bah, il vend du sable. Non, non, non. C'est un personnage fabuleux qui laisse tomber du sable dans les. En fait, il te balance du sable dans la gueule. Est-ce que vous voulez que je vous raconte une fable? Ouais. Une fable de La Fontaine. Non, on s'en fout. Ah, merci Cédric. En fait, c'est le mec qui te jetait du sable dans la gueule et ça te faisait dormir. Ça vient du dans dieu Chronos, le dieu du sommeil, nous dit Dylan. Eh ben. Ah, ça c'est quand même plus intelligent que ce ah, tu trouves. Hein. Donc, non mais essaye, Chronos, ce soir, tu penses très fort à Cédric avant de dormir. Dernière pensée, tu l'as ouais, non, non, vas-y, il va m'arriver une galère pendant la nuit, je vais me chier dessus. Une galère. Je vais me chier dessus, il a dit. Ou je vais vomir dans le pieu. Ça va. Non, mais tu fais le test et je suis sûr que tu vas arriver à un truc. Non, mais ouais, non, mais ça marche, ça. Donc, si tu t'es branlé, tu peux nous le dire, on se dit tout, hein. Non, même pas. Juste avant de dormir, en pensant à elle. Non, mais peut-être que c'est juste avant. Mais tu discutes encore avec cette meuf, t'as plus aucun contact avec. Mais si, c'est une pote, c'est une bonne pote, quoi. Ah, mais pour un peu, deux heures avant de dormir, t'as discuté avec elle et la nuit, non, tu rêves d'elle. Ah, ouais. Mais je parlais. Bah, je suis sûr que c'était branlé. Avant de dormir, je pensais peut-être à une de ses potes, mais voilà, quand je pensais pas à elle. Je suis sûr que c'est branlé en pensant à elle. Ouais, obligé avant de dormir. C'est réveillé tout mouillé. Bah, si tu voulais la choper à un moment, tu t'es forcément branlé en pensant à elle. Tiens, voilà ce que je vous disais. Le vent à Cédric le Belge, c'est un pseudo, hein. Ah. Qui nous dit. Merci, le vent à Cédric, pour ton message. Ah ouais, magnifique. Non, qui nous dit, quand je mate des films de cul, moi je fais des rêves. Qu'est-ce que c'est ce bruit? C'est moi, j'appelle quelqu'un. Quand je mate des films de cul, moi je fais des rêves érotiques. C'est ce que je disais, tu penses à un truc avant de dormir, faites le test. Pensez à un des membres de l'équipe et dites-nous s'il est dans votre rêve demain, vous nous faites un petit bilan vas-y, de vos rêves de la moi, nuit. Vas-y, pense à moi, Romano, ce soir. Certains, voilà. C'est des cochons. Romano, ouais, donc, je vais même me branler, je pense. Quoi, je vais t'appeler avant que t'ailles dormir, tiens. Ah non, fous-moi la paix. De toute façon, je m'en fous, je répondrai pas. Mais je viendrai frapper à ta porte. Ah non, c'est pas possible ça non plus. Oh, le relou. Ah ouais, putain. Non, mais tu penses à lui, tu fais le test de. On pense tous à quelqu'un et on voit si ça marche. Mais pourquoi je suis obligé de prendre Cédric, moi? Parce que c'est sympa, j'ai choisi. Ouais, ouais. Au hasard, mais complètement. Ouais, hasard. Bah bien sûr. Vraiment pif, ouais. Non, et sinon, par exemple, elle viendrait te voir, cette meuf, et dit dans la vraie vie, hein, pas dans tes rêves. Elle viendrait te voir et elle te dirait allez, je te trouve mignon. Allez, prends-moi. Vas-y, prends-moi. Tout de suite, le classe. C'est les classes. Ça dépend du. Mais est-ce que tu sortirais avec elle? Tu vois, elle m'a mis un vent à l'époque, mais voilà quoi. Ah, ouais. Mais est-ce que tu sortirais avec elle dans l'absolu? Bah ouais. Bon, oui. Franchement, ça dépend. Ça dépend si elle est. Si je sens qu'elle est. C'est vraiment vrai, tout ça, voilà quoi. Oui, si tu sens c'est qu'elle pas va pas te mettre un râteau derrière. Non, mais admettons que tu as la possibilité de sortir avec elle, tu sors avec elle. Ouais, franchement, ouais. Bon. Ouais, alors fais gaffe parce qu'il y a un message de l'Alsacien. J'ai rêvé aussi d'une meuf avec qui je voulais sortir. J'ai cru que j'allais sortir avec elle. Je lui ai demandé, je me suis pris un râteau. Et bim, cadeau. Ça, ah ouais. C'était vraiment dans les rêves, là. Bah ouais, c'est la réalité. Hein. Ouais, là, ça serait le deuxième. Non, mais c'est parce qu'elle doit, tu dois la kiffer quelque part dans ta tête. Tu sais, on a des cases dans la tête. Il y en a d'ailleurs, il en manque des cases. Oh ouais, il m'en manque. Ah, c'est vrai, ça va, tu vois bien. Qu'est-ce qu'il manque comme case? Il manque quoi comme case? Voilà. La case propreté. Non, ça, c'est plutôt un mot. La case hygiène, ouais. Tu peux y aller. Hein. Donc, non, mais il y a des cases dans la tête et puis ça se réveille quand on dort. Je sais pas, les rêves, il paraît que c'est fait pour nettoyer le cerveau. Il y a des cerveaux qui doivent être dans un. Ah, putain. Dans un cerveau, c'est clair. Rempli, parce que là, c'est tous les soirs. Non, mais plus tu vas y penser, plus tu vas te dire, mais pourquoi j'ai rêvé à elle, plus tu vas continuer à rêver. Bah, tu vois, par exemple, ce soir, t'en as parlé, tu vas encore rêver cette nuit. Sûr. Ah merde. Ah bah ouais, sûr. La nuit, ton cerveau réfléchit plus que quand tu es réveillé. Donc, avant de dormir, ça peut jouer, quand on pense à un truc, ça peut jouer sur le rêve, il nous dit. Ça, c'est bien dit encore. Vous êtes intelligents, les auditeurs de Skyrock. C'est bien, je vais penser à une super meuf, et comme ça, je vais la baiser pendant la nuit. Bah voilà. Ah ben ça, voilà. C'est bien, ça c'est va Kader. Plaisir. Merci Kader, 20 ans, qui nous laisse le message. Eh ben, c'est bien noté, Kader. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi, Eddie? Au final. Juste des avis, franchement. Si on pourrait récolter quelques avis, ça serait. Moi, je dis attaque avec la meuf. Si... Hein. C'est peut-être un signe que tu la kiffes. Et... Pas besoin, quoi. Donc, est-ce qu'il faut y aller ou est-ce qu'il faut pas y aller? Bah, si, tu envoies un. Non, mais si c'est ta pote, tu lui envoies un message, tu lui racontes. Tu dis, ah, c'est marrant, j'ai rêvé de toi et tout. Ouais, ah, je te baisais salement. Ouais, je te baisais. Qu'est-ce que je te mettais? Sans faire le gros porc. Dans la chatte et dans le cul, ouais, c'est pas con, ça. Bah oui. Ouais, c'est une amorce. Ça je peux lui dire. Non, mais moi je ferais ça aussi puisque bon, elle t'intéresse un petit peu, tu rêves à elle toutes les nuits, c'est peut-être un signe. Elle est bien ton idée d'Ifou. Le destin, je trouve. Je trouve qu'elle est super aussi. Ouais, elle est grave ton idée. Mais sans en étant modeste hein, sans vouloir me vanter ni rien. Elle est vachement bien. Non, mais c'est vrai. Marie, tu ferais quoi toi? Non, mais c'est l'idée de Samy est pas mal, mais il faut pas lui dire d'Ifou, tu veux dire. Ouais, de d'Ifou pardon. Mais il faut pas lui dire exactement de quoi t'as rêvé hein, si tu l'as baisé. Oui, non, vas-y, elle va porter plainte sinon. C'est quoi le truc le pire que tu lui as fait dans tes rêves sexe? Bah, Il n'y a rien eu de choquant, quoi. Je vous ai dit, ça commence à être choquant. J'aurais fait quoi, un striptease? En fait, c'est par épisode. Des câlins. Et ouais, tu bandais au réveil? Non. Non, il y avait une tache dans le lit. Tu peux. Ouais, ah, t'avais fini. Ah, elle avait ramolli alors. Ah, ouais, après la tache, ça ramollit. Ah, ouais. Non, mais demande-lui, oui. Ça veut peut-être dire que ça va marcher. Moi, j'ai eu la même chose avec mon ex. Non, mais d'ailleurs, il y avait Noël qui avait l'air de s'y connaître. C'est l'inconnu qui a envoyé ça. Elle disait que c'était que cette personne allait revenir dans ta vie. Mais bon, revenir dans la vie, c'est pas pour autant sortir avec, hein. Non. Bon, après, vous allez vous revoir plus fréquemment. Ouais, c'est clair. Bah, vu qu'elle était en vacances, là, on se parlait pas. Voilà. Les rêves, c'est ça, elle revient dans ta vie. Voilà. Mais dans la vie de tous les jours, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est rien de plus. Eh bien, c'est déjà une bonne nouvelle, je trouve. C'est bien, elle est de retour. Voilà. Je le savais, tu vois. Bon, bah écoute, Eddie, reste à l'écoute si on a d'autres trucs sur les rêves. Si vous avez fait des rêves chelous, si vous pouvez nous dire, hein, si vous avez rêvé de quelqu'un, que vous avez fait des trucs bizarres dans vos rêves. Je sais pas, par exemple, vous êtes retrouvé avec une meuf, mais alors vraiment la dernière meuf avec laquelle vous sortiriez. Sortiriez. Romano, toi qui parles si bien, comment. Sortiriez. La dernière meuf avec laquelle vous sortiriez. Oh putain, galère. Tiens, Romano, tu peux pas faire le test avec la gothique, puis tu veux pas faire Cédric. Ah, pense beaucoup. Avant de dormir, tu penses à la gothique nue qui danse devant toi. Et puis elle est devenue hipster, elle se laisse pousser les poils de la chatte très long. Ah ouais, cool. Et en dessous des bras aussi. Non, mais forcément, vu comme on en parle régulièrement, ça t'est déjà arrivé. T'as déjà dû rêver d'elle, non? Tu bouges vite et tu rêves d'elle. Non, mais l'année, je rêve pas trop. Je rêve que l'été, moi. Non, parce que l'année, vu qu'on nous, on dort deux fois, Cédric dit fou les mois, donc j'ai. On dort pas ensemble, attention. Non, on a refusé. Non, pas ensemble, non. En tout cas, moi, j'ai refusé. Cédric, tu veux dormir avec Diffoul? Non, merci. Ça va aller, tranquille. Oh, ouais, si, laisse-moi. Non, ça va aller, mais je suis sûr qu'il dirait oui, en plus. Non, ah, tu préfères dormir avec Romano? Il y a moins de place. Ah, non, mais t'es malato, quoi. Mais il y a moins de place que moi dans le lit. Ah, non. Non, mais moi, il dort pas chez moi. Qui, Cédric? Ah, non, moi, j'ai déjà cariolé le chien. T'es sérieux, toi, quoi? J'ai déjà un chien. Cariolé. L'après-midi, gros, je vais squatter chez Watt, tu vas voir. Bon, alors imaginez, dites-nous si vous avez déjà fait des rêves un petit peu comme ça. Je sais pas, vous rêvez à des profs qui sont, je sais pas, la prof la plus moche et vous la voyez dans votre lit en train de vous draguer ou en train de vous sauter dessus. Vous pouvez nous raconter tout ça, on vous attend. Attention, méfiez-vous, il y a des rêves qui sont prémonitoires. On peut rêver d'un truc et y penser. Non, mais ça arrive, hein. Et y passer dans la journée. Ah, tu veux dire, tu rêves à un truc et dans la journée ça t'arrive. J'écoute. Ouais, mais ça c'est des coïncidences. C'est un bordel avec le cerveau et les yeux. Timou sur l'appli Skyrock qui nous envoyait le message. Un problème avec les yeux. Non, le cerveau et les yeux. Non, ça c'est l'impression de déjà vu, tu veux dire. Je comprends pas ce que vous dites, mais ça doit être très intéressant. C'est un bordel de cerveau. C'est un bordel de cerveau et Dieu. Je crois que c'est ça en plus. Non, mais sérieux, hein. Des rêves prémonitoires. Ouais, il y a un bordel avec ça, ouais. On nous avait dit Dieu. Il y avait, non, mais Dieu, pas Dieu. Il y a les yeux. Pas Dieu à la Wakba. Mais les deux yeux. Les deux yeux. J'ai déjà vu. Parce que les rêves, c'est pas pareil. T'as fermé déjà. Ouais, laisse-moi, je suis un pro. Bon, Luc, tu restes avec nous, Eddie. Ne raccroche pas. A tout de suite, Eddie. Et vos messages 41-759 sur la piste Skyrock. Vous nous laissez tout ça. Donc, on va filer dans les rêves parce que c'est marrant, les rêves. Et sinon, ouais, viens, méthode inverse. C'est vrai qu'elle est pas conne. C'est qui? Mademoiselle dessinatrice. Salut, mademoiselle dessinatrice. Qui dit. Essaye de t'endormir en pensant à quelqu'un d'autre. Comme ça, ouais, peut-être. Je pense à Romano. Bah voilà, comme voilà. Ça, Romano sera dans tes rêves. Tu commenceras à le caresser, vous aurez des jeux érotiques et demain, tu nous appelleras paniqué. Au secours, Skyrock. Non, mais vas-y, ouais, rêve à moi, tu me diras ce qu'on fait tous les deux. Rêve de ton crâne. Voilà, rêve de tout mon corps. Allez, on est fou. Avec ta peau d'éléphant. Ah ouais, tout. Je te la montrerai, on tirera dessus tous les deux. Chut, allez. Voilà. Oh, moi aussi, je voudrais bien tirer dessus. Bon, tiens, il y a Lucas qui est avec nous à Toulouse. Faut qu'on lui annonce une bonne nouvelle à Lucas. Allô, Lucas. Allô. Salut, Lucas, 17 ans toulousain. Salut, Lucas. Salut. Et je t'annonce tu as gagné le maillot de foot que j'ai mis en jeu pour la question sur Messi il y a 20 minutes. Maître Gims fait ça. Ah, mais attendez, excusez-moi, c'est parti un peu. Maître Gims fait sa rentrée. Je voulais quand même vous l'annoncer parce que c'est important et c'est sur Skyrock en plus. Donc, quand même, quand on a des trucs comme ça en exclu, faut quand même vous l'annoncer. Après cette publicité clandestine. Donc voilà, t'as gagné le maillot de foot, Lucas. Ah, merci, c'est cool. Voilà, Messi qui s'est énervé parce qu'il est jaloux de Higuain. En gros, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, il aime pas donc il est nul dans les grands matchs, là, dans les trois finales qu'ils ont fait. Oui. Ah, il a loupé beaucoup d'occasions et ça a cassé les couilles à Messi parce qu'ils ont à chaque fois perdu. Donc quand il a pris, parce que cet été Messi a annoncé qu'il arrêtait le feu avec l'équipe d'Argentine. Mmh. Il y a eu un nouveau sélectionneur, il est parti voir Messi, il lui a dit de revenir, demander de revenir. Apparemment Messi aurait dit ouais je reviens, mais si tu prends pas Higuain. Voilà, donc c'est la guerre. la guerre des Argentins, Messi, Higuain, qui sera le meilleur? On va voir ça avec cette nouvelle saison. Et Higuain qui a fait un truc de fou, il est rentré et il a premier ballon qu'il a tout, il est rentré pour le premier match de la Serie A italienne. C'est ça, ouais. Il rentre sur le terrain, premier ballon qu'il touche, pam, but. Il est fort. Ouais, il est bon joueur. Ah, peut-être ouais. Du cul aussi, non? Ah c'est ouais mais c'est pas mal, tu vois, tu démarres dans ta nouvelle équipe. Non mais c'est vrai que c'est bien pour lui, c'est bien. C'est comme tu vois si lundi par exemple Romano tu tirais parmi tous les numéros des 1 500 euros un numéro au hasard et que c'était le tien. Ah ça serait quand même je kifferais ouais. Ça serait quand même démarrer l'année en plus. Ah ouais, c'est clair. Je ferais tirer Romano pour les numéros de lundi. Donc si on vous appelle pas lundi matin pour les 1500 euros, c'est lui que vous insulterez ou c'est voilà. Ouais non mais que dalle, mais attends. Bah si je pourrais pas tirer tout le monde. Bon bah en tout cas bravo maillot de foot pour toi. Et pour les 1500 euros, vous inscrivez sur le 7-20-20, vous envoyez 1500 et lundi matin, on vous appelle, on vous demande quelle est votre radio préférée, c'est 1500 Skyrock. Euros. Et toi, c'est un maillot, tu veux quel maillot, Lucas? Moi, le maillot de l'Italie. Le maillot de l'Italie, il est joli, ouais. Le maillot d'Italie. Et bien, on t'envoie le maillot de l'Italie à Toulouse. C'est parti, Lucas, on te prend quelle taille? Je sais pas, L, un truc comme ça. L, ah ouais, t'es déjà à Mastoc à 17 ans, toi. Ouais. Très bien, on t'envoie un L. Bah ouais. Tu fais toujours du S, toi. S ou M, ça dépend. S ou 14 ans, il fait. Ouais, c'est ça, ouais. Salut, Lucas, ciao. Du full. Oui. Je peux faire les dédicaces? Allez, vas-y, puis nous on vous prépare Soprano, tiens. Ah, mais c'est tu, merci. Bah, dédicace à Flo, le Pac-Pac et à Swan. Eh ben, t'embrasses tout le monde. Et raccroche pas, on t'envoie ton maillot. Et c'est parti. D'accord. Voici merci, donc équipe. Soprano. Soprano. Ouais, qu'on écoute avec En Feu sur Sky. Planet Rap. Ladies and gentlemen. Ce soir, l'émission rap numéro 1. Planet Rap. Reçoit Maître Gims. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Quelques semaines avant le début de sa tournée dans toute la France avec Skyrock. Viens retrouver Maître Gims. Maître Gims. Dans un Planet Rap exceptionnel autour du numéro 1 français. Planet Rap. Planet Rap. Pas de glaçons. Trap Maître Gims, 20h-21h, en direct sur Skyrock. Skyrock. À suivre sur les réseaux sociaux de Skyrock et en vidéo live sur Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Tu veux rencontrer le mec de tes rêves? C'est facile, tu peux te mettre au sport, changer de style vestimentaire, sortir tous les soirs en boîte et faire des séances de bronzage. Ou tu peux tout simplement télécharger Smax, rester toi-même et rencontrer des mecs cool près de chez toi. Smax, S-M-A-X. C'est Jaja et Gina. Ouais, c'est Jaja et Ginaz. Le duo du moment présente, on se promet, leur premier album dans les bacs. Jaja, on se promet, Jaja et Ginaz dans les bacs. Caro est sur le point de sortir pour aller chez McDo. Il ne lui reste qu'à mettre ses chaussures. Ah, les bleus, c'est bien. Quoique les rouges, ça fait longtemps qu'elle les a pas mises, hein. Non, mais les bleus. Les bleus, c'est parfait. Ça va avec son jean. Ou alors les noirs? Ou bien carrément, on change de jean? Bref. Caro se prépare à sortir pour aller chez McDo, mais elle n'est pas encore rendue vu que pour l'instant, elle s'habille. En même temps, c'est pas grave d'arriver tard. Cet été, la plupart des restaurants McDonald's restent ouverts jusqu'à minuit ou plus. Trouvez le vôtre sur mcdonalds.fr. Full Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Et Soprano! Découverte Skyrock. Comme Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tout me sourit, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis le prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme au Marcy. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait une passe et boum dans la nuque. Sors de la piste, fais une grande écart de Vanda. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer, regardez. Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de 2 heures de sport, amène-moi des tirineurs. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer, regardez d'un hublot. Si tu me croises, suis en feu. En feu sur Skyrock, c'était le son de Soprano. Ils sont de retour en direct, D-Fool. C'est un bronzage classe un peu, objet. Classieux. C'est exact. La classe, le bronzage des vacances. Je suis sur les UV aujourd'hui. Romano. T'as vu, on dirait un dalmatien au-dessus. Oui, c'est il ça. Est taché, c'est dalmatien. J'ai une maladie, c'est les cheveux. Oh, ouais. Cédric. T'as mis un t-shirt Croix-Rouge, c'est pourquoi. C'est drapeau de l'Angleterre, tu connais. Ah, ouais, d'accord. Celui-là, je l'ai acheté en vacances. C'est mortel pour les yeux. Tu l'as payé en plus. Bah ouais. Ah ouais, t'es con. Marie. Moi, je brille. T'es brille tellement, t'es bronzé, c'est impressionnant. Oui, tu es luisante. Samy. Moi, j'ai un bronzage régulier quand même. Oui, bah t'es blanc. Ouais. Et Karim. Karim est là aussi, les mains dans les poches, ouais, tranquille, là, en plein travail, comme d'habitude. Ça va, Alhamdoulilah, tranquille. Come on. 21h minuit, la radio libre de D-Fool, seulement sur Skyrock. Et on est en direct et on est avec vous jusqu'à minuit, radio libre. Et oui, radio libre de l'été, d'ailleurs, dernier problème du mois de l'été. Ah bah là, c'est dernier, c'est l'été. Ah, tu sens ta main finie. Alors attends, j'ai un problème, écoute. Sans Samy, j'ai touché Cédric. C'est pas une connerie, gros. Ça sent du tout, tu m'as même pas approché. Ça pue. Ah, mais ça sent le fromage pourri, gros. Et ben voilà, Romano, sans. Sans déconner, sans. Ouais, mais moi, je vais pas sentir grand chose, je vais boucher, mais. Ah, bah écoute, t'as bien de la chance. C'est dégueu. Ah, si, je te jure, ça sent la croûte du fromage qu'a pourri, quoi. Mais t'as ouf, ton coup, il m'a pas approché. Quel que tu fais. Mais t'as touché, mais t'as mis la main dans un camembert. J'en sais rien, j'ai dit. T'es un fou, la journée, t'as des yeux. J'ai l'impression d'avoir sur le nez. C'est vrai que je suis toqué en plus. Mais ça vient d'où, ça? J'ai touché Cédric. Non, sur la lumière qui m'a pas touché. Ah, non, c'est bon. T'as mis toi, tu m'as même pas touché. Mais t'as un fou, toi, quoi. Ah, il m'a touché. Bah ouais, en plus, Marie, je me suis essuyé le doigt sur. Ah, ouais, ça, c'est Marine. Putain, sur mon nez, quoi. Ah, génial. Elle peut pas se laver la main, elle a pas son produit. Ah, ouais, t'as pas ton produit dans ton sac. Hein? Le produit pour se laver les mains. Excusez-moi, je suis toqué. Marie, t'as pas une lingette. Ah, j'ai du produit pour se laver les mains. Attends, j'ai un bout de PQ qui traîne. Ouais, très bien. Non, non, mais. Lingette intime. Après, vous foutez. Ah, merde, elle est utilisée. Vous vous foutez de ma gueule parce que je suis toqué, mais c'est vrai que les mains, ça touche tout. Ah, ouais, ça. Et parfois, ça touche des trucs. Bah, chiotte, toi, laver les mains. Ah, c'est ouais, mais bon, je suis en train de parler. Le micro. Oh mais D-Fool, t'es marrant, des fois tu touches les couilles parce qu'il a les couilles serrées, mais ça sentira pas après odeur, il vient nous serrer la main, tu sais, il serre la main. Ils sont gens. Propres mes normal, couilles. Quoi. Mais qu'est-ce que j'en sais moi qu'elles sont propres tes couilles. Bah, moi je pourrais pas te lécher les doigts. Non. Tiens, non. Vas-y, s'il te plaît. Ah bah non, Marie, bien joué. Ah bah non, pas de lingette. Très bien, bon, merci. Ah, il y a la chatte sale, elle se lingette pas. Ah, ouais, non, c'est mais clair. C'est du gel pour les mains. Bon, vas-y, Romano, je vais me laver les mains, je peux pas faire. Ah, vas-y, bah tu vas te laver les mains, moi je fais quoi? Je vais faire mon problème du mois. Tiens, tu veux mettre. Lave-toi à l'eau, fais pas chier, bah ouais, quoi. Mais non, mais tu mets du savon. Non, mais tu nous casses les couilles avec ta main de merde. Ah, je suis d'accord avec Samy. C'est dégueulasse, t'as vu l'odeur. Non, mais t'as vu l'odeur. Le mec, c'est bon, il peut bien se retenir. En plus, il a la main qui pue depuis le début de l'émission. Ben si, ben là t'as mis tes mains nulle part. Ou alors on t'a touché Cédric. Mais Cédric, tu pues d'où comme ça? Mais je suis sûr qu'il m'a pas touché. Non mais quoi. Si, on l'a touché. Mais c'est pas possible. Mais bien sûr que si. Frotté, mais parano, il a mis la main sous ton aisselle ou c'est ta peau, toute ta peau qui est sur ta main? J'ai trouvé, mais trop tard. Ah ben du coup c'est trop tard. Super Marie, merci. Merci bien. Bon alors Cédric vient de nous confirmer que c'était pas une partie spéciale de son corps, c'est tout son corps qui pue ça. Ah ouais, j'ai pas touché le cul, ouais ça. Non mais des fois la main sous l'aisselle, tu vois. Non mais vous comprenez quand même, quand vous, non? Ah bah oui, à ce niveau-là, là, ça pue. Ah, non mais, ouais, mais ça fait 2 heures que t'as la main qui pue. Bah je sais pas, je l'ai senti là. Cédric Ouais. Mais je sens rien du tout, gros. Mais prendre une douche, comme tu disais hier, 2 douches par jour, à mon avis, c'est pas. Non, aujourd'hui une. C'est pas canicule, c'est faut rajouter une. Ouais. Non, aujourd'hui une seule. Ouais, demain 0. Non, demain une. Allez, bah, demain 0. Ouais. Non, bon, en tout cas, je salue tous ceux qui sont un petit peu. Et toutes celles d'ailleurs. Qui sont un petit peu toqués de la propreté, mais bon, on vous inquiétez pas, c'est pas mon cas. C'est pas, c'est pas le cas de tout le monde, mais ça, bon. Voilà, cool. Propreté, on rend à foutre. Et pour ton rhume, demain, je te soigne avec un nouveau truc, je te dirai demain. Voilà. Bon courage, voilà. Romano. Non, mais attends, découvrir. J'ai de la drogue. Ouais, alors c'est un truc super qui se sniffe. Non, rien à voir. Bon, allez, si vous êtes enrhumé, demain, Marie, vous trouve la solution parce qu'elle est super. Allez, du son à écouter avant minuit, le problème du mois qui arrive, qui est parmi les sons qu'on va se passer. Il y a celui-ci, parce que toute l'équipe l'a demandé. Pitbull avec Florida. Et ça, c'est un morceau qui déchire. Whoa, whoa. C'est bien, c'est cool, ça a la pêche. C'est Green Lights. Ça, c'est Florida. Ah, c'est Pitbull. Là, c'est Pitbull. Moi, ouais, t'avais une chance sur deux, dommage. Et Pitbull, on va les retrouver tous les deux là. Green Light, Bali, Garico, et puis Jules. Jules avec Emotion. Avant minuit, des places pour aller voir Maître Gims en tournée avec Skyrock, évidemment. Je suis parano. Le one autour de Maître Gims est à gagner. Votre mano. Ça sera pour demain soir pour le clash, le dernier clash de la radio libre de l'été. Mais oui, Cédric. Tiens, mais Cédric, c'est un animal, quoi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, mais là, il y a Romain des réseaux sociaux qui est en train de filmer. Sur quoi? Pourquoi tu filmes? Facebook. Bah, il faudrait nous le dire pour qu'on l'annonce, tu vois, sur qui monde. Voilà, parce qu'après, ils vont être 1500. Alors, et Cédric il regardait la caméra, mais tu sais, comme un singe. Comme un singe. Non, mais c'est vrai, tu sais, comme un singe à qui tu montes un truc au zoo, tu vois. N'importe quoi. Et il était là. Il avait la bouche. Mais non, mais je regarde Romain, il a un polo des années 70. T'es mal à la marque LS. Je sais même pas que ça existe en France. Ouais. C'est bien LS. C'est vieux, gros. C'est bah, des tennisman de l'air. Non, mais il est bien, son super. Il est bien en plus. Bon, allez, problème du mois, tu veux y aller tout de suite. Des hauts, toi aussi, toi. Et on reparlera des rêves aussi. Tu veux aller, gros. Rêve érotique de. Ah oui, de Eddie, là. Enfin, début de rêve érotique. Il rêve tout le temps à la même meuf. Il voudrait savoir est-ce que ça veut dire quelque chose, que c'est normal. Et on vous a demandé si vous aussi, vous avez rêvé déjà à des gens. Alors, des rêves sur les profs, j'en ai eu. On en reparle tout de suite, mais d'abord, problème du mois, le dernier de la Radio Libre Summer Edition. Mal aux dents. Oui, alors c'est ça le problème du mois. Le premier problème du mois, Romano a mal aux dents. Ah, c'est bien. Non, mais tu sais que je ne dis rien, mais j'ai commencé à avoir mal aux dents. C'est bien, souffre en silence, Romano, continue. Ouais, bah attends. Qu'est-ce qu'il y a, Marie? Non, j'allais dire, il y a quelqu'un qui demandait tout à l'heure de faire le sommaire un peu plus tard, pardon, voilà. Parce qu'il allait chier. Donc ah oui, je ne sais pas s'il a fini le truc. Mais là, amène la radio aux chiottes. La radio, ça s'amène partout. Amène ton téléphone. C'est ce que je pensais. Télécharge l'appli. La radio, ça te suit partout. Voici donc le problème du mois de ce jeudi soir. Eh bien, je vous le présente tout de suite. Et voici donc les 5 sélectionnés de la semaine. C'est Jean de Cahors. Alors, le premier s'appelle Jean de Cahors. Voilà Jean de Cahors. Voilà Jean de Cahors. 55 ans. 55 ans. Et Jean a fait découvrir les sextoys à sa femme. Et Jean a fait découvrir les sextoys à sa femme. Il y a à peu près un an. Oui. Et depuis, elle est devenue complètement accro. Au sextoy. Ah bah là, c'est-à-dire qu'elle s'en colle, mais à longueur de journée. Elle a quel âge? Elle a quel âge, l'autre? Bah elle a 55 ans aussi. Ça, très bien. 55 ans. Au début, elle était réticente. Ouais. Et Jean a réussi à l'initier au sextoy et l'autre elle est devenue complètement accro à ça. C'est-à-dire que maintenant des fois il veut lui mettre des doigts, elle fait non, je préfère me goder. Et ben voilà, il a fait faire une belle découverte lui et sa femme. Et donc lui ça commence à le gêner parce qu'elle se gode également par exemple en faisant la cuisine. Voilà, c'est sympa. c'est génial. Mais d'ailleurs on a des voisins à côté de chez nous, ils sont peut-être comme ça. Ils se godent peut-être en faisant la cuisine. La voisine d'à côté, peut-être que vous croisez tous les jours. Bah si t'invites à bouffer. La vieille dame, 55 ans. Bah peut-être que le soir elle se retrouve avec un. Bah attends, tu sais, ouais, il y a des gens ils se godent, on dirait pas. Hein. Bah ouais. Ouais, bah on veut pas le savoir même, certains, tu vois. C'est un peu dégueu. Non, mais Marie, de toute façon, toi tes voisins ils te connaissent, tout le monde t'a entendu baiser dans qui veut. Non, mais non. Bah si, c'est ce que. Attends, ça c'est pas moi qui l'ai dit, je l'avance. C'est toi qui l'as. Ouais, tu m'étonnes, ils sont tous marrés, ils ont pas. Elle est toute seule dans son immeuble. D'ailleurs, je les salue, vos voisins. Donc. Non, mais Marie, tout le monde te connaît dans l'immeuble, quand tu te fais déglinguer, tu. Pas dans tout l'immeuble, t'es malade, je suis tout en haut donc. Combien d'étages? 3-4 étages au moins. Non, mais je pense pas quand même, n'abuse pas. Non, mais en fait, ah, facile. J'ai plusieurs personnes dans mon couloir. Non, mais déjà, tu t'es fait baiser la fenêtre ouverte. Bah oui. Oui, bah oui. Ouais, donc toute la rue oui, en là, attends. D'ailleurs, il n'y a pas que mon immeuble, il y a l'immeuble d'en face également. Un classique. Qui, eux, avaient l'image en plus. Bon, Jean, sa femme, se gode, problème du mois numéro 1. Bon, elle se gode, attire l'arigot, lui, il en peut plus. Il en peut plus. Il en peut plus. Toi non plus. Attire l'arigot. Ok. Oh, 20 ans, elle. Nawel, elle a 20 ans. Putain, le truc, c'est qu'il y en a 5. Elle est de Reims. Elle a créé un Doctissimo. Oui. Alors, elle a... Je dis, il y en a 5. C'est ce qui va arriver. Non, au mais bout. Attends, je suis sous médicament, moi. Ah, bah, ça s'entend. Non, mais. Donne un bois à des médicaments. Non, mais je les ai pas là. Mais je commence à avoir extrêmement mal aux dents. C'est ce qui me cause. Non, mais ça gonfle. Mais je vois que t'as la bouche gonflée. T'es comme ça. T'en dirais pas payé. Lundi, ça va être pire. Comment se fout de ta gueule. Non, mais lundi, non, tu sais que ça peut avoir triplé de volume et je ne pourrais pas être là. Ah, ouais. Non, mais surtout. Elle a dit full, ça le fait tout de suite. Bah ouais, c'est ouais. Non, mais surtout, si tu triples de volume, faut que tu viennes. Non, mais je pourrais pas. Attends, tu t'en. Non, mais le matin, je suis levé là. Il y a 3-4 jours. Ouais, maintenant, ça fait une semaine. Quand je me suis levé il y a une semaine, le matin, j'avais une boule, mais laisse tomber. C'était. C'était même Carriole, elle a flippé. Elle me fait, il y a un problème, sérieux là. Écoute, vivement lundi. Vivement la rentrée, tu non, vois. Non, mais là, je prends à fond des antignotiques. Ça s'entend de toi. Je te conseille de continuer à les prendre. Vas-y, continue. Donc, c'est Nawel, 20 ans, de Reims. Elle a écrit à Doctissimo. Oui. Bon, et là, en fait... Attends, c'est lequel, celui-là? Attends, c'est le 2. Moi, j'en suis au 2, là, pour l'instant. Oui. Ah non, alors non, attends, et je me suis Kenzie, trompé. Pour Kenzie, elle est dans pourri. C'est Jessica. Non, Jessica, elle a 28 ans. Et Nawel, on en fait quoi? Elle viendra peut-être même plus, d'ailleurs. Il y a des... Ah bon, elle disparaît, Nawel. C'est possible, je vais voir. Bon. Là, c'est Jessica, 28 ans, de Sanon-la-Bretèche. Sur le forum porno-dépendance. Porno-dépendance. Et donc, elle est en couple avec son mec. Et leur grand truc, c'est de se prendre des photos en gros plan de leur. Elle, de sa chatte et lui de sa bite. Alors, elle, par contre, elle prend des photos, elle s'écarte la chatte. Elle essaye de faire des figures et ils prennent des photos qu'ils postent sur Internet. Ah, ils les mettent sur Internet. Ouais, et ça les excite terriblement. Ils ont peur que ça se découvre. Mais ils mettent juste la photo de leurs organes ou alors aussi leur photo de leur tête? Non, il n'y a pas la tête, non. Mais genre la meuf, tu vois, elle est en levrette, elle essaye de faire des cartes, elle s'écarte la chatte, elle essaye de faire des figures avec ses doigts, tout ça, bon. C'est une artiste. C'est une grande artiste. Et le mec, bon, pareil, lui, il se prend en photo avec sa bite et ils ont peur. Il fait des angles droits. il se l'attend. Des ombres chinoises. Il fait des nœuds avec. Tu sais, comme les mecs dans les supermarchés ou dans les forts, tu sais, avec les ballons, ils font des espèces de sculptures. Ah ouais, il fait pareil avec sa bite, il fait un chien. Il y a des mecs qui font aussi, tu sais, les hamburgers et tout ça avec leur bite. Oui, aussi, ouais. Non, mais c'est vrai, il y a eu un spectacle à Carton Mondial. Ah oui, c'est vrai, en plus, il y avait eu un spectacle. Le mec faisait la Tour Eiffel avec sa teub, les gens payaient pour aller voir ça. Ouais, super. Bravo. Ah, quel artiste. Donc Jessica et son mec, c'est un peu des artistes et ils ont peur d'être surpris. Ils ont peur d'avoir des problèmes. Ils ne savent plus trop où ils en sont, est-ce qu'ils doivent arrêter ou continuer. Ils ont peur que ça sache. Si, c'est possible que ça sache. Mais bon, c'est le problème du mois de Jessica. Problème du mois numéro 2. Le 3. Le numéro 3, hein, c'est Florian, 31 ans, de la Varenne. À Doctissimo, il a addiction sexuelle. Alors, il a écrit pour une addiction sexuelle. Dans la rubrique addiction sexuelle. Ah, t'as vu? Alors, Florian, il sort avec des mecs. Bon, le problème qu'il y a, c'est que quand il a un mec, il le suce. Bon, il adore la pipe. Bah écoute, il a raison de ne pas s'en priver, dis donc. Ah putain, merde, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je perds des bouts de chou, gamin. Ah putain, je croyais que c'était une dent. Putain, moi aussi, je croyais que c'était un bout de dent. Toi aussi bon. En fait, ouais, je l'ai déjà vu perdre une dent dans la bouche. Hein? T'arrives pas à parler avec un chewing-gum dans la bouche. Non, mais... Non, mais si tu craches quand t'as un chewing-gum dans la bouche, ne parle pas avec un chewing-gum, enlève-le. Voilà. T'enlèves des chicots. Non, mais... non, c'est bon, les deux. Alors Florian, 31 ans, qui sort avec des mecs. Ouais, qui sort avec qui des adore mecs. La pipe. Ouais, il adore la pipe. Donc bon là, il avait un mec. Et moi aussi. Il est comme moi. Moi aussi. Florian, il est doux. Il est de la Varenne. Je pourrais vous raconter un truc si c'est. J'ai sucé cette fille. C'est pas moi qui m'a raconté un truc hier. Ah bah alors gratiné. Ah. Ouais, moi, les histoires des copines de Marie, j'adore. Donc n'oublie pas Marie. Bon, le problème qu'il y a, c'est quand il a un mec, il peut pas s'empêcher d'en sucer d'autres. Ça lui arrive de sucer 15 mecs dans la semaine. Ah ouais, donc lui, il aime vraiment la bite. Ouais. Ah, non, mais ça, c'est à la chaîne, quoi. C'est obsessionnel. Non, pas la chaîne. Il rencontre un mec, il le suce. Ouais, ouais. Voilà. Bon. comment il fait pour trouver 15 mecs? Il traîne dans des clubs, tout ça. Il va dans les petits quartiers sympas. Déroule du câble. Il en avale du câble, surtout. Et donc, il aimerait bien se calmer parce que vis-à-vis de son mec, ça se fait pas. C'est vrai. Normal. Hein, imagine, par exemple, ta meuf, elle sucerait 15 mecs par semaine. Moi je suis désolé. Des cornes que t'as. Je vais peut-être être un peu rude, mais de prime abord, je pense que je la traite de pute. Juste comme ça, ça sort tout seul. Non, mais je sais pas, ta meuf elle te dit, ouais, j'ai sucé 15 mecs. J'ai sucé 15 mecs, ouais. Je sais pas, à part lui dire, t'es une sacrée salope ou une bonne pute. Je vois pas ce que tu peux lui dire d'autre. Karim, tu lui dirais quoi, toi? C'est une pute, man. Et Cédric, tu dirais quoi? Tu peux dire salope. Voilà, moi j'en ai sucé que 10. Non. Ah, tu fais un concours, toi, Cédric. Non. Bon, donc Florian a un problème. Ouais, il a un problème. Voilà. C'est pas le seul, je crois, d'ailleurs. Alors, on passe au 4. On y arrive. La S2. Le sommaire. Vomito entre le 3 et le 4. Putain, la classe. Nawel, elle est là. Ah, le retour. 20 ans de Reims, elle a écrit à Doctissimo, rubrique pornographie. Alors, elle, son délire, c'est la soumission. Elle adore se faire soumettre. Et en fait, elle a un un mec, hein. Elle, un jour, elle a voulu faire une surprise à son mec, tu vois, elle a voulu faire, je me suis fait kidnapper, et elle s'est mise dans le coffre de la voiture de son mec, sauf qu'en fait, son mec, il a pas entendu, et ah elle non. a dormi dans la... Elle a passé la nuit dans le coffre, il l'a découvert que le matin, et sur... Elle était sèche. non, tout allait bien. Et depuis, elle aimerait trouver des scénarios de soumission, faire des surprises à son mec, elle aimerait trouver des idées, parce que bon, la seule qu'elle a eue pour le moment, c'est le coffre avec l'espèce de kidnapping. Ça n'a pas été une grande réussite. Non. Donc elle aimerait bien trouver autre chose, avoir des conseils au niveau de la soumission. Moi j'aime bien celui-ci là, parce qu'on peut trouver plein d'idées qui déchirent. Elle est bien celui-là. Pour la tarée là. Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Nawel. Nawel. Nawel. La soumise. Alors le dernier, oui. Nous arrivons au cinquième, c'est Sylvain. Sylvain. Dans le 21, il a 30 ans. Et il adore. Il est bourguignon. Ouais, il adore collectionner les objets marins. Et là, dernièrement, il s'est mis une encre de. Une encre dans le cul. Et il a un problème, il n'arrive pas à la sortir. En marinière. C'est une encre de marin, ouais. Non, il a trouvé une espèce de poulpe. Un poulpe. En forme de god. Putain, j'en ai bouffé tout l'été du poulpe. Ah, ouais, là, c'est ça, le poulpe. Ah, qu'est-ce que c'est bon, c'est ça. C'est bon, le poulpe. C'est trop bon, le poulpe. Un poulpe en métal. Et il se l'introduit dans l'anus. Et alors, il y aura la photo sur les réseaux. Ouais. Et il se demande si le fait qu'il soit en métal, parce qu'il l'a nettoyé, mais il a peur de choper un truc au cul, parce qu'il a l'impression que son anus n'est plus dans le même état qu'au départ. Excusez-moi, mais j'ai un tétanos à l'anus. Ah ouais, mais tu m'étonnes. Bah ouais, il faut pas se mettre n'importe quoi dans le cul, quoi. Mmh. Cédric, tu t'es déjà mis, toi, un petit truc dans le cul? Toujours pas? Non? Non, un petit jamais. Toujours pas. Jamais un petit, des gros trucs. Je suis pas trop pour. Et le poulpe qui se met dans l'anus, il a peur pour son anus. Il s'inquiète. Mais il a raison. Donc aidons-le, c'est Sylvain. Bon. Du 21 dans la Côte d'Or. C'est un sextoy, c'est un truc qui est fait exprès. Non, non, c'est pas. Non, non, c'est un objet. Un objet de déco. Un objet de déco, quoi. C'est comme si tu t'achètes une lampe et tu te la mets dans le cul. Ouais. Ouais. C'est pas cher comme god. Alors, qu'est-ce que. Moi, je choisirais le 4. Moi, pareil. Donc, Jean, sa femme se gode. Elle. Bah, elle est devenue accro. Elle est devenue accro, et comme tu l'as dit, elle se gode à tir la rigo. C'est le problème numéro 1. Le 2, c'est Jessica qui fait des photos de ses organes avec son mec. Et elle a peur que de se repérer. Le 3, c'est Florian de la Varenne. Alors, lui, il aime sucer, mais un peu trop, puisqu'il lui arrive de sucer 15 bites différentes par semaine. Ouais, alors qu'il a un mec. Le 4, c'est Nawel. Alors, elle aime se faire soumettre. Elle aimerait des idées, parce que l'idée qu'elle avait eue de s'enfermer dans un coffre. Bon, forcément, ça a bien marché, puisqu'elle y a passé la nuit. Ouais, ça a bien marché, la débile. Et le 5, c'est Sylvain avec son poulpe dans l'anus. Ouais, donc, c'est moi, ça. Je vous ai dit, moi, je prends le code poulpe. À vous de voter. 41759, skyrock.fm, l'appli. Vous laissez vos messages. Donc, Romano, tu prends. Moi, je vais prendre le 5, quand même. Poulpe. Le code poulpe. T'en as mangé du poulpe? Ouais, j'adore, moi. C'est bon, ça. Ouais, ça c'est bon, bon, trop c'est bon. T'as déjà mangé du poulpe, Cédric? Non, jamais. Moi, je mange que du caca. Bon. Le caca, c'est bon. Il n'y a pas du caca de poulpe. Non, mais ça me donne pas envie, tu vois. Du caca de poulpe. Ouais, non, mais c'est bon, ça. Alors, Marie, tu prends le poulpe? Ah, moi, le 4, ouais. Non, ah non, c'est pas le poulpe. Nawel, moi. Tu prends celle qui veut la soumise. Oh, Cédric. Ah, moi aussi, la soumise, Nawel. Cédric, ah ouais, Cédric, la soumise. Non, non. La soumise. Non, Cédric a choisi la soumise. Dit comme ça, c'est mieux. Cédric, la soumise. Donc je note Cédric, la soumise. Ouais, c'est ça. Moi, je prends la soumise aussi. D'accord. Karim, la soumise comme aussi. Comme Cédric. Non, je prends la soumise aussi, c'est ce que j'ai dit. Comme Cédric. De quoi? Soumise comme toi aussi, dit Foul. Ben oui. Donc, la soumise. Ouais, moi je vais prendre le 4. Il y a plein de votes pour le 4. Ah, le poulpe. Hein. Alors, le 4, il a l'air trop bien pour Marine. Moi aussi, je pense qu'il a l'air trop bien. Je vote pour la soumise pour Max Madou. Le 4, pour l'indécis. Bah, t'es pas si indécis que ça. Le 2 et le 5. Ah, t'as choisi 2. HDR, qui nous prend le 2 avec l'autre qui fait la photo de ses orgasmes et qui fait des figures avec. Ça doit être magnifique. Ah ouais, splendide. T'as pas de photo pour... Non, malheureusement, ça, il n'y a pas de photo. C'est dommage. Le 3, c'est lequel, le 3? Ah, celui qui sort avec des mecs qui sur... Ah ouais, j'aurais pas... J'ai failli prendre lui, vous voyez. Non, le choix est difficile, non, mais rien. Je vote le 4 pour la table de mixage de Skyrock. Salut à toi. Omar. Ah, l'histoire de la Marie. Ok, bon, on vote. Marie, ton histoire juste après Thomas, ouais. Parce qu'il y a Thomas qui est avec nous. On le prend et l'histoire de la copine de la Marie, à mon avis, c'est ou un truc dégueulasse ou un truc de dingue. Non, mais ça va être court, mais c'est assez drôle. Ou les deux. Ou les deux. Ou les deux mélangés à la fois, là. Donc Thomas, toi, tu nous appelais par rapport aux rêves, parce qu'on a aussi parlé de rêves, notamment des rêves érotiques tout à l'heure. Salut Thomas. Salut tout le monde, salut l'équipe. Coucou. Salut Thomas. Ouais. Salut Thomas. T'es dans le 77. Ouais, c'est j'ai appelé en fait par rapport au. Ouais, c'est ça. J'ai appelé par rapport au gars qui fait des rêves érotiques avec sa pote. C'est Eddy. Il doit être encore avec nous, Eddy. Il là. Eddy, ouais. Allô, Eddy. Ouais, bon, c'est pas érotique vraiment, mais bon. Ça commence à se trifouiller. Ça commence mais, à chauffer. Mais c'est pas encore du cul, oui. Ouais, ouais bah, voilà. En fait, moi j'ai à peu près le même truc. C'est genre il y a quelques années, il y a 5 ans à peu près, j'étais fou amoureux d'une fille. Mmh. Et je commençais à avoir un peu des rêves érotiques envers elle et tout ça. Donc, est-ce que toi tu pensais à elle juste avant de t'endormir, ou alors est-ce que les rêves ils venaient non, comme jamais. Ça Non, jamais. En fait, non, jamais. J'étais amoureux un peu en cachette. J'étais un peu en cachette. Oui. Genre, j'aimais, mais voilà, j'ai jamais dit et tout. Et je voyais les rêves, ils commençaient à être de plus en plus hautes. Tu faisais quoi dans les rêves érotiques? Bon, c'était un peu tout. Genre, au début, ça se caressait. Tu vois, comme toi, Eddie. Après, c'était un peu des rêves un peu partout. Genre, comme on prenait le bus de temps en temps ensemble et tout. Genre, tu l'as doigté dans le bus. Il passait des trucs et tout, voilà. Il passait des trucs un peu bizarres dans le bus. Ouais, c'est bon ça. Et lors d'une soirée, bon, en fait, je lui ai carrément dit que je rêvais d'elle. J'ai rêvé que je te doigtais dans le bus. Tu t'es pris ma main dans le bus. Non, j'ai commencé à lui dire que je rêvais d'elle sans plus de détails. Et en fait, elle m'a demandé, ouais, bah, explique-moi tes rêves et tout. Je lui ai expliqué. Il s'avère qu'elle aussi, elle faisait des rêves dans le temps de moi et tout. Et bah maintenant, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, quoi. Ah ouais, c'est bien. T'as bien fait de lui expliquer. Tu vois, Eddie, peut-être qu'il faut lui raconter que tu la trifouilles, toi aussi. Tu vois, c'est le conseil qu'on te donnait tout à l'heure. Et ouais, comme quoi. Après, moi, je lui conseille franchement de lui dire. Après, quitte à se prendre un râteau, au moins, il est sûr, quoi. Ouais, bah. Oui, puis en plus, ça t'en a mis un, il y a quelques années. Ouais, limite, t'es habitué. Un an, bah tu limite, vois. Limite, ça te manquait. Voilà. Le râteau de l'année, le râteau de la rentrée. Et toi, elle t'avait raconté, elle rêvait de quoi? Elle t'avait dit un petit peu les détails et tout ça? Non, elle a jamais voulu me dire. Elle a jamais voulu me dire de quoi rêver. Ouais. Mais moi, je lui avais dit tout dit cash, hein, dans le bus, j'avais. Je te dois dans le bus. Ça l'a excité, quoi. Voilà. Ouais. Et en fait, pas vraiment dit que ça l'a excité ou quoi, mais elle m'a dit que quoi, ça la flattait déjà que je rêvais d'elle. Oh, ça me flatte ton doigtage dans le bus. Oh oui, vraiment. C'est sympa. Et après voilà quoi, on se voyait un peu plus souvent et tout, et après on est sortis ensemble. Ensemble. Et ça dure, et vous êtes toujours ensemble. Voilà. C'est bien. C'est quoi le plus Moi je peux lui conseiller un seul truc, c'est de lui dire hein, franchement. Et le truc le plus trash que tu as fait dans le rêve, c'est quoi? Bah c'était à mon boulot. C'était dans mon boulot dans les vestiaires Tu l'as niqué dans le vestiaire. Voilà, j'ai rêvé comme quoi t'es dans mon vestiaire et qu'on couche ensemble quoi. D'accord, c'est le truc le plus donc t'as pu lui dire. Ouais. Vous avez déjà fait un rêve érotique, un truc qui est trash Marie peut-être. Trash, putain, j'en ai pas le souvenir là. Avec du caca, peut-être. Par exemple, Non, mais de me faire choper par mon mec ouais, contre un mur, machin, mais bon, ça a rien de très trash. Hein. Non. Parce que tu le fais quoi. Ah non, bah ouais, ça c'est. Cédric, un rêve érotique, tu. Il pourrait nous faire fantasmer. Parce que suivant. Non, j'ai pas de rêve érotique en ce moment. Jamais. Ouais, tu baisses tellement, t'as tellement baisé cet été. Mais gros, c'est ça, je crois. Bah non, mais c'est clair, c'est sûr. T'as baisé combien de meufs déjà? Pas loin de 10. 4, ouais. 10 de pierre. 4, pas loin de 10. Karim, des rêves érotiques, non? 4, ouais, mais comme 10. Ça, je m'en rappellerai pas, mais j'en ai déjà fait, ouais. Je me suis même déjà éjaculé dessus. Ah ouais, le max. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Je peux t'en dire pareil, avec toi. Mais j'ai pas ça. Ouais, j'ai rêvé que je baisais toute l'équipe du PSG. Non, je me souviens, moi. Que... Dans le cul de Marroquinhos. Ouais, par exemple. Non, quand j'étais au bahut, je me souviens qu'il y avait des profs qui m'énervaient et que ça m'est déjà arrivé de rêver que je les baisais alors que c'était dégueulasse, tu vois. Toi, non, mais genre, personne ne s'échèquera dessus en faisant un rêve. Ah jamais moi. Ah non. Putain, bon là y a pas un mytho vers là. Vers là. Moi j'ai même rêvé dans le rêve. Dans le rêve j'allais éjaculer, je me suis pissé dessus. Ça t'est déjà arrivé ça? Non, par contre j'ai déjà rêvé que je pissais et au final je me pissais dessus pour de vrai. Ouais, tu t'es pissé dessus déjà. Ça m'est déjà arrivé. Et t'avais kiffé? À mort, tu sais, je voulais rêver que de ça après. Dormez ensemble. Ouais. Bah écoute. Écoute, merci pour le conseil. Toi Romain, je suis sûr que t'as déjà fait des rêves érotiques dégueulasses. Lui, sexuellement, il est bizarre. Sexuellement, il est chaud lui, hein, je peux vous le dire. Il s'occupe des réseaux sociaux, ça le travaille, c'est le premier truc. C'est comme les geeks, tu sais, les geeks. Moi, je méfie des geeks. Ah ouais. Non, mais il y a un prénom que je pourrais dire, c'est Marie. Ah non. Non. Qu'est-ce que tu lui as fait à Marie? Non mais je travaillais pas là donc. Et tu faisais quoi? Genre tu rêvais quoi? Tu l'écoutais et. Non, on était aux toilettes de Sky en plus. Avec une amie à elle. Avec une amie à elle. Tu l'as déglinguée. Elle était un peu bourrée. Ah bon, c'est étonnant. Tu l'as monté en l'air. Et tu as fait du sale. Tu as fait du sale ou pas? Quand je me suis réveillé, j'avais le barreau. Quoi. Ah non. Il est quoi, Marie? Et puis maintenant que je sais que tu portes des slops, d'ailleurs, ça fait une bosse, c'est un peu dégueulasse. Et bande. Ah bah là, il y a la trique. Et si vous faites des rêves érotiques cette nuit, pensez à nous demain matin. Là. Pas de notre faute. Pourquoi on l'a embauché, ce mec? Merci Thomas Chepard. Coûte pas cher, peut-être. Merci Thomas pour le coup de fil, en tout cas. Du foule. Oui, Didi. Il y a moyen de faire une petite dédicace ou pas? Vas-y. Ouais, bah je vais faire une petite dédicace à tous mes potes de Bar-sur-Aube. Salut Bar-sur-Aube. Notamment mon petit Suley. Je suis sûr qu'il doit aimer t'écouter là. Eh ben salut tout le monde là-bas. Et dédicace à ma petite femme Wendy que j'aime de tout mon cœur. Celle sur lesquelles tu faisais des rêves érotiques.

Sur Skyrock, le nouveau Pitbull avec Florida en featuring, on écoutait Green Light. 21h minuit, la radio libre de Tifoul. Seulement sur Skyrock. Voilà, et ça c'était bien encore. Attention, avant minuit, on vous offrira vos places pour aller voir Maître Gims dans moins d'une demi-heure. Attention, Maître Gims a gagné dans toute la France. Ouais. Vous pouvez vous inscrire, gagner vos places de concert. On se prépare, mais on a d'autres choses à faire. On a notamment le problème du mois. Avec les résultats qui arrivent dans un instant, ça a beaucoup voté, ça fait plaisir. Ah ben merci pour les votes. Et votez Romano demain pour le Clash. Lequel vous avez choisi, je vous dis tout. Merci pour les messages, pour les rêves aussi. Là, il y a Benoît qui a déjà rêvé de trois de ses profs trop sexy qu'il a baisé à la fin de son rêve. C'était trop bon. Bah tu vois. Non, ça je me souviens. Bah, du bon les cours. Il y avait une prof d'anglais, ouais, c'était une vraie connasse quoi. Ouais, et t'as Eric, tu l'as baisé. Ouais. Mais bon, elle était dégueu mais pas trop. D'accord, tu aurais donc rêvé. Bah ça, les rêves on les dirige pas hein. Et je la niquais, tu sais, ouais. Tu sais, je la prenais bien en levrette, là. Et t'étais content? Ah ouais, ouais, j'étais content, tu sais. J'y allais fort exprès, quoi. Et t'avais demandé bon vent. Ben, dans mon rêve, je me suis... Non, je crois que j'avais pas juté dans la réalité. Elle était trop moche. Ouais, des limites. T'avais rêvé aussi une fois de Difool et Carriole, là, où il ah, je faisais faire pipi à Carriole. Ouais, ouais, et après, Difool était dans le couloir à poil, et il se tapait dans les couilles, et il me disait, je m'en bats les couilles. J'étais là, je vois. Sympa. Tiens, j'ai déjà rêvé de ma prof de français trop bonne que je déglinguais à la fin du cours. Bah voyez, la rentrée, ça a du bon. Tu vas pouvoir refaire des rêves érotiques. C'est Roro Mano, 18 ans. Toute l'année, tu vas pouvoir en faire. Ah, y a Je t'aime Difool aussi qui dit des fois, quand je fais des rêves avec des meufs bien bien douces, je sais pas pourquoi, mais faut toujours qu'il y ait un gros ton qui vienne tout niquer. Ah ouais, c'est con. Ah, genre qui? C'est le rêve qui se termine mal. Écoute, bah je sais pas, une copine à lui peut-être. C'est moi le ton. Dans le rêve. C'est moi. Le mec est partout. Alors, j'ai les résultats du problème du mois. Je vais vous les donner tout de suite. Merci pour vos votes. Les voici. Alors, le problème du mois de ce jeudi soir. Parmi les 5 problèmes que vous a proposé Romano, trouvés sur le net. Ouais. Des gens qui écrivent et qui ont des soucis. Ouais, des forums en tout genre. Vous avez rejeté Jean, malheureusement. 8% des voix seulement pour Jean. Eh ben, tant pis. Avec pour sa Jean. Femme non, qui ouais. se gode. Et. Bah, elle va continuer, hein. Attire l'arigot. Ah ouais. Ouais, même en cuisine, hein, c'est sympa. 8%, elle est dernière. Après, on a. J'irais bien manger chez eux. Pas moi. Ah. Jessica. Jessica et ses photos d'organes. Les ouais, c'est ça. Son mec. En gros plan, elle essaye de faire des figures avec sa chatte, magnifique. Quoi. 10% arrive quatrième. Son mec, ouais. Ensuite, on a à 20% des voix Florian. Ah, celui qui sort avec des mecs et qui aime trop sucer et qui suce 15 bits par semaine. Ouais. Eh bien, désolé, il continuera. Enfin, désolé, je surtout pour son mec. Je raconterai quand même mon histoire. Ah oui, ton histoire, Marie. Vas-y, raconte. Ah bah en fait, après, ça va jouer entre Sylvain, le poulpe à l'anus, et Nawel, qui aime se faire soumettre et qui veut des idées. On va voir lequel vous avez choisi. Non, en fait, c'est une histoire qui concerne aussi un petit peu Romano, parce que. Enfin, non. C'est une. Enfin, vas-y, coupe la musique là. Une copine dingue de Marie. Non, elle est pas dingue, mais c'est une très bonne amie à moi. Et en fait, je l'ai pas eue pratiquement pendant les vacances. Et elle a un mec, tu vois, qu'elle voit régulièrement en plan cul. Mm-hmm. Et en fait, elle m'a appelé hier, on a pas mal discuté. Elle m'a dit, j'ai eu un gros problème en le suçant. C'est qu'en fait, elle a une dent qui se déchausse sur le devant. Non, mais elle a quel âge ta copine? Elle a 80 ans. Non, c'est la copine de ma maison de retraite. Elle est géniale. Elle a les dents qui tombent tellement elle a pris de la drogue. Mais non, en fait, comme elle a ça, un problème. Tac, tac, tac, ça tombe de partout. Non, mais elle a un problème avec les dents, tu sais. Ah bon, bah, elle a des dents ça, qui ça, se déchaussent. Ouais. Et en fait, c'est elle, elle m'a raconté qu'elle avait mais grave la honte parce qu'elle a dû arrêter de sucer son mec parce qu'elle pensait que sa dent allait partir. Et ça m'a fait mourir de rire, en fait. D'accord. C'était ça ma petite histoire qui est toute courte, mais. Elle était super. Mais elle est géniale, ton histoire. Si t'en as d'autres, Marie, n'hésite pas. Bah quoi. C'est et puis, ma petite histoire. Présente-nous là qu'on la. Non, vous voulez qu'on la traque un peu, la copine. Mais ouais, qu'elle invite là un soir. Ah ouais. Elle fait la radio libre du con. T'as la radio libre de la conne, même. Non, plus. Mais c'est la pauvre. Donc du coup, elle a dû s'arrêter. Elle a pas pu dire au mec. Donc elle était hyper gênée, tu vois. D'accord, très bien. Bah ouais, t'es un peu comme une conne. Si tu perds une dent, c'est clair. T'es celle de devant, tu vois. Bon, alors je finis. Je vous donne. Tiens, elle a l'hygiène bucco-dentaire. Non, mais elle a. Au top niveau. À l'ange. Ouais, elle a toujours eu des problèmes avec ses. Ah, bah ça, oui. Ah, bah elle a des problèmes. Mais il faut se les laver. Non, mais elle est propre, hein. J'ai eu les mêmes problèmes, moi aussi. Elle est propre. Je n'avais pas les dents, moi aussi. Ah, bah c'est la drogue, Marie. Alors. Surtout... Mais non. Ah, bah non, non. Elle boit même pas, alors je vais te dire. Ah, elle boit pas. Elle boit pas. Bon, alors, je finis la. Oui, alors attends, je la révélation du problème du mois, lequel vous avez choisi. Je remets la musique de suspense. Vous avez mis en deuxième position. Le poulpe à l'anus de Sylvain avec 23%. Bon, lui reviendra. Et donc celle que vous avez choisie largement, en plus 39% des voix, bien en tête, c'est Nawel, 20 ans de Reims, qui aime se faire soumettre et qui avait une super idée. Moi, mais qui a vraiment des bons plans. Moi j'avais juste envie de savoir ce qu'elle a fait dans pas son truc quand elle s'est retrouvée enfermée dans le coffre. Ouais. Ouais. Et ben voici le problème du mois. Lecture du problème du mois, Romano. C'est allez, parti. C'est parti. Oh putain. Allez, tu vas y arriver, gros. On y va. Ouais, on y va. Donc elle a écrit, à qui elle a écrit elle déjà? Elle a écrit à Doctissimo. Mais ouais. Ça c'est les antibiotiques. Eh. Non mais j'en ai repris là, Cédric qui m'a donné un truc, c'est quoi qu'il m'a donné? C'est un truc. Wallah d'extase. C'est des extas, ouais. Ah ouais, cool. C'est un doliprane codéiné. Wallah d'extase. Codéiné. Ouais, ça a quand même plus. Bah, je t'ai proposé, t'as pas voulu. Non, moi j'ai pris un 1000. Toi, t'as pris un doliprane 1000, parce que je fais pharmacie aussi. Ouais, mais j'aurais dû prendre deux. Bon, non, c'est un seul, il m'a dit. Moi j'en ai pris un comme ça, parce que Romano il en prenait un, je me suis dit c'est gratuit. Allez, je t'en prends un petit. Alors, bon, je commence. Écoutez bien donc. Salut. Salut Nawel. Salut. Je m'appelle Nawel. Je suis de Reims et je suis ici pour parler de mon addiction. En effet, je suis en couple déjà depuis quelques années et avec mon mari, tout se passe bien niveau sexuel. Mais depuis quelques temps, je regarde pas mal de vidéos porno et ce qui me fait le plus kiffer, c'est les jeux de soumission. Très bien. Mm-hmm. Elle a mis le temps avant de s'en rendre compte quand même. Ouais, bah écoute, il faut mieux tard que jamais. Non, mais ça peut venir aussi comme ça. Hein. C'est peut-être une envie qui est arrivée après. Je sais pas, je suis pas soumise, Marie-Mère. Non, bah non, moi non plus. Moi, le caca, j'ai découvert ça il y a 2 ans. Ouais, écoute, c'est bien. Et depuis, je raffole. Ah, oh, quelle horreur. Il s'est dégonflé. On aurait dit un ballon qu'on a crevé. T'es dégonflé, non, non, c'est bon. C'est compliqué pour moi. C'est compliqué pour elle. Ah, c'est compliqué, ouais. Ouais, c'est sûr. C'est compliqué pour moi d'en parler ici. Car j'ai voulu faire plaisir à mon mec en organisant un petit scénario, genre je me fais kidnapper et je suis dans le coffre de la voiture. La seule chose que je n'avais pas précisé à mon ami, c'est que j'allais dans son coffre. En effet, il n'a pas remarqué ma présence dans le coffre. C'est con. C'est con. Il est sorti de la voiture et était en ligne. J'ai eu beau taper et crier, il n'a rien entendu. J'ai donc passé la nuit dans le parking à l'extérieur. Oh non, ouais. J'ai bien tapé, frappé, mais personne ne m'a entendu. C'est encore con. Heureusement, le matin, quand mon mari a pris la voiture pour aller au travail, j'ai tapé très fort et là, il m'a enfin entendu. J'étais au bout du rouleau. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, c'est pour te faire une surprise et pour que tu me fasses l'amour. Ah bah. Il m'a dit, je n'ai pas le temps et il est parti travailler. Alors elle, vraiment, elle n'a pas eu de chance. Elle s'en battait les couilles. Elle a passé la nuit dans son coffre pour rien. Depuis quelques temps, j'ai acheté divers objets, par exemple des menottes. Mais je n'ose pas les tester, car après le coup du coffre de la voiture, j'ai peur d'avoir des problèmes. Auriez-vous des idées de jeux sexuels à me proposer? Car vraiment, j'ai envie d'être soumise. Et mon mec n'a pas l'air de bien comprendre. Aidez-moi, j'en ai besoin. Bisous. Voilà. Déjà, elle est complètement tarée. Pourquoi elle est dans le coffre sans téléphone? Elle est dans le problème du mois, Marie. Bah aussi, oui, hein. Mais en même temps, bon, écoute, elle a voulu faire une surprise à son mec, ça n'a pas fonctionné. Bah, c'est l'angoisse. Ça partait d'un bon sentiment. T'es enfermé dans le coffre, c'est une angoisse totale. Hein. À passer la nuit dans le coffre. Ah ouais, non. Écoute, elle veut être soumise. Là, au moins, elle s'est bien soumise. Non, mais la meuf, ouais, mais fallait le scénario, fallait le mettre au courant, le mec. Tu vois, genre, il faisait le mec surpris. Ouais, je suis d'accord. Il y a quelqu'un dans mon coffre. Tu vois, celui-là, l'autre. Non, mais même, tu descends de ton parking, t'entends ta voiture qui fait poum, poum, poum, poum, tu flippes, hein. Ah bah ouais, Romano, lui, il appelle la police direct. Ah ouais, non, mais c'est clair. Même si c'est ta meuf à l'intérieur. Et là, la police ouvre et je lui dis, mais t'es complètement conne. Je lui dis, t'aurais dû me prévenir. L'autre, elle a passé la nuit dans le coffre et tu l'engueules en plus. Ah non, mais ouais, non, mais c'est clair. Non, mais en plus, ouais, comme tu dis, arrive là. Je crève là-dedans. Oh. Ouais, non, mais moi aussi. Non, mais je pense que moi, c'est pas que je crève, mais au bout d'un moment, je pète un plomb, quoi. Ah bah, t'es enfermé dans un coffre, oui. Puis moi, j'aurais peur de manquer d'air, moi. Bah ouais, bien sûr. Oh, ouais, pareil, ouais. Elle s'y est mise toute seule, quoi. Non, mais je pense qu'il y a quand même de l'air qui passe. Bah, on va faire le test. Tu veux pas qu'on t'enferme dans ton coffre? Ah non, non, c'est horrible. Oh non, mais je te dis, moi je deviens dingue, mais j'hurle. Ah, moi aussi. Hein. Tu sais, moi je mets des coups de pied, je m'en fous, j'arrive à. Cédric, admettons, on t'enferme dans un coffre. Est-ce que tu. Dans un semi-remorque. Un break. Non, mais comment tu. Il y a moyen d'en sortir de l'intérieur? De l'intérieur, ouais, si. Les sièges, ouais. Mais comment? Si, ouais, tu vas sur la banquette arrière. Montez ma voiture, on va mettre Cédric dans mon coffre. Ah gros, mais je vais l'éclater, hein. Il tient pas, hein. Alors, montez la voiture de Romano, on va mettre Cédric dans son coffre. Non, montez la voiture de Cédric, il a une voiture. Non. Montez la voiture de Cédric, on l'enferme dans son coffre. Non, on laisse éclater. Non, mais sinon, encore plus simple, avec la plage, tu sais, tu la soulèves. Ah ouais, ah ouais, la voiture. Bah ouais, mais non, mais ça dépend. Si c'est un coffre, tu sais, il y en a où c'est un. Ah ouais, tu vas dire, t'as pas accès à l'arrière, quoi. Puis sur, tu sais, sur les côtés des sièges, tu sais, des boutons pour rabaisser les. Ah ouais, ouais, ouais. Tu peux éclater la place arrière, quoi, en fait. Ouais, mais sauf si c'est. Non, mais s'il y a pas de. Non, mais dans ma voiture, c'est comme ça. Donc c'est pas la mienne qu'il faut monter. Ouais, mais la mienne non plus. Bah viens, essaye. C'est exactement. Non, c'est exactement pareil. Non, la même voiture. Ah sinon, Yovan, il a un 4x4, on peut essayer avec son coffre. Le coffre, il est plus grand. Pas faux. Ah pour toi, ouais, c'est le vrai, Yovan, la sécurité. Ah, t'as peur de rentrer, de pas rentrer dans le coffre de nos voitures, c'est ça. Ouais, je préfère qu'on monte à 4x4. Amener un camion. Camion poubelle. Bon, dites, remontez la voiture de Yovan. Alors. Ouais, tiens, attends, Cédric, on va te. Il paraît qu'on a un truc pour pas que ça passe dehors maintenant. On peut aller avec le micro sans fil dehors. Ah, bah écoute, ah ouais, c'est bien. Eh ben, on va tester. Je sais pas, je n'étais pas au courant. Bon, écoute, d'après ce qu'on m'a dit. Bon, voilà. Pourquoi on fait ça d'ailleurs? Ah, pour la soumission. Tester. Bah oui, pour la soumission, ouais. Ouais. Marie, t'aimes bien être soumise, toi? Ouais, enfin, un petit peu, quoi. Pas trop. Moi, j'aime pas trop être soumise. Moi, j'aime bien. Pipi, caca, c'est tout. Non, mais n'importe quoi. Mais ça reste. Mais j'aimerais pas être attachée, tu vois, par exemple. Juste. Ah, tu t'es jamais fait attacher? Non. Ah non, j'aime pas ça, non. Ah, mais t'es une vraie connasse au lit. Non, mais j'ai besoin de toucher, d'avoir mes mains. Et mais moi, j'aime pas attacher non plus. Ouais, moi, j'aime bien, moi. Non, mais mon mec peut bloquer les mains, tu vois, mais t'es attaché. Non, mais tu bloques les mains avec les mains, comme ouais, ça. Ouais, non, mais tu sais, j'avais pas sorti des menottes et tout ça. Genre, c'était avec, je sais plus quoi, t-shirt. Tu faisais quoi avec tes menottes que tu te trimballais dans ton sac à main? Mais non, mais on me les avait envoyées, je m'en suis jamais servi. Ah, d'accord. Parce que. Merci à celui qui nous les a envoyées ou à celle qui nous les a envoyées, les menottes. Non, mais je les ai plus, hein. Donc des petits jeux de soumission, vous avez des idées, qu'est-ce que vous proposez? Alors le coffre, on va tester là. Il y a Hugo qui dit, j'ai des idées pour le problème du mois 4. Il y a des surnoms comme maître ou maîtresse qu'il faut dire. Ben Yann, tu veux pas, on l'a le numéro de Patrice là? Le soumis là? Ouais. Ah oui, tiens, on va vous en présenter un si vous connaissez pas ce que c'est un vrai soumis. Ouais, maîtresse Pamela. Les déguisements aussi, on nous dit. Ah ouais, les déguisements, genre, ça moi je peux pas, tu vois. Non mais moi elle m'appelle. Moi je trouve ça ridicule. Non mais même te faire appeler maître. Ah non mais c'est pas possible. T'aimerais bien? Ah ben choisir, je préfère qu'elle m'appelle maître que d'être déguisé genre en militaire, tu vois. Ah ouais, pareil, ouais. Encore en militaire, ça passe. Non mais t'as quand même l'air d'un con. Ah ouais, si t'es pas militaire, t'as oui. T'as la bite qui sort du treillis. Oui. t'as quand même l'air d'un con. Et non, elle est leur infirmière. Mais ou t'as je plus sais envie pas. De rire qu'autre chose, quoi. Mais moi, non mais il y a des couples, là, on a déjà parlé à l'antenne, il y a des couples qui aiment bien. On a déjà eu des auditeurs. Ouais, qui aiment bien se déguiser. Moi, je sais que je rigole, tu vois. Ah. Moi, je peux pas baiser, je rigole. Alors, si vous avez déjà testé, j'ai le message de Astre94 qui nous dit, nous, on utilise des sangles et des attaches dans des jeux sexuels. On compte se tester avec des cordes de bondage. Ouais, mais attaché, ça va encore. Mais pas de délire comme elle. Mais tant mieux pour vous, pour les. Non, mais attaché, ça dépend encore attaché comment. Non, mais genre la personne. Non, les menottes, tu vois, tu. Ah ouais, ouais, c'est attaché les mains, ouais. Ou l'attacher au radiateur, gros. Ouais, c'est ça, ouais, tu la laisses en galère. Tu pars en vacances et tu reviens comme ça. Ah, dans un mois, chérie. Bon, tu veux d'autres choses pour ton problème du mois? Ben non, mais dites-nous si vous avez déjà testé des trucs de soumission, si vous êtes par exemple déguisé, attaché. Très bien. Après, tu peux. Il y a quoi d'autre? Il y a genre ceux qui se mettent de la bougie là sur le corps. Ah, là. Qui se font vider. Ah, ça fait mal ça. Tu l'as déjà fait, ça, Marie, toi, non? Non, mais déjà, tu t'es déjà dit. Vous avez jamais essayé de vous en mettre sur la main de la cire? Déjà, c'est vrai que sur la main, la cire, ça brûle, ça fait mal. Ça arrive, ouais, quand tu bouges les bougies. Ouais, ouais. Non, bah, imagine, tu es sur les tétons. Ah, non, ah, immonde, non, jamais de la vie. Non, sur les tétons, ça te fait trop mal. Non, mais ça, Romain des réseaux sociaux, je crois, il a déjà fait ça. Non, mais non, parce qu'il m'a dit, il se mettait des aiguilles sur les tétons, lui, par contre. Oh là là. Il mettait des aiguilles sur les tétons, lui. Non, je ne veux pas ça, mais je sais que ça se fait. J'ai regardé des vidéos. Non, mais sinon, il y a les pinces aussi. Ouais, les pinces. Tu les pinces quoi, comme pour les batteries? Les pinces de voiture. Et tu les branches à la batterie après les pinces. Non mais ça existe, électrifié. Ouais, bah ouais, mais si tu veux qu'on teste. Ah ouais, ouais. Ah, voilà. Ouais, on remonte une voiture là, il y a des pinces dedans. Comme il rigole. Ah, il a un rire de vieux. Et pendant ce temps-là, Cédric se masturbe en te regardant parce qu'a priori t'as ah ouais, touché Cédric. Moi, oui, depuis le début de toi. Oui, depuis le début de la semaine, j'ai marqué. Oh ouais, tu me fais kiffer. T'es fou, il fait flipper. Je bande sur Watt. Bon, vas-y, pépon. Léchez les pieds. Ah, c'est Léonidas qui dit. Non, c'est vrai que c'est une sorte de. Bon, c'est soumission soft, mais. Ouais. Si tu lèches des pieds, oui, c'est soumis. Sauf s'il pue. Celle-là, c'est. C'est plus... encore plus soumis, c'est une solution dure. C'est plus dur, là. Cédric, toi, je te verrais bien te déguiser, tu vois. Ah non. En soubrette. Non. En vache qui rit. Tu veux pas te déguiser en vache qui rit? Ouais, en cochonou aussi, non? Ah ouais, ouais, ouais, bonne vrai. Idée. Avec une petite queue derrière. Ouais, un peu. Tu une queue qui monte, t'enfonce dans le cul et qui bouchon dehors. Les pompiers et les flics, je trouve ça hyper sexy, ça excite grave. C'est Lily Codiam. Ouais, mais ouais, 60, mais... ouais. Quand c'est des vrais, non? Parce que je sais pas, moi je me déguise en pompier, j'ai l'air d'un con. Ouais. C'est vrai. Il y a Blue qui propose un jeu sexuel, mais je sais pas c'est quoi, c'est Stepdad and Doctor. D-A-U-G-H-T-E-R. Stepdad, c'est demi-père. demi-père et d'auteur fille. C'est dégueulasse. Oh merde, c'était dégueu, gros. Violence Blue. Eh, Blue, t'es bizarre. Blue, t'es chelou ce soir, là. Sinon, Tim le Belge. Voilà. God Ceinture, on propose. J'ai vu plusieurs messages hein, sur le God Ceinture, d'ailleurs. Bah, il y a Jules du 02, là, pour lui. Qu'est-ce qui lui arrive? Se faire. Ouais, ça va pas fort. Ah, ça ouvre. Ah, mais lui, ça se faire. Juste, je te le dis, quand tu viens à la radio, tu me fais peur. Se faire pisser dessus, c'est le summum de la jouissance pour moi. Ah oui, donc il est parti. Mais Jules, la prochaine fois que tu viens, si tu veux, on te pisse tous dessus. Ah non, moi je ne fais pas, moi. Karim, je vais te laisser avec lui. On te pisse dessus. Des meufs déguisées en Pokémon. Hein, ça, c'est pas de la soumission. Comme ça, tu peux les pécho, les attraper, ouais. Ah ouais, t'imagines? Bon, non mais ouais. Après, c'est en excite, sans doute, hein. Mais bon, non, pas moi. Je sais que je rigole, mais moi aussi. Ouais, j'arrive à déguiser en Pokémon. Je dis ça va, ma chérie. Bon, vos réponses. Tu veux quoi des soumis, hein, des soumis ou des dominants. Ouais. Ou alors, vous avez déjà vu des films avec des trucs chelous dessus. Vous avez déjà fait des trucs. N'hésitez pas. J'ai pas des trucs avec des pinces. Enfin, vous avez vu un truc, sur le net, sur notre bon vieux YouPorn. Ouais, par exemple. Ah, vous pouvez nous dire et on y revient. Puis des idées aussi pour cette pauvre, comment elle s'appelle, Noël. Oui, c'est Noël. C'est ouais. Noël. Pour Noël. Bon, ouais. Très bien. Qu'est-ce que t'as... Romain des réseaux sociaux, il vient, il montre des vidéos de 1000 meufs qui se met des aiguilles dans la main. Oh non, chatte droite. Bon, alors, il est content. Avant la réponse du problème du mois qui va pas tarder, et avant les inscriptions pour la roulette, ça va pas tarder non plus, il y a David de Grenoble qui voulait un conseil financier. C'est avant le tour, test aussi. Ah. Hein. Le test du coffre, là. Ah oui. Ah bah oui. Ouais, ils sont en train de monter la voiture. Ça y est. Elle y est, la voiture. Attends, je crois qu'il y a un truc qui s'est garé devant la radio. Vas-y, va t'enfermer. Très bien. Si on voit la gueule de Jovan, c'est que c'est bon. On a l'histoire des micros, tout ça. Ouais, non, c'est bon, ouais, t'inquiète, je l'ai prévenu. Ils sont en bas, ils sont où? Ouais. Qu'ils soient avec nous, parce que sinon, les micros, ils sont posés dans le. Mais ils sont où les micros là? Ils sont pas là. Bon, Romano, on a le temps. Donc. Bon, alors, problème financier. Je te présente David de Grenoble avec nous, en direct. Salut David. Salut l'équipe. Salut David. Alors David, je te passe immédiatement Romano, c'est à propos d'une facture. Alors qu'est-ce qui se passe David avec ta facture? Il se passe que en revenant de vacances avec ma femme, on a reçu la facture EDF et puis 1800 euros de EDF pour 6 mois. On t'avait dit Romano de pas te brancher sur les compteurs des autres, je t'avais dit. Ah ouais, mais il y a un mec qui est branché sur toi. Ou alors petite question, est-ce que tu es cultivateur d'herbe? Non. C'est non. Ça les lampes, celui qui cultive. D'ailleurs, il faut faire gaffe, il y a des mecs qui se font choper comme ça, hein, avec des factures d'électricité anormales. Ah, mais 1800 euros. Mais si par exemple tu cultives de l'herbe, il y a des lampes pour faire monter les pieds de bœuf. Oui. Ça consomme vachement d'électricité. Ouais, ça dépend combien t'en as, ouais. Ouais, et il y a des mecs qui se sont déjà fait choper par les keufs à cause de ça, parce que la facture était anormalement élevée. Par rapport à 1800 euros, oui, c'est anormalement élevé. Soit il y a un mec qui est branché sur toi, soit c'est une erreur. Non, mais c'est plus qu'un mec, là, parce que 1800 euros. Une erreur, on a appelé EDF, mais apparemment, le compteur est bon. Le compteur, il est bon. Non, il est pas bon. Le compteur. Si, pour EDF, il est bon. Ça tourne, là. C'est énorme. Non, mais est-ce que, de toute façon, il y a un test tout simple à faire. T'étais absolument tout ce qu'il y a chez toi qui est branché sur l'électricité. Et lit dans le noir. Non, et tu regardes, si ton compteur, il tourne. Ici, il tourne, c'est qu'il y a un mec qui est branché dessus. Que tu es intelligent, Romano. C'est un test de base. Mais oui. Non, mais c'est vrai que c'est pas con. Non, c'est pas con. C'est technique. Hein. Les mecs, souvent, ils se branchent pas sur les compteurs des gens. Ils se branchent avant ou après l'arrivée, donc tu le vois pas. Pas des appareils en surconsommation. Non, mais Cédric, excuse-moi. Ah non, mais 1800 euros pour la surconsommation, c'est beaucoup. Non, mais Cédric, une fois de plus, tu dis de la merde. Parce que si le mec est branché avant le compteur. Après le compteur, pardon. Après le compteur, il tourne. Ah oui. Bah, je sais pas, gros, mais je sais que moi je connais un mec qui était branché sur après l'arrivée du mec et le mec ça lui faisait payer un autre. Non, mais sinon il y en a, ils se branchent directement sur les bandes dans la rue, quoi, tu vois. Dans les bandes de quartier. Donc là, tranquille. Là c'est tout le monde qui paye. C'est bon, dit fout le ton micro marche. Non, il marche pas, non. Mais si. Ah. Allô. Attends, allô Romano, tu m'entends? Allô, la terre. Il marche. Tiens, prends lui. Il est plus tout à l'heure, mais il marche ton micro. Ça marche. Attends, je vais mettre un. T'es content? Oui, parce qu'on va pouvoir descendre. Pour l'œuvre de Cédric. Exactement. Cédric dans le coffre. Et on va voir en combien de temps on va réussir à s'échapper. Vous n'êtes pas toute la nuit dans le coffre. Non. Mais non, bien sûr que non. Jamais, on n'est pas comme ça, bien sûr. Je pense bien. David, t'as le petit conseil de. C'est vrai qu'il n'est pas con, le conseil de Romano, tout débrancher pour voir si ça marche encore. Ouais, c'est le compteur allumé. Non, mais le compteur, de toute façon, tu le laisses tout le temps allumé. Le compteur électrique, c'est pas toi qui le gère. Mmh. En fait, t'éteins tout ce qu'il y a dans la maison. Et tu vas voir, et si le compteur il continue de tourner, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'est branché sur toi. Mmh. Ou alors, t'as des appareils qui surconsomment. Mais bon, si t'es pas là et que ça surconsomme, c'est qu'il y a quelqu'un qui vit chez toi quand t'es pas là. Vérifie donc toutes les pièces. Et t'as une piscine? Ouais. Ça consomme une piscine? Ah, je crois que ça. Mais c'est quoi? Il y a un moteur, mais c'est électrique, ça, ouais. Ah ouais, quoique, ouais, ça peut être ça. Hein. Après, ouais, les propriétaires d'avant, eux, apparemment, ils payaient 1 300 € à l'année, quoi, avec la piscine chauffée jour et nuit, quoi. Ah ouais, mais si tu chauffes ta piscine jour et nuit, ouais, évidemment. Ouais, mais ah ça, bah, c'est... surtout si tu mets la piscine en plein hiver, oui. Mais elle sert à rien, la piscine en plein hiver. Non, non, mais à partir de mai. De mai à septembre, ils l'allumaient et ils payaient 1 300 €, mais au total. Ah non, mais c'est peut-être ça, alors, c'est peut-être bon. Non, non, mais c'est peut-être ça, depuis... Ah non, mais, ouais, mais eux, 1 300 € au total à l'année, et nous, c'est 1 800 € pour 6 mois. Tu la chauffes à combien? Alors... 90 degrés. Fait, la piscine, t'en as fait un jacuzzi, quoi. Ouais, tu fais cuire des pâtes dedans. Non, mais ouais, si tu la mets à 40 degrés, ouais, tu m'étonnes que tu vas consommer de l'électricité, ouais. Ouais, juste la pompe et le filtre, ça consomme pas beaucoup, on nous dit. Le chauffage de la piscine, c'est normal. Non, mais à fond, c'est normal. Non mais la pompe, y a rien à voir. C'est pour tu sais nettoyer la flotte en fait. Ouais. La flotte, elle est continuellement filtrée. Mais oui. pour faire chauffer la piscine, ah ouais, mais c'est, moi à mon avis c'est ça. Hein. Mmh. Ou alors il y a un problème sur ton truc, sur ton installation et ça te fait surconsommer. Là il y a un problème. Ouais. Bon. Non mais déjà fais venir un mec pour la piscine pour un peu. Tu sais il y a un problème au niveau du chauffage et ça te fait surconsommer d'électricité. Hein. Je te laisse avec Romano, David. Hein. Je ouais, descends. Enfin je suis toujours avec vous. Je descends avec Cédric. Ah putain j'aurais bien voulu voir ça. Mais moi, viens Romano, viens. Ouais oui mais viens. Bon alors qui tiens Karim tu vas prendre des manettes. Oh ouais. Dieu t'es con toi. Pourquoi tu dis à Karim? Samy vas-y peut-être. Je peux y aller. Si allez vas-y Marie. Allez, on va faire Samy ou Karim. Allez on y va. Allez. Bon, nous on descend. Ouais, David, vérifie quand même tout ça. Hein. Ça serait mieux. Romano, t'es où? Bah, il te suit en fait. Mais non, il est... Ah, bah, tu vous c'est avez failli foutre un coup de boule. C'est vrai que tu as des toutes petites jambes. Il est où le deuxième micro? T'as vu quand je fais c'est un vrai qu'il quand je fais un pas, t'en fais quatre. Non, mais ça va, là j'arrive à peu près à suivre. Très bien. Bon, alors, vas-y, Cédric, t'es prêt? Ouais, moi je suis prêt. Bon, et si vous avez un conseil pour David sur l'histoire de la piscine, vous pouvez nous dire quand même. Voilà, ah bah, je sais pas si vous nous entendez, moi je n'entends plus rien. Si, mais... on vous entend. On t'entend. Ah. T'es sûr que c'est branché leur truc? Bah, ah je sais ouais, pas. Ils ont dit que c'était branché. Si, c'est bon, on t'entend. Si on nous entend encore, c'est que c'est branché. Ah, là, ça marche. C'est bon. Très bien. Alors, elle est sortie la voiture de Jovan? Ouais, elle est devant. Ouais. Jovan de la Sécu. Hein. Il est où, Jovan? Pour la... Il est là? Ouais. Ah, mais c'est bon, il est là, ouais. La voiture est là. Allez, Cédric. Ah putain, dehors, qu'est-ce qu'il fait chaud? Il fait chaud de fou. Ah, il fait, ouais. Parce que la clim, elle est à fond dans le sud. Ah oui, parce que nous, on est climé, donc hop. On est climé. Mais tu vas jamais rentrer, Cédric, là-dedans. C'est quoi ta voiture, Jovan? C'est une Range Rover. Il rentrera normalement, pas dans Range Rover. Il y a la place, hein. Ah, si, oui, mais si. Oui, bonjour, je suis la voiture. Je pense que Cédric va me tuer. Vas-y, bah, Cédric. Vas-y. Ah, mais t'as pas le droit de péter ça, hein. T'as pas le droit de péter ça, hein. Ah ouais, merde, attends. Donc, rentre, mais t'y arrives? Attends, je le pousse. Vas-y, ah, mais... pousse-le, Romano. Tu sais pas. Voilà, pousse-le. Vas-y. T'es bien dans la voiture. Gros. Voilà. Attends, on vous voit, hein. Hop sur là. Facebook, là, en live. Hop là. Et on le libère demain, donc. Hein. Voilà, mais... maintenant, Jovan, tu l'emmènes à l'autre bout de Paris. Ah, et tu le laisses en galère sur un parking. Laisse-le en galère. Laisse-le sur un parking à Toulouse. Un parking à Toulouse. Ça existe. Ça y est, il ferme, Karim. Ça va, Cédric? Ouais, t'inquiète, attends. Ouais, je vais te montrer, moi, que tu peux te sauver. Ah, alors. Non, on rentre dans la voiture devant. Alors. Ah. Cédric, t'en es où? L'autre, il a. Hey, Jovan, il est en train de démonter la plage arrière de la voiture. Ah, ça y est. Cédric essaie de se libérer en live. Ah, rien, tu. Oh putain, mais attends, il va pas passer. Il est bloqué, voilà. Ah ouais, t'es bloqué. L'autre, tu mets des coups dans le cul. Vas-y, ferme ta caisse. Et pousse-toi. Vas-y, hop. Ferme la porte, Romano. Micro. Voilà. Ferme la porte. Hop là. Terminé. Vas-y, condamne les portes. Condamne les portes. Dans la voiture. Voilà, tu condamnes les portes, condamnes tout. On vous allez, voit. C'est bon, à demain. Hein. À demain, Cédric. Okay. Attention. Ah, mais je vois sa tête. C'est quoi ce bruit? Mais c'est lui, ça craque à l'intérieur, il est en train de péter la banquette arrière. Cédric, il y a surpoids, elle queen la voiture. Parle dans ton micro, Cédric. Ah, Romano, te l'abonner. Oh merde alors. Il essaie de sortir comme un con. Vas-y, parle-nous, Cédric. Mais je peux pas sortir. Je peux pas sortir. Non, reste dedans. On dirait un sage dans une cage. Romano, lance le micro, tu sais, comme tu fais à la, au zoo. Allez, lance le micro. J'ai une cacahuète. Monsieur, hop là. Cacahuète. Tiens, Cédric, t'as un micro. Nous, allez, on revient demain. T'as tout à l'heure. Hein. Bah, à tout à l'heure, Cédric. Mais laissez-moi sortir, putain. On le voit sur Facebook, là. Il a l'air con. La suite du film sur le Facebook de Skyrock. Skyrock FM. Attends, j'arrive. Allez, vous rentrez, attention, vous. Nous montons les escaliers. Allez, les enfoirés. Ne vous avez pas fermé la main, bande de fous. Ah, et attention, nous courons jusqu'au studio. Waouh, ouais. Belle entrée, hein. Allez, cours. Ouais. Ouais. Vous avez verrouillé toute la bagnole. Ouais, ouais, elle est verrouillée, elle est comme un con dedans. Ah non, le sang. Ah, vous avez oublié de fermer la fenêtre avant, bande d'imbéciles. Ah, il sort par la fenêtre, là. Il sort par la fenêtre, mais il va jamais passer avec son ventre. Non, mais si, je suis. Attends, bah, tu crois quoi? T'es sorti? Il avait la gueule collée à la vitre. Putain, je me suis éclaté le bras. On voit plus. Vous savez qu'il fait très froid dans le studio. Putain, j'ai mal au bras. Ah ouais, par rapport à dehors. Ah ouais, là on vient de se faire un choc thermique, je vous explique pas le... Ouais. Ça c'est du choc thermique, ça. Ah ouais, ouais. Bon, j'ai des réactions pour ton problème. Ah non, parfait, alors. La soumission là c'est pour Nawel. Voilà, Nawel, c'est... justement, bon on a fait ça avec Cédric parce qu'en fait Nawel c'est débile. Oh, mais c'est une fille, elle a des soucis. Bah, elle est comme Cédric, elle s'est retrouvée enfermée dans un coffre. Ouais, c'est ça. En fait, elle a voulu faire une surprise à son mec, genre, ah, on m'a kidnappé, je suis dans ton coffre. Sauf que le mec, il a rien entendu du tout. Elle est restée une nuit entière dans le coffre. Son mec l'a retrouvée le matin, il avait pas le temps, donc. Bah, elle est partie sans téléphone et tout, elle est dingue. Ah, bah oui, oui, non, mais c'est ça, bah, c'était la grande surprise qu'elle voulait faire, Nawel. Ouais, quelle belle surprise. Bon, une autre surprise. Il n'y a pas de pub maintenant, on va se mettre Joule avec Emotion. Ah. Et puis vous réagissez pour le problème du mois et on aura un couple à vous présenter. Ouais. Ah, peut-être pour aider le problème du mois. Ah, oui, c'est parfait pour ça, ouais. Damien et Charlène, on va les retrouver en direct de Rouen. Il m'arrivait pareil pour EDF. Ah oui, puis les messages pour EDF aussi. Je vous mate tout ça. Hein, y a des gens qui s'enfoncent des œufs dans le dur dans le cul. Ah bah c'est sympa. Bah, on est dans la soumission. L'autre elle se transforme. Ah j'adore. C'est dégueulasse. Et puis vous voulez gagner Maître Gims, c'est maintenant. Oh putain, mais Karim qui rote. Non, c'est pas Karim. C'est Cédric. Cédric, tu nous entends? C'est toi? Ah ouais, je suis derrière toi. Ah, t'es vraiment. Il est là. Ah ouais, le mec, c'est un animal. L'autre il vient d'arriver, on entend. Voilà, je rote, je suis content. Vous voulez aller voir Maître Gims en concert? Vous nous laissez vos messages au 7-20-20. Vous envoyez roulette très très vite. Et on a plein de places de concert à vous filer. Vous allez. C'est pour la tournée de Maître Gims. Le concert que vous voulez pour la tournée Skyrock de Maître Gims. En tournée avec Sky, évidemment. Et les places au 7-20-20. Vous envoyez roulette. Toi aussi, viens rejoindre la plus grande radio libre de France. En direct de 21h à minuit sur Skyrock. Et là, c'est Joule. Emotion. C'est Joule sur Skyrock. Rappé R&B non-stop. C'est Joule sur Skyrock. Rappé R&B non-stop. Je rêve de thunes de voyage. J'en ai besoin vu mon âge. Prenez des shorts dans le bagage. On va changer de paysage. Tête dans la lune, pied sur terre. Je vois les oiseaux s'envoler. On dit souvent que c'est les gens plus bactères. Qui seraient prêts à tout donner. Je suis trop fort de caractère. Comme mes potes qu'on incarcère. Pour le stress, j'y mets du nerf. Faut que je les résonne. J'envoie des sons pour venisant la mort. Je me vois partir sous le sol, nager dans l'eau. Faut pas qu'on me laisse seul, je suis parano. Faut pas qu'on me laisse seul, même par amour. La mise est fraîche, je suis parano. Elle a fait des mèches, je suis parano. Ne me laissez pas seul, parce que je vais trop gamberger. Tôt ou tard, les loups se feront manger par le berger. Pourquoi aller? Je fais ce que je peux pour mes potos. Et eux font ce qu'ils peuvent pour moi. À tout moment, je peux sauter. Je prends la vie comme un tournoi. Tu veux t'évader, partir de là? Alors imagine-moi. Je pense même plus à verser des larmes. Je fais que ta vie comme un chinois. J'envoie des sons. Partir sous le sol, nager dans l'eau. Faut pas qu'on me laisse seul, j'suis parano. Faut pas qu'on me laisse seul, même par amour. La mise est fraîche, j'suis parano. Elle a fait des mèches, j'suis parano. Parano, parano. Du mal à sortir mes émotions. J'roule en bolide 4 motion. rapper R&B non-stop. Joule sur Sky et Emotions. Come on. 21h minuit, la radio libre de Tifoul. Seulement sur Skyrock. Emotion Joule et la roulette qui va tourner avec Maître Gims a gagné. Allez, dernières inscriptions, c'est de 20-20. Et dans un instant, tirage au sort, on va finir avec nos soumis. Ouais. Ah ouais, et puis on devait appeler Patrick. Ah bah oui, avec Pamela. Alors, on voulait vous présenter un soumis, puisque bon, on a une soumise dans le problème du mois, elle s'appelle Nawel. Ouais, Nawel, le grand problème. Bah ouais, elle s'est retrouvée enfermée dans un coffre. Ah oh bah. Comme Cédric. Et Cédric, bravo, t'as réussi à sortir de la voiture, félicitations. Bah ouais, mais c'est la fenêtre avant ouverte, bande d'imbéciles. Bah ouais. J'avais dit, faut pas la fenêtre, ça respire. Mais j'ai mis des traces de pied partout dans la voiture. Yovan, il va être comme un ouf. Ah non. Bah, je pense qu'il va te taper. Il va te casser la gueule comme l'autre jour. Voilà, comme lui, comme il t'a déjà voiture. Fait 10 Et puis, tu termineras, tu viendras pleurer. Oh, Difool, viens m'aider. Oh là, viens m'aider. Bah. Bon, on vous présente un vrai soumis. Celui-ci, on l'a découvert sur dans les annonces de Pamela. Ouais. Qu'on retrouvera d'ailleurs demain vendredi. Oui. Et oui, Pamela. Écoutez bien. C'est Patrice, le soumis. On l'entend pas. Homme soumis recherche femme dominatrice très très pervers. Au 01 48 21. Je reçois même toute la nuit. Ah bah. Annonce réelle et très sérieuse. Tu veux se faire marave toute la nuit. C'est ouais. Patrice. T'as son numéro ? Ouais, vas-y. Allez, vas-y, mets tout ça dans le standard. Appelle. Bonsoir. Bonsoir, Pamela. Bienvenue Maîtresse Pamela. Maîtresse Pamela. Bienvenue pour notre petit problème du mois soumis de cette semaine. Je sais pas s'il va répondre à ce torsier. Il serait bien qu'on l'ait quand même. Histoire de terminer l'émission en beauté à minuit 4. Magnifique. Ah, ça sonne. Allez, réponds. Charge. Allez, Patrice. Réponds, vilain. Allez, vas-y, vite. Il est peut-être en séance, hein. Séance de torture. Bah, peut-être, hein. T'es le mec. Bon. On sait jamais, hein. Bon. T'es en train de se faire marave, je sais pas où. Sinon, je vous le présente rapidement, puisque on l'a eu plusieurs fois dans l'émission. À mon avis, il va pas répondre ce soir. Écoutez-le. Écoutez cette voix sensuelle et sa description surtout. Grand blond, 1m80, 90 kilos. Grand blond, 1m80, 90 kilos. Et il donne envie. C'est une belle bête qui aime se faire soumettre. Oh ouais, très soumis, très obéissant. Enchanté, maîtresse Pamela. Dis bonjour, Pamela. Bonsoir. Oui, maîtresse Pamela. Oui, tu es mon soumis. Maîtresse Pamela. Ah oui, encore. Bien, maîtresse Pamela. C'est bien. Mais j'ai pas de maîtresse. Bah ah si, oui, parce qu'on lui avait dit de se mettre des œufs dans le cul. C'est une idée de Pamela, comme ça. Oui, je n'ai pas de maîtresse. Je n'ai pas de maîtresse, Pamela. Oui, oui. Alors donc c'est lui, là. C'était branlé, Ah oui, je vais jouer à maîtresse. Maîtresse, oui. Bon, vous voyez que lui, il est bien amoché. Ah, bien comme il faut, ouais. Ah, il est pas mal, hein. Bah, il faudrait lui présenter Nawel du problème du mois. C'est vrai. Ah, on pourrait lui présenter. Non, ça irait pas. Ah, bah non, mais non, ils sont soumis tous aussi. Ils sont soumis tous les deux, là. Ah, ça marche pas, ouais. Bon, alors attendez, coupe de soumis, on a Damien au téléphone, hein, on va le prendre en speed. T'es là, Damien, il a réponse du problème du mois, Romano. Ouais, c'est bon. Allô, Damien. Oui, allô, l'équipe. Oui, allô, Damien. Oui, Damien. Tu es soumis. Non, c'est pas, je suis soumis, on est équilibré, on va dire, dans le couple. Vous êtes équilibré, dans le couple, très bien. Voilà. Mais c'est pas la question, la question, vous voulez des soumis, nous. Ah, ça non, veut dire équilibré, toi tu soumis non. Parfois, tu soumets parfois, voilà, et parfois c'est. On t'entend rien. Hein. Ah, absolument rien, mais ça je confirme, Difool, mais rien de rien. Bah, couper la radio. Non, mais c'est pas couper la radio, c'est le téléphone qui est pourri, mon pauvre Damien. Ouais, je cherche. Connard, là. Radio, ah ouais, la coupe. Donc vous alternez, en fait. Ouais, non, mais c'est pas grave. Donc vous. Je vais traduire, Damien. Donc, parfois c'est toi qui soumets, parfois c'est toi qui es soumis. Voilà, par exemple, on a des sangles et des attaches, et donc parfois je lui attache les bras, les jambes, ou parfois c'est elle qui me le fait, quoi. D'accord, tu te fais soumettre, genre. T'as jamais fini dans un coffre, par exemple, non? Non, mais. Non, par contre, là, c'est ce que j'ai mis dans le message, on n'ira jamais jusque-là quand même, mais. Oh, moi si. Bah, tu t'es fait fesser, ou tu te fais goder, ça se passe comment? Non, ça c'est plutôt moi qui. Mais. Apparemment, par un plug anal, comme ça, mais. C'est un peu de la soumission de se faire pluguer analement, non? Si un jour, moi, on me plug analement, je pense que j'en mettrai pas large, quoi. Ah ouais, je peux le faire. Non, merci, Cédric. Ça dépend comment c'est fait. Moi, si je te mets un plug, Marie, direct. Non, c'est pas de la soumission. Si moi, je me prends un code dans le cul, Marie. Ah si, Marie, quand même un peu. Ah ouais? Ah bah oui, attends. Toi, tu te prends un code dans le cul. Si tu te prends un code dans le cul, Damien, t'es soumis. Non, moi, je ne vais pas. Ça, jamais. Ah, ça te jamais. Mais si ça t'arrive un jour, tu te considéreras comme un peu soumis quand même. Bah, un peu, ouais. Soumise, ah ouais, ouais. Oh ouais, j'ai envie d'être une grosse soumise. C'est bien, c'est vrai. Super. Wow. Non, oh ouais. Avec amour. J'ai envie d'être vilaine. Ah non, mais ça peut être fait avec amour, sans amour, tout ça. Non, mais tu ouais, t'as un truc dans le cul, t'es quand même soumise. T'as un truc dans le cul, t'as l'air d'un con quand même. Après, bon, chacun son truc. Je sais qu'il y en a plein qui le font dans les couples. Ah ouais, ouais. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Je sais que tu vois ce que je veux dire. J'ai bien vu. Ah oui. Mais, quoi, t'as rien vu du tout. Je suis bien au courant. Mais moi je me sens un peu soumis à ce moment-là. Ah bon, oui. Tu peux faire du plaisir à l'autre. Quoi. Non mais t'es soumis quand même. T'as un truc dans le cul, Marie. Ah, oui. Après, si tu mets le mec à quatre pattes et que tu lui fais genre un truc un petit peu violent, forcément t'es soumis. Mais si tu lui déglingues le cul à ce moment-là, ok. À quatre pattes, moi je me mets sur le dos, par exemple. J'ai un truc dans le cul, je suis soumis, Marie. J'ai pas besoin de quatre pattes. Ouais, aussi, c'est vrai, ouais. Bah oui. Rappelez-vous de Sandra le travesti dominateur. Ah ouais, c'est une espèce de taré qu'on avait au téléphone. Ah ouais, ouais. Dans ouais. un donjon. Ah ouais, qui vivait dans un donjon. Ah ouais, avec sa croix là. Et qui... Non, la journée était banquier. Ah ouais, il était banquier la journée, le soir il était dans un donjon et il maravait des mecs. En fait. Demain un petit rendez-vous à la banque, ah, ça sera peut-être lui. Sandra le travesti dominateur. Mais oui, on s'en rappelle. Ah, c'était beau ça. Ah. Oui, il disait toujours la même chose. Vous avez vu l'annonce dans quel magazine? Eh ben écoute. Allez, quitte pas Damien, on va écouter la réponse du problème du mois. Vas-y Romano, quelle est la réponse de ce problème du mois magnifique que vous avez bien choisi avec nous? Le problème du mois de ce jeudi, le dernier problème du mois. Haute grenobloise. De cet été. Haute grenobloise. Non, grenoblois. Haute grenoblois qui répond. Qui répond à Nawel. D'accord. Sur Doxissimo, c'est les internautes qui se cèdent entre eux. C'est un forum d'échange et de partage. Ça promet, tiens. Non, mais c'est vrai, ça s'appelle comme ça. Ma chère Nawel, étant moi-même un dominateur, je pourrais te donner sans aucun problème quelques conseils au niveau de la domination. Déjà, premier conseil, lorsque tu souhaites faire une surprise à ton mari, il vaut mieux peut-être le prévenir avant. Plus particulièrement pour l'histoire de ton coffre de voiture. Oui, ça t'évitera de passer à nouveau une nuit complète dans ton coffre. Pareil, si tu as l'idée de te cacher dans un placard dans votre appartement. Ou éventuellement dans la cave ou le grenier. Dans la cave, ça peut être pas mal, elle peut y passer des semaines. Non, mais ouais, c'est bien, mais elle a disparu. Non, mais le mec, surtout, s'est pas demandé où elle était passée pendant la nuit, quoi. Ouais, non. Non, mais lui, normal. Normal, il l'a envoyé chier au petit matin, je vais bosser qu'à ce soir. C'est bien. N'aie pas honte de ton addiction. Moi aussi, je suis complètement accro. Je me fais suspendre en l'air et je suspends également des partenaires. avec comme dans la boucherie, tu sais. C'est ça. Avec tout un système de cordage. C'est fantastique. Oh. Échangeons nos emails en messages privés et je t'assure que tu ne seras pas déçu du voyage. Ah bah ça, a priori. À bientôt sur le forum. Ton hôte grenoblois, prêt à te soumettre comme tu le souhaites. À bientôt. Et bisous. À bientôt, hôte grenoblois. Merci pour la réponse pour Nawel. Et puis merci pour les messages que vous avez laissés. Il y a plusieurs idées. Là, regardez. Guillaume de Chelles qui nous dit rien de mieux que la cravache. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre? Un martinet à clous. C'est des messages de Fufu la tulipe. C'est les mecs qui écrasent les clopes aussi. Lust. Marie dirait qu'elle vire dans le dark. Ah elle. Ouais, immonde. Écrase des clopes et après il s'arrache des bras. Ouais, c'est ça, c'est cool. Lust, lui, pareil, j'ai un fantasme, c'est de me faire sodomiser par une femme. Eh ben voilà, t'as raison, t'es soumis. Enfin, t'as raison, c'est que t'es soumis. Bah pourquoi pas. Se faire pomper en conduisant. Ouais, mais là t'es pas soumis, Omar. Omar, ça y est, il nous balance tous ses fantasmes. T'as fait Omar, oui, il est en train de craquer, ouais. Ah, se mettre en érection et gifler le visage avec sa bite. Ah, bifler. C'est une bonne bifle. Ah, j'adore. C'est de la soumission totale. Ah, Marie, t'aimes bien te faire bifler. Ah, non, mais moi, le visage. Oh, mais t'es relou, mais t'es. T'as vu? T'es une vraie casse-couille, toi. J'ai toujours dit, moi, le visage, on touche pas. La bouteille vide de Marie qui vient de nous laisser un message. Ah. Laquelle bouteille vide de Marie? Je kiffe me prendre des bonnes bifles et des bonnes fessées. Ah bah ça c'est de la soumission. C'est de la soumission. Moi c'est mignon quoi. Mignon. J'ai déjà vu un truc flippant, un mec qui fistait une meuf, elle devient folle, on a l'impression qu'elle va crever. Ah, mais s'il a une grosse main, ouais forcément. Oh. Ah bah ouais ouais. Ah bah, non, le quand même c'est une gros petite. En général, hein. Voilà, il y a un mec qui se branchait sur une lampe de jardin. Qui se foutait des coups de jus. Hein? Non, ou alors qu'ils se mettaient, c'est les lampes des fois, les petits réverbères là, mais pas haut. Ouais. C'est comme les bits qu'il y a dans la rue pour un peu le mettre qui se mettait ça dans le cul. Ah, c'est comme ça qu'ils se branchaient. Ah, peut-être, ouais. Non, ça aussi, c'est de la soumission, ouais. Une vieille qui se fait pisser dessus dans une baignoire sur Jackie Michel. Je vois que tu connais tes classiques. Merci, Lio, et merci pour le problème du mois. Bah, tu vois, moi, avec les vieux, ça me dégoûte au bout d'un moment. Trop vieux, ça me dégoûte. Ah ouais. Ah genre, ouais. Tu sais, 60. Bah, c'est de la solution. Granny, tout ça. La solution granny. Ah ouais, ça me dégoûte. Mais si, on avait vu une fois en émission, on avait regardé un truc où c'était les papis, des papis pervers ou je sais pas quoi là. C'était ignoble. Ah, j'avais adoré. C'était mon papy. J'ai tourné dans le volume 2. Eh ben, magnifique, bien Marie. Sûr, ouais. On regardera ça une des ces prochains soirs. Bon, on fait tourner la roulette et le prochain problème du mois. Eh ben, c'est jeudi prochain. Et ouais, la rentrée. Eh ben oui. La rentrée lundi, hein, n'oubliez pas, 6h-9h. La grande rentrée. Voilà, c'est nous qui rentrons en premier, puis après vous retrouvez Fred, toute l'équipe tout au long de la journée. Mehdi, Emeric. Faut que j'aille acheter mon cartable. Le Planète Rap, la Radio Libre. Les nouveaux cartables de l'équipe. C'est vrai qu'il va en acheter un. Stéphane, Vincent, Maxime et tous les autres. Bon, on fait la roulette. Et il faut accueillir Morgane. C'est Morgane qui a été tirée au sort. Allô, Morgane. Coucou. Salut. Et c'est la bonne nouvelle de la soirée. Tu vas faire tourner la roulette avec nous. Allez. Oui. Tous en place de concert, Maître Gims. Skyrock. Premier sur Maître Gims. Et on va faire tourner pour aller voir Maître Gims. Il tourne dans toute la France. Tu choisis tes dates de concert. Si tu gagnes, Morgane, et nous on a lancé la roulette pour toi. Toi, t'as 23 ans et t'es à Grenoble, c'est ça? À Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand, d'accord. Faut dire stop là. Pas la peine de demander, Mano, le stop était prêt déjà. Eh bien, il passe à Clermont-Ferrand. Tu vas donc pouvoir aller le voir le 2 décembre au Zénith de Clermont. Tu gagnes tes places de concert, Morgane. Ah, trop bien. Eh bien, bravo. Eh ben, écoute, profite bien. Bravo à toi. Donc, le concert de Maître Gims, s'il est pour toi, tu vas ramener qui avec toi au concert de Gims? Ma sœur. Voilà. C'est cool. J'annonce à Maître Gims qu'il y aura deux filles en plus qui vont chanter tous les sons de ses albums. Et se dandiner. Et à pas louper demain soir Maître Gims en direct sur Skyrock entre 20 et 21. C'est Planète Rap. C'est semaine de Maître Gims avec Fredo, bien sûr. Le Planète Rap de Gims. Premier Planète Rap de l'année. Planète Rap qui a fait sa rentrée avant la rentrée officielle. C'est bien. C'est demain soir. Profitez bien. Bisous, Morgane. Profite bien du concert. Hein. Oui, merci beaucoup. Bisous. Bisous, ciao. Et bisous à ta sœur. Et rendez-vous demain soir, 21h, sur Skyrock. On sera de retour pour la dernière radio libre de l'été, de la saison. Et de la semaine. Aussi, ouais, par la même occasion. Avant de rentrer lundi, donc soyez là demain. Ah ouais, Pamela et les pervers de l'été aussi, à pas louper. Ah bah bien sûr. Les pervers de l'été seront là. Je te l'annonce à toi aussi, Prisca. Je sais que ça te fait tout le temps très plaisir. Tu verras ta sauce, Pamela. Ah oui. Absolument. Donc, absolument. Tu connais. Bon, le double appel, on s'est bien marré avec le double appel encore ce soir là. Double appel à retrouver demain soir. Et puis bon, tout le reste, vous tous, dès 21h, si vous avez un truc à dire, bah vous profitez. C'est Radio Libre, la plus grande radio libre de France, avec vous tous les soirs et demain soir aussi. Passez de bonnes nuits, Prisca. Bonne nuit. Et le son de Skyrock, c'est parti pour Franco-Chien. Ah, c'est tout nouveau ça, Franco-Chien qui arrive avec un nouvel album d'ailleurs. Ouais. T'aimes bien Prisca ça? Écoute, j'ai pas encore écouté. C'est tout nouveau, il est rentré aujourd'hui sur Sky. Ah non, je croyais que tu me parlais de l'album en fait. Ah non, mais le titre, tu vois. Non, le titre. C'est du Franco-Chien, tu vois. Pink and White, c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, Franco-Chien. Allez, c'est pour vous les loveuses, les lovers. Écoutez bien, Franco-Chien, et rendez-vous demain soir, 21h. Il y a Beyoncé qui fait les chœurs, si vous l'entendez derrière. Elle est derrière Beyoncé, essayez de la repérer. Écoutez bien le morceau. Premier morceau de la nuit. Et Urban Music non-stop toute la nuit. Rendez-vous demain, 21h. Ciao, ciao. Allez, salut! T'as besoin d'argent. Réveille-toi avec Skyrock. The Morning Show! Dès lundi, le Morning de Difool te réveille. Et pour fêter la rentrée, Difool t'offre 1 500 € toutes les demi-heures si tu réponds Skyrock. Ta radio préférée? Bah, c'est Skyrock. Envoie 1 500 par SMS au 72020 et inscris-toi dès maintenant pour gagner 1 500 € dans le Morning de Difool. Voilà! 1 500 €, c'est pas possible. Oh là là, mon Dieu, merci beaucoup. Dès la rentrée sur Skyrock, 65 centimes plus coût d'un SMS. That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Nod my head, don't close my eyes. Halfway on a slow move, it's the same way you showed me. If you could fly, then you'd feel south. Up north, it's getting cold soon. The way it is, we're on land, so I'm someone to hold true. Keep you cool when it's still alive. Won't let you down when it's all ruined. same way you showed me, you showed me love. Glory from above, regardless, yeah. It's all downhill from here. In the wake of a hurricane, dark skin of a summer shade, nose dive in the flood lines, tall tower, milk crate. It's the same way you showed me. Cannonball off the porch side, older kids trying off the roof. Just the same way you showed me. You showed. If you could die and come back to life, up for air from the swimming pool, you'd kneel down to the dry land, kiss the earth that birthed you. Gave you tools just to stay alive and make it up when the sun is ruined. That's the same way you showed me. Showed. You showed me love. Vous l'avez entendu, Beyoncé, quand même, là, derrière, sur les chœurs. Quand même, enfin, je suis pas folle, quand même. Oui, on l'a entendu. Ah, merci. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien entendu, moi. Oh, mais il est sourd, c'est bon, next. Voilà, next. Je coupe son micro, il m'a saoulé. Bon, c'était le nouveau Frank Ocean, à l'instant, sur Skyrock, Pink and White. Il est relaxant, ce titre, il est idéal, vous voyez, pour la rentrée, pour pas être stressé, être détente, voilà. Et Frank Ocean, on va pouvoir découvrir son album sur Skyrock dans Planète Rap la semaine prochaine. Contente de vous retrouver cette nuit, j'espère que vous allez bien, que la journée a été bonne. Rapper NB non-stop en cette chaude nuit. On va écouter pour la suite du son, qu'est-ce qu'on écoute? Je me tâte. On va écouter Major Lazer. Tiens, Major Lazer avec Justin Bieber, c'est Cold Water, c'est le nouveau son de Major Lazer. Il y aura Alonso juste après avec Vinta et DJ Khaled et Drake, ça arrive sur Skyrock. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still with you. And I want you to know I won't let go. I'll be your lifeline tonight. I won't let go. I'll be your lifeline tonight. 'Cause we all get lost sometimes, you know.